自己之前的技能，你要拿个市场主。 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Bonjour. Bonjour. Donc ce n'est pas baptisé. Ce n'est pas baptisé, c'est toi qui vas aller le baptiser maintenant. Comme tu connais à l'endroit, toi. Comment? Ça dit que ce n'est pas baptisé, c'est toi qui vas aller le baptiser maintenant. Comme tu connais à l'endroit. Non, je même à l'endroit, vous allez en l'endroit. Donc tu vas aller loin là-bas, la baptiser. À baptiser qui? Elle. La personne qu'on allait chercher. Non, je sais, c'est qui? Si on vous allez baptiser, vous allez vous faire baptiser. On peut commencer. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, prions, levons-nous. Il y a encore des gens qui arrivent. C'est changé. Ok. Levons-nous, on va prier. Je crois que le temps que vous êtes allé pour le baptême, d'autres ont profité pour se reposer, y compris moi-même. Levons-nous, on prie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci, Père de gloire, parce que tu as amené ceux-là aux eaux et tu les as ramenés. Père, en signe d'obéissance à ta parole, Père, ils sont allés pour se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Je prie au Dieu de gloire que tu bénisses leur obéissance et que tu leur donnes de marcher maintenant droit devant toi. Je prie au Dieu de gloire pour ceux qui viennent d'arriver maintenant dans cette réunion, que tu leur accordes la grâce de te suivre tous les jours de leur vie et que tu restaures les chemins tortueux. Que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, comme nous sommes dimanche avec le rythme accéléré dont je suis venu vous imposer ici en Allemagne, et sachant que vous avez ce qui est légitime votre gain, je crois que les femmes, non, elles ne sont pas bien assises, mais vous êtes bien là. Attends. Faites que les femmes s'assiedent confortablement. La soeur, si tu es bien assise, tu es à l'aise là. Oui. Sinon, on demande à un homme de quitter pour que tu t'en sais bien. Ça va bien maintenant. Ok, ok, ok. Donc, c'est sûr que ce sont les cascadeurs, donc. C'est le cascadeur. Ouais. Ok, mais c'est bon alors. Il disait donc que vendredi, dans la nuit du vendredi, nous avons travaillé de presque 19h jusqu'à presque 5h du matin. Et on a encore repris samedi à 16h jusqu'à tard dans la soirée, c'est ça, n'est-ce pas? Et on est arrivé ce jour-là à la maison à 2h pour revenir encore aujourd'hui. Donc je vais faire l'effort de vous laisser tôt parce que sinon, vous allez commencer à dire à votre cœur que si on vous cherche du travail, c'est que Jésus va prier que Dieu vous donne du travail. Donc, je vais vous laisser tôt pour que vous partiez, d'accord? Mais avant cela, je vais parler. Il n'y a plus de gens, n'est-ce pas? Je peux commencer maintenant. Il y a encore quelqu'un? Ok. Avant que les personnes qui sont encore pour le baptême, enfin, en haut, je vais dire quelque chose pour vous qui êtes baptisés maintenant. Et avant, je l'avais dit quelque chose par rapport à ce qu'on a dû faire. Très souvent, les gens font des choses par complaisance. Quand il s'agit du Seigneur Jésus, quand il s'agit de la parole de Dieu, on doit faire seulement ce que la parole de Dieu dit. Vous vous souvenez quand le Seigneur est venu et quand les Juifs l'acculaient avec des passages et des questions bibliques. Un jour, il leur a posé la question, de qui le Messie est-il fils? Ils ont bien répondu, d'après les Écritures, c'est fils de David. Lorsqu'il est né et que les mages sont venus demander à Hérode, où est le roi des Juifs? Vous remarquez très attentivement où les mages viennent pour montrer qu'ils ne connaissent même pas la direction. Ils ne demandent plutôt à un roi du pays, quoi le roi des Juifs, à un Romain. Le roi romain pose la question aux sacrificateurs, aux scribes qui étaient là. Mais dites-nous, votre Messie, c'est comment? Les gars ont ouvert là, ils ont ouvert les Écritures. Ils ont ouvert les Écritures pour vérifier ce que l'Écriture dit qu'il devait naître où. Ça rend lui que c'est l'Écriture qui doit donner la direction. Ils ont lu, ouvert, ils ont dit Michel, waouh. Michel disait effectivement qu'il devait naître à Bethléem. Donc comme c'est écrit que c'est à Bethléem qu'il va naître, il ne peut pas aller naître en Galilée. Vous y êtes? Donc l'Écriture a prévu que c'est en Bethléem qu'il doit naître. Alors ils sont venus dire à Hérode qu'en fait, c'est en Bethléem, en terre de Juda. Donc c'est dans la région de Juda qu'il doit naître. Il ne peut pas naître chez Simeon, ni Adam. Il ne peut pas naître là-bas parce que l'Écriture a prévu ainsi. Vous y avez moi? Alors, le Seigneur Jésus, quand il va grandir au milieu d'eux, un de ces jours, dans le livre des Jean, au chapitre 7, le verset 19, il va leur dire que Moïse vous a donné la loi et nul de vous n'accomplit la loi. Donc, ça veut dire que la loi leur a été donnée. Et Dieu s'attend à ce qu'ils accomplissent. J'arrive là par rapport au baptême, d'accord? Suivez attentivement, suivez très attentivement. Dans le livre de Luc, au chapitre 24, lorsqu'il va trouver ses deux disciples sur le chemin de Marius, il va leur poser la question que qu'est-ce qu'il y a à ce que vous rentrez comme ça, vous êtes tout triste. Ils ont répondu au Seigneur Jésus, est-il le seul qui soit vu dans Jérusalem et qui ne sache pas ce qui est arrivé? Jésus pose encore la question, quoi, leur dit-il. Il dit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un puissant, un prophète devant Dieu, et que Dieu utilisait pour régénérer le peuple. Il dit que les Juifs et les sacrificateurs sont ligués et l'ont tué. Voici déjà le troisième jour. Nous espérons que ce serait lui qui relèverait Israël. Jésus a commencé, il a dit que, oh, écoutez très attentivement. Oh, hommes qui sont lents à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Puis partant de là, il a commencé à leur expliquer, depuis la loi de Moïse, les psaumes, tout ce qui le concernait. Ils ont vu effectivement que c'était aligné avec les Écritures. Donc il est allé dans les Écritures pour montrer ce qui le concernait. Ça veut dire que ce qui est écrit ici doit s'accomplir tel que c'est écrit. L'apôtre Paul, dans l'Ude 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, ici, il va vous donner l'explication de lui parler. Il donne le référent pour que vous sachiez où c'est écrit. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, 15, donc verset 1 jusqu'à 11, la première partie, dans le verset 1 à 4, il leur dit d'abord que je vous exhorte, donc, vous qui avez cru à cet évangile, si autrement vous aurez cru en vain. Il dit, je vous ai annoncé que Christ est mort. Il dit, selon les Écritures. Il dit, d'après son évangile, ce qu'il prêche, c'est que il prêche que Christ est mort, pas mort, n'importe quel mort, parce que quelqu'un peut mourir de maladie. Vous voyez cela? Mourir peut-être d'accident. Il dit qu'il est mort selon les Écritures. Donc il est mort conformément à ce que les Écritures disaient qu'il devait mourir. Que c'est ça qu'il annonce. Parce que quelqu'un peut vous prêcher un autre Jésus en disant qu'il est mort à l'hôpital. Il y a des gens qui disent que Jésus est mort à 120 ans au Cachemire indien. Vous dites, nous maintenant. Et les gens, il y a des suiveurs de cela. Que son tombeau était là-bas, après il avait fui les persécutions, il est allé au sud de l'Inde, il allait là-bas se marier. Son tombeau se trouve là-bas. Allez faire le pèlerinage là-bas. Alors il dit, Christ est mort selon les Écritures, et qu'il a été enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Il dit, selon les Écritures, c'est ce qu'il écrit. Donc il prêchait selon les Écritures. Et dans ce 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, il dit que nous avons fait, c'est pour cela que nous avons fait application de ces choses-là, et pour notre personne, et moi, celle d'Apollos, afin que vous appreniez à notre dépend, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'écriture a été donnée une fois pour toutes. Si on veut faire quelque chose d'après Dieu, ça doit être, il est écrit. Alors, ils ont posé la question à Jésus un de ces jours. Quand Jésus leur a aussi posé la question que dans ce cas, de qui le Messie était le fils? Ils disent de David. Ils disent, ok, pourquoi David? Dans ce cas, David, rempli du Saint-Esprit, ou on parle du Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur s'il est son fils? Les gars avaient les bouches fermées. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, selon les Écritures, sous le psaume 110, c'est ce qui est écrit là-bas. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche-pied. Il dit, ok, dans ce cas, s'il est son fils, dans ce cas, pourquoi David, lui, il appelle Seigneur? Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui est fils, son papa l'appelle Seigneur. Ce n'est pas normal. Vous voyez cela? Alors, qu'est-ce que Christ en a fait? Christ les refait chaque fois dans les Écritures. Dans Jean chapitre 10, verset 35 à 36, lorsqu'il a dit que le Père et moi, nous sommes un. Les gens ont voulu le tuer. Il dit, si j'ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père pour laquelle me lapidez-vous, il dit non, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Le Seigneur Jésus dit, si l'Écriture n'est-il pas écrit dans votre loi, J'ai dit, vous êtes des dieux, il est écrit dans votre loi. Et l'écriture ne peut être anéantie. Donc l'écriture est parfaite, d'accord? Tout ceci pour dire que tout autour de ces baptêmes se trouvent donc d'autres choses que les pentecôtistes ont hérité de l'Église catholique, la forme baptismale de la piscine. C'est ça que je vais expliquer. Quand il parle tout ça, c'est pour amener ici. Puis ça, il faut que ce soit restauré au milieu de l'Église. On ne peut pas dénoncer l'Église catholique et utiliser ce qui vient d'elle. Parce que ce n'est pas biblique. Les baptistères ont commencé à être construits. Il y a particulièrement le célèbre Dura Eros Poros, qui a été au 6e siècle, qui a été élevé pour pouvoir magnifier ces choses-là. Donc, vous voyez que vous êtes à l'Église catholique, vous fuyez l'Église catholique. Vous esquivez Marie, vous tombez dans le baptistère. Et vous baptisez dans les baptistères, vous dites que vous êtes différent. Vous n'êtes pas différent. Avant Constantin et le concile de la 33, son édit de 313, il n'y avait pas ce genre de forme de baptême. Allez chercher. Allez même sur Internet seulement, au moins même là-bas. Tapez origine du baptistère. Vous serez sidéré de ce qui est écrit, de ce que les gens ont vu. Et maintenant, on est en train de dénoncer l'Église catholique en pratiquant la même chose qu'il fait. Vous avez besoin de la réforme, de votre réforme. Donc, tous ceux qui sont baptisés dans les piscines, dans les baptistères, les gens faits à main d'homme, ne sont pas baptisés. C'est ainsi par la Bible. Parce que ça doit être fait selon les Écritures. Ça doit être fait selon les Écritures. Mais quand c'est selon les Écritures, on doit dire Amen, n'est-ce pas, frère? Mais c'est selon les Écritures. Donc, si on vous plonge même 800 fois, que ce soit dans leur livre, parce que les gens ont fui les persécutions, vous allez dans la piscine, les gens construisent les piscines à propos. On vous baptise à l'intérieur, là-bas, comme les baptistères de Nantes et de Saint-Pierre, la cathédrale Saint-Pierre à Genève. Quel qu'en soit ce qu'on va vous faire, on va faire deux piscines là-bas, une pour les Ariens et une pour les Christos. Alors, si on vous fait n'importe comment, on vous baptise même dans le baptistère de pape, ça ne sert absolument à rien. Vous devez baptiser. Avant cette forme de baptistère construite par l'Église catholique, il n'y en avait pas. Les chrétiens étaient baptisés uniquement dans les mains et dans les coups d'eau. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, ce qui vient de citer là, c'est dans l'histoire. Mais la Bible nous montre, quand la Bible a montré, il n'a pas besoin de l'histoire pour pouvoir confirmer cela. Donc, je voulais dire que si vous voulez au moins comprendre que d'où, allez regarder seulement son origine. Car ça a commencé à quel moment? Ce n'est pas à l'époque chrétienne. Vous y êtes? Ok. Alors, si on a arrêté cela de l'Église catholique, il faut qu'on admette qu'on a tort et qu'on ne va pas au-delà de l'Écriture. Amen. J'aime ça. Amen. On ne doit pas aller au-delà de l'Écriture. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Si vous dites à une catholique, vous ne devrez pas prier Marie. Et si elle vous dit, normalement, Marie, c'est la mère de Jésus. Elle a raison, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle a raison que c'est la mère de Jésus. L'ange est venu vers elle, dit que toi à qui une grâce a été faite, elle a raison, n'est-ce pas? Y a-t-il une ordonnance qu'on l'a pris quand même? Voilà. Vous lui dites que il n'y a pas une ordonnance qu'on l'a pris. La seule référence et la seule possibilité pour que tu puisses la convaincre, c'est les Écritures. Donc, c'est des Écritures que tu vas lui dire que tu ne dois pas prier Marie. Ok, elle dit que je quitte Marie. Après, si elle quitte Marie, elle dit qu'elle veut prier. Elle vient maintenant au milieu de vous, elle dit, on prie comment? Il dit non. Comme tu as pris le baptême catholique, ce n'est pas le baptême. Elle dit encore même ça aussi. Il dit non. Il dit, explique-moi. Il dit non, si on a aspergé l'eau sur ta tête, tu n'as pas baptisé parce que là, c'est fait par immersion. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Elle dit, hein? Il dit, oui. Mon pape a dit qu'on verse comme ça. Il dit non, ma soeur. Chez les catholiques, c'est comme ça. En fait, les catholiques ont perverti. Vous essayez de lui expliquer au mieux de votre connaissance pour la ramener dans la Bible, c'est d'après la Bible, n'est-ce pas? Vous avez raison. En réalité, le seul problème, c'est que lorsque vous allez arriver au niveau de l'immersion maintenant, il va falloir maintenant le lieu de l'immersion aussi. Parce que comme tu dis selon la Bible, il faut que ce soit selon la Bible. Quelqu'un dit sola scriptura. Sola scriptura. Voilà, c'est la Bible. Ça doit être selon la Bible, selon les Écritures. Alors maintenant, si vous dites aux catholiques, parce qu'il y a des personnes qui disent non, que non, il n'y a pas d'important. L'important, c'est que tu sois immergé. Ce n'est pas vous qui dites l'important, c'est ce qui s'est imaginé. C'est qu'on a déjà dit que c'est immersion. Ce n'est pas que l'important, c'est que ce soit immergé. C'est pas ce que vous saisissez. Ce n'est pas ça qui est l'important. L'important pour Dieu, c'est que vous avez fait comme selon les Écritures. C'est selon les Écritures. Alors, si vous dites à un catholique, donc, ou bien à quelqu'un qui se baptise dans l'eau, dans des cours d'eau, et vous dites, ah, moi, je suis baptisé dans la piscine. Vous dites, non, il n'y a pas de différence. L'important, c'est qu'il y ait l'eau. Le catholique, quand on avait ça sur la tête, c'était le pétrole. Okay. L'eau aussi te dit, ok, l'important, c'est que l'eau m'a touché. La forme n'importe peu. Sur quelle base tu vas lui convaincre que sa part est mauvaise et sa part est bonne? Comment? Sur quelle base, frère? Donc, pointe quelqu'un dans le nez. Il cesse de raisonner. Détache-toi de la grande mère catholique. Totalement et absolument. Qu'elle n'ait rien à voir avec toi. Sors totalement de Babylone. Même si tu as dénoncé une partie. Sors totalement. Amen. C'est ce que je voulais dire donc pour les Babylone. C'est ce qu'il en est. Il faut que vous compreniez le pourquoi. On ne dit pas tout simplement parce que quand tu as rencontré quelqu'un, un groupe, tu dois te rebaptiser. Vous devez vérifier ce que ce qu'on vous fait est biblique. Pour que si on vous pose une question, vous sachiez que j'ai fait selon la Bible. Maintenant, si quelqu'un fait, avez-vous déjà vu dans la Bible où les gens ont été baptisés dans les piscines? Vous avez déjà vu? Non. Ok, l'autre question c'est, y avait-il des piscines en ce temps-là? Oui. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Comment frère? C'est pas prescrit. Dans ce cas, vous le faites maintenant à base de quoi? Si ça se modifie, les catholiques ont besoin de verser maintenant des eaux sur la tête. Parce que l'important c'est qu'il y ait l'eau. Il n'a pas utilisé le pétrole. Ah. Amen. Quelqu'un a-t-il des questions? Si on n'a pas de questions, j'avance maintenant. Relis quoi, frère? Le passage. Quel passage? C'est le baptême. Parce que moi, je suis baptisé dans la piscine. Donc, il s'en est parlé comme ça. Quelqu'un est devant moi, il parle, il me regarde. Depuis, il marque le Seigneur. Pourquoi il me fixe comme ça? Il a quelque chose avec moi. C'est pour ça qu'il me cache chaque fois comme ça. S'il vient, s'il charge sur moi, je fuis. Il me va balancer, j'arrive pas devant. Courage. Non, il a entendu sans comprendre. Il a entendu, mais il n'a pas compris. Ok, bon, donc d'après la Bible, tu n'es pas encore baptisé. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Souvenez-vous, toute personne sur toute la terre doit se conformer à cette Bible, ce qui soit président de la République. Premier ministre, gouverneur, quoi que ce soit, doit se conformer à cette parole. Jésus, notre Seigneur, a dû traverser tout son village pour aller vers Jean-Baptiste afin qu'il soit baptisé. Il était le roi des rois. Il n'a pas dit que non, qu'on cherche quoi, une piscine spéciale pour lui seul pour aller le baptiser. Il faut que Jésus parle de blanc blanc. Il est allé comme tout le monde. Pendant qu'il baptisait, Jésus est venu au milieu de la foule. Il s'est fait baptiser là-bas. Et vous dites chaque fois que nous suivons Jésus, nous sommes son modèle. Suivez-le jusqu'à l'eau. En fait, vous ne le suivez pas jusqu'à l'eau. Lui, il a commencé par là-bas. C'est là où il a commencé. Donc, ne le suivez pas encore. Commencez par là où il a commencé. C'est là où il a commencé. Amen. Ok. Donc, il peut avancer maintenant, n'est-ce pas? Amen. Donc, en fait, toutes ceux, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous baptiser comme vous voulez. Si ce n'est pas conforme à la Bible, vous n'êtes pas encore baptisé. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, le baptême biblique. Le frère a dit qu'il est resté comme ça, ça n'a pas venu. Ok. Je vais parler donc avant de demander si quelqu'un a quelque chose à dire, un témoignage ou quelque chose à dire. Je vais parler de quelque chose, d'accord? Tout à l'heure, alors que vous êtes allé vous baptiser, je suis allé me coucher en haut là-bas pour méditer. Vous appelez ça dormir. Je suis allé me coucher pour méditer. Je vais vous raconter deux ou trois histoires. Et au Cameroun, et en Suisse et en France, quand j'étais ici, quand on faisait les navettes ici. Au Cameroun, si vous avez suivi l'enseignement sur la chaîne YouTube Bambaïba, le titre, c'est « Les réalités du monde spirituel de Satan ». Si vous avez eu à suivre cela, dans une des parties, il y a un monsieur qui témoigne qu'ils sont allés en bordure de mer. On a convoqué un esprit, l'esprit est sorti. Et l'esprit lui a parlé par rapport à la recherche d'enfants. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Ce monsieur m'avait appelé, il a dit, « Frère Junior, tu es à la maison ?» J'ai dit, « Oui, j'étais à la maison, j'étais en train de lire la Bible et mon épouse était dans la chambre. » Pendant qu'il était en train de lire la Bible, il a dit qu'il va venir. J'ai dit, oh là, il vient maintenant, il va me poser des problèmes. Il dit, Seigneur, quel est son problème? À l'instant, j'ai dit, quel est son problème? Quelque chose m'a couvert, je me suis assoupi. Et puis, je l'ai vu entrer. Quand je l'ai vu entrer, avec une femme brune. Normalement, je connais son épouse, mais elle n'est pas comme ça. Elle s'est assise à ma gauche. J'avais une chaise à côté de la porte. Elle s'est assise à ma gauche. Lui, il est entré, il est assis à ma droite. Le Saint-Esprit m'a fait focaliser sur sa femme. C'est cette femme-là qui est à sa gauche. Elle est brune. Il me focalise sur elle. Pendant que lui allait parler, ça dans cette direction-ci. Focalise sur elle. Il est dans la vision. Je remarque qu'elle se tourne et me regarde. Je vois exactement son visage de cette femme-là. Elle commence à oindre d'une. Il voit là, oindre l'une. Quand elle oindre, je regarde ce qu'elle a fait. et ont un lieu. Et je vois, ça fait comme vous savez, quand vous filmez avec la caméra, c'est quelque chose de loin. On fait le zoom, ça vient jusqu'à ce que vous pouvez voir exactement ce qu'il en est. J'ai vu ce qu'elle a dit, l'huile qu'elle a utilisée est venue jusqu'à moi. J'ai vu, il est là-bas. Forever Living Products. Ça fait la vision a disparu. Ça fait quelques instants, il est entré seul. Je suis là sur la chaise, en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il en est avec ceci? Dès qu'il s'assoit, il est venu avec un de ses amis. Il s'est assis là-bas. Avant de parler, je lui ai dit, il s'appelle Frère Joseph. On l'appelle Papa Joe. Il dit, Papa Joe, avant que tu ne commences n'importe quoi, je vais te dire ce que j'ai vu tout à l'heure avant que tu n'arrives. Il dit, je t'ai vu entrer ici, donner la description dont je vous ai donné. Il est tombé dans la chambre. Il dit, Frère Junior, tu m'as touché là où il ne fallait pas toucher. Ça faisait 14 ans qu'il avait quitté cette femme. C'est une fille qu'il abandonne depuis 14 ans. C'est une histoire qu'il avait avec cette femme dont je t'en ai parlé depuis 14 ans. Et depuis, il avait fait sa nouvelle vie avec sa femme. Il pensait que tout était terminé, alors que son problème n'avait pas encore commencé. Donc son problème était avec cette femme-là. Vous avez su cette vision? Voilà. Cette chose aussi est arrivée de la même façon quand j'étais en Suisse. J'étais en train de prier pour une fille en Suisse. Et subitement, j'ai vu cette chose-là. J'étais en train de sentir la pression. Cette fois, c'était la pression sexuelle dans cette fille-là. Ça m'a ramené enfant. Enfant, je vais rencontrer quelqu'un qui a ce même esprit-là. Donc, je suivais cet esprit. Arrivé enfant, pendant que je suis dans la chambre en train de prier pour aller prêcher, je suis dans la salle, je vois cette même pression-là. Je viens et dis que. Et il dit pour que la personne sache au courant. Quand c'est délicat, c'est pas facile de dire, d'aller vers la personne. C'est pour ça qu'il dit des choses qui sont dans le cadre général, pour que la personne sache que ce qu'il en est. Il dit comme ça parce que j'en ai le venir sur quelque chose. D'accord? Et puis, je me tiens là-bas, je dis. Pendant que tu en es prié en sujet, j'ai vu une certaine pression sexuelle sur quelqu'un. Et ici, donc, j'ai vu cette même pression-là. C'est la personne, c'est une femme qui. Bon, il y a des enfants ici, donc je suis obligé de parler autrement maintenant. Qui a cette pression-là au point qu'elle peut se livrer même à un animal. Vous savez, c'est cet appétit-là, d'accord? C'est un appétit qu'elle ne peut pas se contrôler. Et la personne est assise là-bas, je la vois. J'observe pour voir si la personne va faire quelque chose. Elle est là comme ça, elle est comme si. Et puis, le lendemain, elle vient à la maison. Et. Comme cela ne suffit pas, pendant que j'en ai prié pour les gens, elle est assise, il vient, je crois que le frère c'était là. Il dit qu'il y a quelque chose dans ton ventre. Donc, voici, le frère, il était présent. Quelque chose dans ton ventre, elle me regarde comme ça. Et elle sait qu'il y a quelque chose dans son ventre. Les êtres humains m'étonnent. Tu as le démon dans ton ventre, le guaout. Vous savez le guaout? Vous avez vu Stargate, n'est-ce pas? Ces choses qui sortent dans le ventre, il y a, fait, voilà. Il y a ça dans son ventre. On dit, il y a quelque chose dans ton ventre. Elle dit, elle me regarde comme ça, elle me regarde passer. Elle vient le lendemain, lui dit, tu sais effectivement que c'est à toi qu'il m'a adressé hier. Oui, j'ai entendu ça hier. Jésus est étonné. Elle dit, j'ai entendu comment tu disais que quelqu'un a des pressions sexuelles. Je me disais que tu parlais pour tout le monde. Mais j'ai dit que quelqu'un décrit. Alors, lorsque je suis allé en haut, j'étais dans la vision, surtout la même chose est venue. J'ai vu un chrétien. Bon, je vais essayer d'arranger ça au maximum pour que vous ne localisez pas facilement. Mais je vais dire pour que le problème qui se focalise là, soit bien clair. Donc j'ai vu un chrétien qui a des sentiments impurs pour une femme qui est mariée. Suivez très attentivement. Donc ça veut dire ici c'est un chrétien et une chrétienne qui ont des problèmes. Et cette chrétienne, cette femme qui est mariée, connaît ces choses, ils ont les inter-échanges. Et j'ai remarqué, je n'ai pas donné de description que vous pouvez garder pour moi, mais j'ai remarqué cette chrétienne-ci. Quitter la femme de ce chrétien-ci. Ils sont amis normalement. Donc là, c'est comme ça. Mais lorsque la femme se tourne comme ça, il y a une interaction entre elles. Mais ils ne sont pas encore allés jusqu'au bout de quoi que ce soit. Mais ils brûlent les désirs. Et puis, le Seigneur l'a fait venir vers moi pour dire, je souffre de cela. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Alors, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Si vous avez quelque chose à dire, vous percez ici, vous dites un témoignage, n'importe quoi. Vous venez prendre ma place ici et vous parlez. Avant qu'on commence, souvenez-vous de ce que j'ai dit, j'ai transmis tel que j'ai vu. J'étais étonné parce que quand ça se passait, je me suis dit que mais comment ça se passe comme ça? Parce que j'ai voyé la chose arriver. Je sais que normalement je suis assoupi, mais je sais que en même temps, je suis en train de le voir. Je dis mais qu'est-ce que ces choses? Je suis en train de dormir, mais je suis en train de le voir ceci. C'est pas le sommeil ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceci, c'est pas le sommeil. Dans la qualité qu'on dort là, la nuit, c'est pas le sommeil. Vous êtes seulement là, vous voyez la chose. La chose s'est déroulée. Quelqu'un sait quelque chose? Oui, frère, je vous l'ai dit. Viens donc, viens ici. C'est déjà un fardeau pour toi de te tenir devant la gens pour parler. Que Dieu te bénisse. Viens te tenir ici. Mais souvenez-vous, j'ai vu le visage de la personne, donc je connais la personne. C'est l'impression qu'il veut faire. J'ai vu le visage de la personne, j'ai vu le visage de la personne. Elle était de profil, juste allée comme ça en trois dimensions, puis je me suis tourné, je l'ai vu. Donc j'ai vu les deux. Ok, oui. De toute façon, c'est pas lui, il n'est pas marié, d'accord? C'est pas ça dont tu le fais. C'est pas lui, pour lui, c'est pas ça, mon déjà. Ok. Amen. Ok. C'est un pardon pour lui tenir des gens. Non, supporter le frère. Ok, ça va aller. En fait, le témoignage que j'ai à faire, c'est par rapport à une vision ou un rêve que j'avais fait. Oui. Et dans ce rêve, j'ai vécu en sorte une délivrance, quoi. Donc, il y a comme certains esprits qui sont sortis de mon corps dans ces rêves. Et ensuite, j'ai été amené par une personne, donc un esprit, quoi. J'étais avec cette personne. Et ensuite, il a ôté le voile qui était sur mes yeux. Donc, j'ai commencé à voir le monde tel qu'il est, quoi. Donc, je voyais des gens et je voyais les esprits qui étaient en eux, les démons, en fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Il y avait plus de démons que de personnes qui marchaient, quoi. Donc, en regardant dans la ville, comme ça, tu peux voir qu'il y a plein de démons. Donc, les gens marchaient au milieu des démons, ça au milieu, ils marchaient, il y avait plus de démons, comme peut-être nous sommes peut-être nous sommes ici, pour avoir trois fois plus de démons, même quatre fois plus que de personnes qui étaient dans ces lieux-là. Et les gens étaient conscients de cela? Les gens n'étaient pas conscients. Les gens n'étaient pas conscients de cela. Et c'est d'où il m'a dit, prête bien attention, regarde, même quand une voiture passait, à l'intérieur de la voiture, c'était chargé de démons en fait. À tout endroit, c'était les démons. Vous entendez là-bas derrière? Donc, je parle encore plus fort. Ok, je disais, dans cette vision donc, Voilà, plus fort comme ça. Dans cette vision donc, après cette délivrance que j'avais, que j'avais vu me concernant, j'ai été amené à un endroit, j'étais avec une personne, mais je ne sais pas qui est cette personne, quoi. Donc cette personne me montrait des choses, quoi. Et là, je pouvais voir des personnes, comme peut-être le frère qui est là devant moi, et quand cette personne avait un esprit impur, je voyais clairement l'esprit impur qui était dans cette personne, et également les esprits, les démons qui marchaient comme nous autres, nous marchons, là à présent, quoi. Il y avait même trois fois plus de démons que de personnes vivantes, quoi. Et c'était donc, de façon, pour dire, peut-être, faites qu'on fasse attention, qu'on sache où on met vraiment les pieds. On va mettre les pieds au plus, ils sont partout. On va dans le comment. Quand ils sont dans un nombre, plus que nous, ils sont partout. Tu passes partout. Tu as dit qu'on prend la voiture, tu payes le bus, eux, ils ne payent pas le bus, ils sont là tellement. On fait donc comment alors, frère? Que l'on s'approche vraiment de Dieu de la bonne façon. Et que l'on confie vraiment sa vie à Dieu, quoi. Amen. Amen. Amen. Voilà l'amour du témoignage. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un a quelque chose à dire, prends sa place seulement et parle avant qu'on ne commence. Oui, frère, bien. Déjà, bonsoir, frère et fils. Bon, je ne sais pas si je vais appeler ça une vision ou une déclaration, mais quelque part, c'est quelque chose qui est en moi et que franchement, j'ai vraiment besoin d'une délivrance ou peut-être d'une solution par rapport à cela. Le truc, c'est déjà, je suis un enfant issu de 7 enfants. Je suis un enfant issu d'une famille de 7 enfants, donc je suis le 4e. Et devant moi, il y a 4 garçons et devant 3 filles. Bon, mais au sein de cette famille, j'ai des parents croyants, catholiques. Et dès très, très jeune, je peux dire, différent de mes frères, un peu. En fait, ce comportement chrétien a toujours cherché le Seigneur. Je l'ai eu un peu d'une manière particulière parce que mes frères ne l'ont pas comme moi. Donc très jeune, j'ai commencé à adhérer à des chorales catholiques. Après, je suis quitté chez les catholiques, je suis arrivé chez les protestants. Donc, j'étais catholique, puis je suis allé chez les protestants. Mais ce qui m'a attiré par rapport au truc chez les protestants, c'était toujours la chorale. Donc, c'est grâce à une chorale que j'ai découvert l'église protestante. Mais étant chez les catholiques ou chez les protestants, je peux dire, je ne cherchais pas, je ne lisais pas la Bible. Parce que je sais que le dogmatisme catholique, on peut en comprendre ce que le prêtre dit. Et généralement, vous venez quand on vous a donné une lignée de ce que vous devez faire cette journée-là. Donc, ils ont maintenant les brochures où on vous dit le verset qu'on va lire et amen. Dès qu'il dit amen, amen, on sort. Chez les protestants aussi, par rapport au comportement aussi des pasteurs, trucs comme ça. Bon, je suis arrivé en Europe. Je me suis livré. C'est en Europe que j'ai vraiment commencé à lire ma Bible. Mais dès que je commence à lire la Bible, j'ai commencé à quelque part aussi salir mon esprit, mon âme. Comment dire, salir dans mon âme dans quel sens? Dans le domaine de aller, j'ai découvert les sites pornographiques où j'allais chaque fois, où à un moment dans la soirée, il fallait que je voie. Donc, une fois, ma tante a eu à. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a eu à le découvrir. Elle a découvert, découvrir. Oui, ok. Et elle m'a parlé de ça. Franchement, j'ai mis les pieds au sol. J'ai vraiment prié. Mais aujourd'hui, ma prière seule, franchement, ne suffit pas. Et c'est un truc que. Je sais que j'ai un truc particulier. Mais je sais aussi que ce truc-là m'empêche dans. D'avancer. Donc ce que Dieu a mis en moi, ce truc m'empêche d'avancer. Et franchement, je suis assis depuis l'autre jour et ça brûle en moi, ça me dit, il faut que tu parles. Amen. Il faudrait que tu parles. C'est en parlant que ta délivrance va venir. Et aujourd'hui, le baptême aussi. Hier, je ne savais pas qu'il y avait le baptême, je suis arrivé. Hier, et quand on a parlé vraiment du baptême catholique et le baptême et le vrai baptême, et avec des preuves, moi je me suis dit, tiens, s'il y a un nouveau départ, il faudrait que c'est que ça soit maintenant. Amen. Que ça soit maintenant. Amen. Donc, gloire à Dieu. Alors, reste là, mon cher. Hier, quand on est venu ici, est-ce qu'il était là au début lorsque il était en train de dire, c'est ce que le Seigneur dit ici? Vous avez suivi ça, j'ai dit, et puis j'ai dit, répéter, quelqu'un peut-il répéter ce qu'on a dit ici, qu'est-ce que tu as dit quand tu étais assis là? Pardon? Tu te souviens des premiers messages, des deux qu'on a dit hier? Oui. Qu'est-ce que tu as dit quand tu entendais cela? Personnellement, c'est, en fait, quand vous avez parlé des deux messages... Non, c'est pas moi seul qui parlais, ouais. Mais quand vous... Ah, quand tu... C'est le problème là. Quand tu as parlé de ces deux messages, moi j'ai entendu que... Une voix est venue à moi et me dit, ton heure a arrivé. Je vais pas être trop long. Et je vais juste dire, lors de ma délivrance, en fait, bon, depuis 5 ans environ, je suis dans les situations où je ne peux pas dire que je craigne, parce que moi, je ne comprenais pas toujours, même étant chez moi, ce qui m'arrivait. Toujours des voix, toujours des oppressions sur ma tête et tout le reste. Ce qui fait que je n'avais vraiment pas, à un moment, un certain nombre de concentration. Et j'aimais rester seul dans mon coin. Pour dire vrai, j'aimais. À un moment, parfois, quand quelqu'un m'appelait pour pouvoir trop bavarder, ça m'énervait, en fait. Parce que je vivais vraiment une situation trop terrible. Et pour dire vrai, pour que je me suis retrouvé ici, je peux dire, c'est un peu un souffle, si je peux dire un accident. Parce que ma soeur, qui est justement là, Juliette, on avait planifié que je devrais l'accompagner ici. C'est toi qui devais l'accompagner. Exactement. Donc, et c'est au travail du frère Cyril qui était ici que j'avais eu à suivre que le frère Junior devrait être ici. Et hier, il était question qu'on vienne, mais j'ai essayé de la joindre et n'était pas joignable. Bon, un cœur m'a dit, moi j'étais justement à la bibliothèque quand le frère Cyril m'a appelé, il m'a dit que bon, on est justement à la réunion. Un cœur me dit, ah, va. Un autre cœur me dit, non, dimanche, j'avais rendez-vous que voulait voir une personne urgemment dimanche. Bon, aujourd'hui. Un cœur me dit, non, mais tu dois être là dimanche au culte. Pourquoi tu viens? Non, ne parle pas. Juliette, tu l'appelles, bon, elle n'est pas joignable, tu vas aller faire quoi? J'ai aussi prié, je suis venu. Et par la grâce de Dieu, durant la délivrance, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que le frère Junior a dit, que lorsque je me suis converti, j'ai cru avoir reçu l'Esprit de Dieu. Bon, et je vais expliquer ça tout à l'heure, là, quand tu vas finir, d'accord? Amen. Mmh. Et je me suis dit, c'était l'Esprit de Dieu. Et franchement, le frère Cyril, il est la première personne avec un autre frère qui m'est hébergé chez lui environ 2 ans. Ce sont les deux personnes qui ont vu les premières manifestations de cet esprit impur. Ici, en Allemagne? En Allemagne. Mm-hmm. Et j'ai cru ici. Ok. Mais c'était... Le frère Cyril, il avait discerné que c'est un esprit impur. Oui. Mais l'autre frère, il se disait que non, c'était l'esprit de Dieu. Oui. Et moi-même le concerné, j'étais réjoui que Dieu parle, quoi. Donc, j'étais carrément dans un film que moi, je ne comprenais pas. Et c'est d'où mes problèmes ont commencé. Les oppressions, les voix que j'entends, tout le reste jusqu'à hier. Ce qui fait que lorsque le frère Junior a dit que tu as cru que tu avais reçu l'Esprit de Dieu, vraiment, j'étais convaincu que c'est l'Esprit de Dieu. Et je me suis dit à un moment que non, bon, si j'entends ces voix, c'est parce qu'ils veulent juste que l'œuvre que le Seigneur m'a donnée, en fait, que je ne continue pas dans ça. Ils veulent me distraire. Or, c'était vraiment, j'étais vraiment pris dans un bol, en fait. Oui. Par la grâce de Dieu, je bénis beaucoup le Seigneur parce que, à un moment, je ne peux pas mentir. Mes études, ça n'allait vraiment plus. Et j'avais même appris la décision. J'ai parlé de ça à mon frère Cyril une fois. Que l'année prochaine, on verra encore au Cameroun. Parce que ça ne sert à rien. Que tu t'adonnes, mais tu oublies. Et je n'oublie pas parce que je veux. Mais parce qu'il y a des oppressions sur ma tête. Il y a des choses que je réfléchis toute une journée. Je me dis, mais pourquoi Dieu amène la délivrance. Il disait, mais Seigneur, c'est quoi ça en fait? Parce que moi, je suis perdu que, mais j'ai chopé ça où en fait? Ce qui fait que je bénis beaucoup le Seigneur. Et la seule chose que je peux demander, c'est comment discerner les esprits. Voilà. Comment éprouver les esprits. Comment tu as dormi donc à l'issue de la délivrance? Oh, j'ai très bien dormi par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup d'échanger avec le frère Étienne. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est quelqu'un que je t'ai dit, c'est bien d'aller par. Il veut expliquer c'est la situation. Pour vous qui n'étiez pas là lors de sa délivrance, vous allez dire en vous-même qu'est-ce que ça allez raconter. Il y a les films que quand ça passe, c'est pas tout le monde qui va au cinéma. Donc vous allez seulement vous contenter de ces bribes-là. Ou bien lui demander qu'est-ce que c'est vraiment passé. Donc y a-t-il, si quelqu'un a encore quelque chose à dire, il ajoute. Encore, frère, tu as encore. Tu as oublié que je viens. Une exhortation. Non, pas tout de suite. Amen. Il prend plus un coup de souffle. J'ai une exhortation à faire, en fait. Et je vais passer par un témoignage pour arriver à cette exhortation. Bref, une fois dans un rêve, je me suis trouvé dans une ville et là je marchais à un couloir où on vendait quoi. Et du coup dans ce couloir où on vendait les ustensiles de cuisine et trucs comme on trouvait dans les marchés au pays, j'ai été accusé de vol là-bas et on m'a arrêté et quand on accuse quelqu'un de vol au pays, on connaît bien ce qu'il en suit, quoi. Tabasse, caillou et machin truc. Bon, mais ce n'est pas arrivé jusque-là. Et du coup, je me suis réveillé, quoi. J'ai remarqué bien cet endroit, le portail rouge, la chaîne qui était attachée à l'entrée de ce portail, sur ce portail. Tous les détails, quoi. Quelques temps après, environ 3 mois après, lorsque le père monte, puisqu'on était dans le Noun, lorsque le père fait un voyage pour Foumban, il avait une réunion là-bas. Il me prend ma petite soeur et moi, puisqu'on le faisait bien, c'était déjà l'approche des vacances. Il dit, bon, pendant qu'il fait sa réunion, il nous donne l'argent, allez vous balader dans la ville. Et découvrez, on se retrouve à telle heure pour le retour. C'est comme ça que ma petite soeur et moi, on part, on marche. Et j'étais souvent passé dans cette ville, mais sans jamais m'arrêter en fait. C'était ma première fois de m'arrêter pour quelques heures dans cette ville. Et aller commencer à découvrir la ville comme c'était l'objectif du voyage pour nous, quoi. C'est là où on se balade, on part au marché, on regarde les choses, on regarde ce qui nous intéresse, on regarde le palais de Foumban et tout. Et du coup, on arrive à un endroit où le détail m'a frappé. Et tout ce détail, c'était en fait le détail qui était dans mon rêve. Le cadenas, la chaîne, la couleur du portail, tous les ustensiles qui étaient vendus à l'intérieur. Et on avait l'intention de continuer dans ce couloir pour regarder, quoi. C'est d'où cette image-là m'est revenue. J'ai dit, stop, faut pas qu'on entre. Je vais me faire lapider. Voilà. Donc, faut pas qu'on entre ici. Et j'ai dit, si le Seigneur a pris la peine de me montrer ces choses, faudrait pas que j'essaie de désobéir. C'est pour un objectif principal. Ça veut dire que ce qui m'attend là-bas, dès que je traverse ça, c'est plus sous sa responsabilité, quoi. Donc, je lui ai dit, faisons demi-tour, allons partout, mais sauf à cet endroit. Et moi, j'ai dit, c'est la façon dont Dieu a trouvé de m'avertir, de me prévenir de ce danger qui allait m'arriver si je traversais ce portail, quoi. Et donc, mon exhortation, c'est juste, comme Job 33:14 dit, Dieu passe tant de temps d'une manière, d'une autre pour nous parler, mais on n'y prend point garde. C'était donc de parfois faire attention aux songes, aux rêves qu'on a, parce qu'ils sont parfois porteurs de messages, porteurs d'avertissements et tout pour nous instruire, quoi, parfois. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère. Amen. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Non, je peux essayer. Tu peux essayer, quoi. Suivez le temps, d'accord, pour qu'on ne saute pas tard. Oui, c'est vrai qu'il faut être un peu bref. Mais ça risque d'être un peu long, justement, parce que ça fait vraiment partie de... La quintessence sera surtout la foi. C'est-à-dire, je suis né d'une famille catholique. Donc, bon, je viens d'être baptisé aujourd'hui. Amen. Mais j'avais été baptisé à l'église catholique, là-bas, à la cathédrale de Bafo. Même l'évêque de Domé à Bomba, à l'époque, le feu Monseigneur Chuang Apien, c'était de mes oncles. Est-ce que vous ne vous comprenez pas? Si vous avez des problèmes, je peux... Ok. Bon, ok, j'y vais. Alors, même le Monseigneur, le feu Monseigneur Pierre Chuang, c'était un de mes oncles. Donc, on était sûr que à la mission, on avait tout. On avait vraiment trouver le droit chemin. Mais tenez-vous tranquille, quand il fallait prier, on récitait le Notre Père, et puis on essaie, bon, comme le frère Junior dit, en fait, comme il explique, c'est-à-dire quand on récitait en regardant la montre, c'est-à-dire tu veux réciter rapidement et finir avec. Donc je crois que jusqu'au 14 janvier, où il a délivré mon épouse par Skype, je crois que je suis sûr que je ne croyais pas. Et même maintenant, je suis toujours dit, est-ce que c'est la croyance et à quel niveau? Parce que même quand je voyais dans les livres des gens tomber, jusqu'à ce que je tombe ici là hier, je pensais toujours que il y avait quand même un peu de farce dedans. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Le 14 janvier, j'étais au magasin en train d'arranger mes choses, les brocantes que j'envoie au Fort Cameroun. Je viens à la maison, elle me dit qu'il y a un frère là, il est elle a rendez-vous avec le frère à 21h. Le 14 janvier, effectivement, le Cameroun jouait. On est au salon avec les Durand, on regarde le match. Après, elle vient me dire, il est 21h, ne venez pas me déranger dans la chambre. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Le match fini, et que, mais ta femme ne peut pas te dire, dans la maison, tu es quand même des chefs de famille. On te dit de ne pas entrer dans la chambre, tu restes aussi au salon. Je viens entrer pour voir ce qui se passe. Elle me voit venir, elle demande au frère, est-ce que mon mari, est-ce que je peux l'accepter? Le frère dit, il n'y a pas de problème. Je suis venu, c'est comme ça, on a suivi le truc. Elle dit, je vous voyais faire. Là où je suis senti, c'était dur. Il avait la serviette et il essuyait la sueur sur lui. Ça s'est passé pendant 4h37 minutes. 4h37 minutes, c'est fini à 2h30 du matin. Bon, et c'est quelque chose que j'acceptais faire parce qu'on avait déjà fait des tours de gauche à droite. Aller en France. Elle voulait même m'envoyer au Nigeria, que j'aille voir les gens. Et quand je sortais, je me mettais en route. C'est tout simplement parce que je disais que je vais faire comment pour la sortie de là. Elle ne dormait pas. Tu es à la maison avec une personne, vous passez la journée comme ça, vous travaillez même. Le soir, pendant que vous partez au lit, elle cherche le sommeil. Au départ, je disais que c'est parce que j'ai l'impression que tu es un peu paresseuse. Tu n'es pas fatigué. Quand tu es fatigué, tu dors. Mais après, maintenant, on va même, on travaille au magasin, on est fatigué. Même, tu sens que la personne doit être épuisée, non? La personne se couche à 5h du matin, les yeux sortent toujours comme ça. Là. Pendant que tu es en train de te réveiller, elle te dit que tu n'as pas dormi. Et les conséquences du sommeil, quand tu as peut-être lu, peut-être pas la Bible, quand tu lis peut-être dans la science, les conséquences du sommeil, ça peut te faire délirer. Ça peut. Donc, depuis ce jour-là, elle est libérée. Et la date, je la retiens. Et chaque fois maintenant, je dis ben, vraiment, cette histoire-ci, si on l'a libérée, c'est qu'elle a toujours cru. Maintenant, je m'arrange aussi à croire. Et pour commencer à croire, de temps à autre, non, je prends aussi le contact de Skype du frère Junior. On téléphone souvent là. Après, je commence à dire, ok, je vais jeûner. Parce qu'elle jeûnait souvent. Comme maintenant, je vais jeûner. Et elle, c'est aussi quand je me décide de faire quelque chose, c'est brutal. C'est difficile que je me convainc. Ou bien que je sois convaincu. Mais dès que je suis convaincu, tu ne peux plus m'arrêter. Quoi. Donc, quand je commençais à jeûner, elle me demandait que je boive un peu lorsque je ne bois rien. Je jeûne comme ça. Donc, je quitte 6h, 19h. Si j'ai oublié de manger à 5h, j'attends 18h. Même si mes yeux tournent. C'est toujours comme ça que je fais. Après ça, j'ai commencé à rêver. Moi qui disais toujours que je ne rêvais pas. Entre-temps, pendant qu'on causait une fois avec le frère Junior, il m'a demandé si dans ma famille, il y a une personne qui était malade, un peu intellectuellement malade, non? Et une femme qui a été aliénée. Oui, c'était ma tante. C'est elle qui me rappelle que ta tante, la mère de Joséphine, ah oui, elle était morte depuis, j'avais déjà oublié. Il m'a demandé, mais quand vous avez su ça, qu'est-ce que vous avez fait? On devait encore faire, elle était déjà décédée. Il m'a dit que c'est pas possible. Les gens vont me faire. Il a regretté. Il dit que, mais, il regrette comment? Joséphine est à Douala, presque abandonnée à elle seule. Alors, mais je commence de fois à rêver d'elle. Un jour, je me couche, je travaille la nuit et je rentre le matin. Entre 5h, entre 6h que je suis rentré jusqu'à 8h, j'ai déjà rêvé. Joséphine, je suis arrivé quelque part, j'ai vu qu'on était en train de taper les gens. Et que non. Je vois Joséphine, me dit que non, on ne peut pas. La taper, comme ça, taper sur elle comme ça. Je la prends, je m'en vais tirer mon lit comme ça et puis je la mets en dessous pour la cacher. Je m'en vais, je lutte maintenant jusqu'à ce que je renvoie les gens très loin. Puis je m'en vais me reposer, même 2 heures de temps avant de dire que je vais fier où? Je suis allé maintenant tirer le lit et je l'ai vu là-bas, elle était devenue toute maigre. Elle. C'est là. Avant ça, tu ne rêvais pas du tout. Je ne rêvais pas. Et alors, Carole me dit que c'est sûr qu'elle a des problèmes. Ça n'a pas fait 2 heures de temps, Joséphine a appelé. Elle est secrétaire dans un établissement. Elle m'appelle. Elle me dit qu'on lui fait tellement confiance. Et les enfants se sont fait des inscriptions à l'établissement. On a demandé de rentrer avec l'argent à la maison. Elle est venue se déposer l'argent à la maison, on a volé. Elle m'a dit que n'est-ce pas, c'est ce que je t'ai dit. Mais dans ton rêve, on a dit que c'est toi qui dois la sauver. Il a dit, ok, bon, on a peut-être un petit endroit là-bas à Douala, et c'est les palmiers. Quand on envoie les vieux cubes là, on entasse là-bas, les gens viennent aussi acheter, ils paient un peu d'argent. Il l'a envoyé là-bas, va là-bas, tu prends l'argent pour que tu vas rembourser. Et alors, je me suis arrangé à ce qu'elle arrive chez le frère du Lion. Elle aussi, elle est arrivée chez le frère du Lion, elle a été délivrée. Donc, le fait d'être... Et puis, c'est le frère Junior qui nous a expliqué que, comme sa maman avait été malade, elle-même, elle devait passer par là. Et si elle accouchait d'une fille, la fille devait aussi subir le même sort. Donc, c'était une lignée qui devait continuer comme ça. Donc, je me suis dit, voilà déjà que je ne rêvais pas et je rêve même des choses qui se réalisent déjà. Et ce n'est pas tout. Entre-temps, il y a une proche cousine qui meurt à Bafan là-bas. J'ai dit, ok, j'envoie l'argent à Joséphine, qu'elle aille là-bas me représenter au deuil. Elle a pris l'argent. Entre-temps, on s'est rendu compte que dans la famille n'est pas trop bien. Et comme il a parlé de cette histoire de Joséphine, cette histoire qui était en train de continuer comme ça là, on dit que bon, quand on allait la libérer, peut-être ce ne serait pas mieux qu'elle parte là-bas. Mais j'ai commencé à avoir peur. Et je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour l'empêcher d'aller à cet enterrement à Bafan. Elle a déjà l'argent qu'elle va aller remettre là-bas, disant que c'est moi qui ai envoyé. Tu envoies quelqu'un, mais maintenant tu es en train de dire que je vais faire comment pour qu'elle ne parte pas. J'ai fait comme ça. Et comme je gênais toujours en semaine, donc de lundi à vendredi, c'est le week-end que je disais que bon, je peux manger normalement. Alors, c'était toujours en semaine, je priais et je la mettais dans les intentions de prière. Vendredi, dans l'après-midi, elle me bip. Elle me dit qu'elle n'a pas prié à l'enterrement de ma femme. Je dis que, hé, Dieu soit lui. Elle a envoyé l'argent là-bas. Elle ne part pas. Pourquoi? L'enfant est tombé malade. Un de ses enfants est tombé malade. Moi, j'ai chanté vraiment la victoire parce que finalement, elle ne part pas à l'enterrement comme je ne voulais plus. Quoi. Mm-hmm. Donc, tu as dit son enfant malade. Je ne sais pas. Mais le plus, c'est qu'après l'enterrement, l'enfant guérit. Amen. Donc, l'enfant venait seulement l'empêcher d'aller là-bas. Et donc, toutes ces histoires-là, t'as mené dans la croyance. Ça m'a fait montrer que même déjà hier soir, quand j'étais ici, je dis que non, il faut seulement croire. Parce que là où on est là, on est en route. Je suis sûr que, et tel qu'il a dit, il disait hier que quand quelqu'un croit, quand vous êtes deux, au moins deux personnes, non, le Christ agit déjà. Je ne sais pas si je peux dire que, parce que quand j'étais deux, au moins avec Carole, mais je crois que si tu crois, même si tu crois que tu es seul, une autre personne va s'ajouter à toi sans que tu ne te rendes compte. Dans tous les cas, ça se réalise. J'allais dire à presque 100%. Mais tu as dit tout à l'heure que tu ne croyais pas que quand tu crois qu'il y avait les cycles dans ce jour que les gens tombaient, qu'est-ce qui est arrivé dans ta maison? Oui, c'est arrivé à la maison. Je n'ai pas encore vu la vidéo. Oui. Mais c'est arrivé à la maison que les gens ont dit que quand j'ai tourné ici, là, jusqu'à tomber hier, personne ne m'arrêtait. Là, je croyais que quelqu'un était en train de me tirer, de me secouer comme ça. Non? Parce que j'ai commencé ici à aller doucement comme ça. Après, j'ai changé de vitesse jusqu'à tomber. Donc, moi j'étais sûr qu'il y a quelqu'un qui ajoutait une force sur moi et je rotais ça. Parce que, allez Jean-Paul, non, c'était... Bon, après, mais je n'étais pas inconscient. Tu vois, non? Je n'étais pas inconscient. Mais qu'est-ce que t'as donné alors? Mais le premier tout, tu étais inconscient. Hein? Le premier tout, tu étais inconscient. Tous les deux, tout, j'étais conscient. C'est trois tours, hein? Non, c'est deux. Trois. J'ai un poil de tout ça. Non, trois tours. Non. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux dire de tout ça, de tout ce que tu as vu, tu as vu? Je voulais seulement dire que si quelqu'un est ici, non, ne soyez pas là, vous croyez que vous allez essayer ou bien que vous allez voir et qu'est-ce que je peux me donner comme conseil. C'est mieux que, en fait, quand tu crois, il y a des réalisations. Amen. Et il faut vraiment croire fermement. Amen. Tu as appris sur une bande et tu n'as pas fini. Tu as dit que tu étais parmi les évêques, fils des évêques ou même famille des évêques, et tu croyais que tu croyais. Oui. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu ne crois plus que, et tu as dit le 14 janvier, à partir de cet instant, tu as commencé à croire. Quelle est la différence entre ta croyance, ce que tu croyais, et comment a eu la transition? En effet, quand j'étais chez les, dans les, à l'école missionnaire, j'ai même fait les choses parce qu'on s'attendait à ce que j'entre même au séminaire après le bac pour devenir prêtre. Parce que, imaginez-vous les enfants, je faisais partie des enfants qui passaient les vacances dans les retraites de prière, à prier avec, avec des frères des écoles chrétiennes. En fait, le renouveau charismatique, on faisait ça. Je me rappelle même le feu, c'est-à-dire un des grands personnages du Cameroun, le feu, le ministre Ona, qui était à l'époque le responsable du centre universitaire de Tchad. Il a été aussi un de mes bergers dans le renouveau charismatique. Mais moi, même quand je faisais encore le renouveau charismatique au collège Saint-Paul de Bafan, les frères des écoles chrétiennes, ils aimaient toujours mettre des élèves un peu plus, des élèves, soit, je ne sais pas si on peut dire intelligents ou doués, ils aimaient toujours que ces élèves soient les bergers du groupe. Alors, cette année-là, ils ont insisté que je devienne berger du groupe. J'ai refusé, parce que j'étais déjà chef scout, j'étais même commissaire de district chargé de la formation des éclaireurs, j'étais responsable de la GEC, et j'étais parmi ceux-là qui organisaient les messes à l'établissement et la salle de technologie. Vous connaissez un peu le bavard, c'était comme un laboratoire de technologie. Avec le frère Jean Chunin, canadien, c'est moi qui étais responsable des travaux là-bas, si on peut dire. Je lui ai dit que c'était trop pour moi. Je ne pouvais pas faire le renouveau charismatique. Alors, je ne pouvais pas être berger. Donc, une des choses qui m'avait marqué là-bas, c'est que quand j'ai refusé cela, il savait que j'étais aussi... Bon, je n'avais pas de difficultés à l'école, en fait. Je ne sais pas si on peut dire que c'était intelligent. On faisait les devoirs suivis les vendredis après-midi dans une grande salle, on appelle ça salle d'études. Ce vendredi-là, on avait le devoir des sciences naturelles. Les 3 heures de sciences naturelles, on s'assied, on compose, jusqu'à 3 heures moins 5, moins 4 minutes. Le frère Henri Mercier, il est venu prendre ma copie et il a déchiré. En disant que j'ai montré à mon voisin. Ce n'était pas ça la raison. La raison, c'est parce que j'avais refusé d'être berger. C'est depuis ce jour-là que vraiment de Dieu, si un homme de Dieu se comporte comme ça, c'est que quelque chose ne va pas. Depuis ce temps-là que j'ai commencé à me retirer progressivement et doucement, pas brutalement, donc je me retirais doucement. Oui, ça dit quand tu disais qu'on va à la messe, je partais aussi m'asseoir, j'attendais que ça finisse. Bon. Donc, même quand Carole cherchait Dieu, elle m'embrouillait chaque fois qu'on allait à l'église. Donc, on a l'église là-bas dans notre quartier. On partait. Mais à un moment donné, elle sait aussi que... Est-ce que toi, tu as été même servant de messe. Comment est-ce que tu abandonnes la messe comme ça? Je partais 2 fois pour lui faire plaisir. Jusqu'au moment où elle-même commence à se désolidariser doucement. Et que bon, maintenant, ça nous entraîne petit à petit. Finalement, ce n'était plus une désobéissance de ma part. Donc... collective. Ouais. C'était familial, quoi. Oui, un peu comme ça. Donc, c'est là où ça nous a amené aujourd'hui. Et puis, entre-temps, c'est là où on va... Elle m'envoie à Bouya voir les gens. Elle m'envoie au Nigeria. Après, on tombe... On avait les programmes des joueurs crasso et des... Le révérend Macrosso, quand il venait à Paris, On quittait ici, on prenait les Durand et les Brice, on partait là-bas prendre. Donc, quitter l'Allemagne pour là-bas? Oui, non, on part au bout de l'hôtel pour une semaine. Il faut chercher à avoir la place. Il faut tout faire pour le rencontrer. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas le rencontrer. Et quand ton frère, elle avait à payer, économiser son argent, elle partait, elle payait. Mais on croyait que c'est parce qu'on nous aimait. Donc elle paye. Parce que maintenant, c'est notre tour. On dit aussi, on le rencontre. Et après, maintenant, on se rend compte que c'était, elle payait. Mais c'est vrai que toutes les dépenses, on avait, c'était la route, l'hôtel, peut-être les manger comme ça là. Bref, si bien qu'on a même localisé un hôtel en France, c'était comme un truc. Donc, un hôtel où tu peux, il y a la cuisine, tu peux aller, tu prépares même, tu chez toi, dans ta chambre. On a localisé un endroit comme ça à Paris, non? Pour que ça nous diminue un peu les défauts. Parce qu'on était sûr que régulièrement, on devait s'y retrouver, quoi. Donc, je veux dire, c'est après beaucoup de des étapes, mon frère junior, que. Et puis, entre-temps, elle connaît bien Fouet sur le net parce que, entre-temps, elle était aussi en contact avec toi. Mais tu lui avais dit, attends, d'après ce qu'elle m'a dit. Mais elle attendait. Mais ça ne l'empêchait pas toujours de fouiller. Si bien que le jour où tu lui dis que, bon, on va prier, c'est là où il y a le déclic. Sinon, si ce jour-là s'arrêtait, peut-être le lendemain, on devait encore aller à un autre rendez-vous. Mais j'attendais seulement quand elle me dit que, lève-toi, on va quelque part. Tu penses, non? Je dis que quelqu'un ne dort pas. Tu vas faire comment? La seule façon pour moi, parce que j'ai même peur que si je ne pars pas, elle va dire que c'est à cause de moi. Donc, je partais seulement. Donc. Ok, maintenant, et après la prière, qu'est-ce que tu as constaté? Donc, est-ce qu'elle dormait donc? Tu n'as pas testé pour savoir si elle dormait? Elle dort tranquillement. Amen. Comme un bébé. Amen. Elle dort tranquille. Et quand je. Des fois, je ne suis même pas à la maison, je l'appelle des fois pour tester. Donc, des fois, je travaille à la nuit. Non. Au départ, quand je travaille à la nuit, je teste. Je quitte la maison, peut-être à 21h, je vais au travail. Et 23h comme ça, j'appelle un peu. Je commence d'abord par son portable. Après, quand ça va au répondeur, je dis amen. Attends encore 30 minutes, j'appelle. Elle ne prend pas. Des fois, c'est Durand qui prend. Mais on dit que, ah, elle est entrée dans la chambre depuis. Je dis bon, ok, c'est bon. Donc, comment ça se passait avant? Quand tu partais au travail, elle était toujours éveillée. Elle est éveillée, non? Elle est éveillée. Des fois, tu sais qu'il y a le truc de nain, non? Tu fais comme ça, tu prends ton téléphone, même au travail, à la nuit, tu fais. Est-ce qu'elle peut être en train de dormir? Tu regardes, pam, tu vois, elle est connectée. Elle est en ligne. Elle ne dort pas en ligne. Je ne veux pas troubler, pas la sonner le téléphone. Tu écris le message, elle répond. Et ça, ça t'a dérangé le fait qu'elle souffrait comme ça? Mais oui, non? Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Bah, tu sais que ça va finir comment? Une personne qui ne dort pas, vraiment, le sommeil est important pour la vie. Une personne qui ne dort pas, le lendemain, ne sois pas surpris qu'on te dise que la personne est en train de parler seule. Et on ne sait pas ce que ça peut entraîner comme conséquence. Et même pour son école. Des fois, elle se dit qu'elle va composer. À la preuve des compositions, le tube-là ne fait que s'intensifier. C'est-à-dire qu'elle fait même 2 jours sans dormir une fois, d'un trait. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas composer. Que, n'est-ce pas où tu as l'examen la semaine prochaine? Je peux écrire quoi? C'est la réponse. Et toi-même, tu confies. Non. Et l'examen fini, des fois, elle a des petits sommeils. Là. Mais dans la nuit, il n'y a rien. Donc maintenant, elle dort à tous les coups, n'est-ce pas? Non, elle dort, elle sans problème. Amen. Amen. Avec tout ça, qu'est-ce que tu peux donner comme exhortation à tous ceux qui nous écoutent? J'ai dit que je me suis placé là pour parler concernant la foi. Donc, croyez, ça se réalise. C'est tout ce que je voudrais dire. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un qui a dit quelque chose, si vous avez quelque chose à dire? Ou bien une question à poser avant qu'on commence? Que tu veux te baptiser? Non. Ok, viens là. Je crois pas. Pour mon témoignage, je prends élan par rapport à ce que le grand frère a dit. Donc, pour aussi poursuivre dans cette danse, par rapport au sommeil, bon, je sais pas chez moi ou bien c'est naturel, c'est comme ça. Je ne connais pas le sommeil, quoi. Donc, je suis là comme ça, je ne dors pas. Tu veux aussi dormir? Non, en fait, je dis, c'est un Tu as problème manqué chez de moi. sommeil Oui, je dors. et tu veux dormir? Pardon? Tu veux dormir? Oui. Ok, ça va passer, toi tu vas dormir. Tu vas dormir, d'accord? Non, il est malade, tu veux dormir. Tu vas dormir, d'accord? Voilà. Ok. Donc, vous qui venez d'arriver, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je crois que je devais parler de ce cas-ci à ce frère. Vous voyez, hier, quand on a commencé à prier, je vois le Saint-Esprit dire, dirige-toi vers lui. Je me dis, je vais lui, j'observe. Et puis il dit, touche-le. Je frôle la main sur son ventre. Et puis ça commence. Je reste tranquille, j'observe. L'esprit qui se manifeste commence à parler comme c'était l'esprit de Dieu. Je reste tranquille. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous-même, vous n'étiez pas en train de prier, vous avez remarqué les choses déjà. Pourtant, j'avais dit que tout le monde prie, chacun prie pour sa part. Le frère Jean-Paul reste là, il prie, fait comme ça là. Dans son cœur, c'est qu'il espère plutôt ma prière pour prier pour lui. Alors qu'on a dit que chacun prie pour sa part. Il est quelque chose se passe de l'autre côté là-bas, il se tourne. Il dit que qu'est-ce qu'il y a, regarde, c'est là, prie ta part. Écoutez très attentivement. Le problème de tomber, ce n'est pas le problème que vous fermez les yeux ou pas. Ce n'est pas le problème que vous fermez les yeux ou pas. Et je vais encore vous expliquer quelque chose. Le but de la prière, ce n'est pas faire tomber les gens. Et quand les démons sortent des gens, ça ne veut pas dire nécessairement que tu dois tomber. Les démons peuvent sortir de vous sans que vous n'en soyez au courant. C'est le discernement des esprits qui amène ces choses-ci. Vous ne discernez pas l'esprit, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. C'est parce que vous saisissez. Vous pouvez être dans la salle comme ça là. Comme par exemple celui qui est en jaune. L'épaule. Vous avez remarqué que j'ai touché plutôt son épaule. La question c'est qu'est-ce qui est sur son épaule? Il y a des gens qui marchent sur leur corps se trouvent les démons. Donc ça veut dire que quelqu'un, vous savez, quand vous portez l'enfant à votre dos, sur leur corps se trouvent les démons comme ça. Donc il marche comme ça, il est le démon. Mais la personne, qu'est-ce que pour savoir quel est le démon, non seulement par le rêve, le Seigneur va lui montrer quel est le démon en elle, mais elle va toujours sentir un poids constant. Comme si ce n'est pas son poids normal. Et si c'est de moi chassé, vous voyez la personne s'enlève. C'est comme si quelque chose était quitté sur moi. En fait, quelque chose était sur elle. C'est n'est-ce pas? Souvenez-vous du témoignage de notre frère ici, qui dit qu'il a vu qu'il y avait plus de démons que des gens. Il dit ça chaque fois à l'enseignement que souvenez-vous que Satan est descendu avec le tiers des anges. Le tiers des anges. Donc, si vous multipliez votre population, quand population mondiale, même par 8, ça ne peut pas atteindre. Vous dites qu'on est 8 milliards, 7 milliards. Vous multipliez par 100, ça ne peut pas atteindre le nombre avec lequel il est descendu. Et chaque jour, on lit, on lit, on les lit. Quand vous liez, il envoie encore des religions. Ok, donc je t'en ai dit que le fait de tomber dans la prière, comme vous voyez, c'est pour ça que vous voyez les pasteurs aujourd'hui alignent les gens pour les faire tomber, pour comprendre que non, il y a l'ensemble. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas le plaisir de faire tomber les gens. C'est parce que vous saisissez. Vous saisissez. Lève-toi, vois, mon cher. Oui, lève-toi. Frère Jean-Paul, lève-toi. Arrête-le comme si vous bagarrez. Non, non, pas comme ça. Non, arrête-le. Vous savez, quand vous dites clé 14, voilà, arrête-le. Vous voyez? Observez ceci. Dans l'esprit. Ou bien, tourne-toi plus comme ça. Arrête-le au niveau des reins. Tu as le l'autre civil, n'est-ce pas? Résiste-moi. Laisse-le. Laisse-le. Vous voyez? Regardez ce que j'en ai fait. Donc, il arrive au niveau des reins, il résiste. Ça, c'est physiquement. Vous allez le voir ceci physiquement. Il dit, vous allez le voir ceci physiquement. Donc, je vais séparer une bagarre entre celui-ci et celui-ci. Et celui-ci l'a attrapé. Il faut que je le fasse qu'il quitte. Lui, il est esprit. Et il se trouve dans son corps. Il faut qu'il quitte là-bas. Donc, quelqu'un qui résiste. Alors, ce qui fait que. Regardez, vous êtes venu vous asseoir. Je vais vous expliquer quelque chose. Maintenant. Vous voyez. Si. Arrête-le comme tu as arrêté. Maintenant, si c'est lui que je tire, qu'il sort, quand celui-ci le lâche, pas. La force qu'il a entraînée, le fait qu'il faisait comme ça pour résister. Quand il est là subitement, il va aller comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qui va le faire tomber. Maintenant, c'est dit, laisse-le. Ici, il n'a pas exercé de force. Donc, s'il recommande que laisse-le, il le laisse. Celui-ci n'est pas au point. Venez vous asseoir. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui résistent. Et ils tiennent ferme. et il ne lâche pas sa proie, il va falloir qu'on exerce une autorité supérieure pour pouvoir le tirer de là. C'est ça qui fait tomber normalement. Et quand ça tombe, tu sens que tu es légère. Donc ça veut dire que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas absolument, ce n'est pas toujours que lorsqu'on prie pour toi, tu vas avoir tu vas tomber. C'est pour ça que vous voyez quand quelqu'un prie, il entend son pied faire brrr, il ouvre d'abord les yeux et dit que qu'est-ce qui se passe. Après il met le pied bien que non, il ne faut pas que je tombe. Quand il va sortir, s'il veut sortir par le pied, tu montes, tu dis ça, il va sortir par là-bas. S'il veut sortir par le dos, il va sortir là-bas. D'autres sortent par les oreilles. D'autres, pendant qu'on est en train de prier, comme hier, quand on est en train de prier, quelqu'un a fait poum, il a pété. Le démon est sorti rapidement parti. Il dit qu'il ne veut pas qu'on le souille. Il est parti, il disparaît rapidement. D'autres, pendant qu'on ferme nos yeux, quand tu fermes nos yeux, tu dis au nom de Jésus que tu entends la même. C'est pas normal. C'est le démon qui sort. D'accord? D'autres encore, quand on touche, on vous touche, on vous touche, on vous touche, on part. Tu dis, on m'a touché, je ne suis pas tombé. Est-ce que le toucher, c'est pour que tu tombes? Le toucher, c'est ceci, en réalité. Regarde comment il fait pour ce frère-ci. Vous savez, vous allez à l'aéroport. Vous avez ces choses-là que quand vous traversez, on dit, si vous avez quelque chose à l'intérieur avec le fer, ça fait pip, pip, pip, pip, pip, pip. Alors, si vous traversez dans ce grille-là, ça fait pip, vous dites qu'il n'y a rien sur moi. Le monsieur prend le truc encore, il scanne sur vous, ça se voit dans la zone dans laquelle ça se trouve. Ça fait pip, on dit que c'est au niveau de la ceinture. Ouvre la ceinture, il faut qu'on vérifie au niveau de la ceinture, où ça se trouve. Ils sont obligés de prendre ces petites choses comme ça pour vous expliquer ce qui se passe dans l'esprit. Alors, lorsque vous avez quelque chose en vous, lorsqu'on touche, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on touche comme ça, ce qui se passe, c'est. Vous avez déjà vu les films d'enquête policière américaine où le FBI poursuit les gens. Quand on veut surveiller quelqu'un, ils ont des puces. Ils viennent comme ça. S'ils viennent vers toi, quelqu'un veut faire comme si ça touche toi. Après, il met une puce là. Avec cette puce là, quel qu'en soit l'endroit où tu es, on te localise, n'est-ce pas, frère? Ouais. Souvenez-vous. Les prédicateurs ont des armes offensives et défensives. Je vais dire seulement au niveau où je peux dire. Les prédicateurs ont des armes offensives et défensives. Alors, je fais comme ça. Si on fait comme ça, je ne suis pas obligé de vous expliquer tout ceci. Si on fait comme ça, je mets une puce sur vous. Ça veut dire désormais, à compter de maintenant. C'est pour ça que vous dites. Ah non, non, j'étais au milieu de la délivrance, quand on a prié pour moi, ça venait de se marcher. On t'a touché, oui. Ok, on ne t'a pas touché, oui. Tu étais présent, oui. Alors, ça veut dire que quelque chose. La caméra qui est filmée ici, et donc, l'écran qui se trouve aussi où on a dû regarder, on est au courant que tu es là-bas. Ça veut dire que comment se fait que celui-ci est délivré? Celui-ci-là, ça tombe. Toute cette puissance-là tourne autour de vous. Et vous, pourquoi vous êtes à côté? Vous croyez que vous êtes libre? C'est-à-dire que rien ne vous. Que la puissance qui est en train de travailler là-bas ne vous voit pas. Vous pensez que ça touche quelqu'un à côté de vous, donc le Saint-Esprit est en train de se toucher sur vous, il ne vous voit pas. Donc quand vous êtes en son milieu, il va vous traiter, il va vous traiter. Et si vous êtes en son milieu, vous dites, oh Seigneur, Seigneur, pourquoi je suis là, tombe, je ne tombe pas. Il ne fonctionne pas de la même façon partout. Vous voyez? Donc quand le touche, ça se pose que désormais, on peut le localiser. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on touche. C'est dans la nuit qu'il voit maintenant comment il y a une opération qui a laissé passer dans son corps. Je ne sais pas si vous comprenez. D'autres personnes maintenant, quand on touche, deux, trois jours, bien n'importe comment, un jour il va au OSC, pam, il lâche quelque chose, mais c'est quoi? Il oublie que c'est le toucher qui a été fait. Parce que c'est selon l'ordre du haut. D'accord, frère? Eh bien, de toute façon, que le Seigneur vous bénisse. Il y a des temps pour mettre les délivrances et pour vous expliquer ces choses-là. Alors vous allez comprendre que non. C'est pour ça que j'ai dit hier que j'ai ri quand quelqu'un va quelque part, on dit, on vous aligne. On touche comme ça, on pousse la tête, on pousse, on dit ta tête, si on touche, pourquoi tu tombes, pourquoi tu tombes? Ce n'est pas à faire pousser les gens en série qui fait que vous soyez délivrés. C'est le discernement des esprits. Vous devez discerner l'esprit qui fonctionne et le moment où il part. Tant que quelqu'un n'est pas libre, on ne peut pas le lâcher comme ça. Mais manifestement, les gens qui veulent faire de l'argent font que les gens ils prennent des puissances pour faire tomber les gens. Sinon, ajouter les puissances. Et cela m'introduit justement au cas de notre frère. Viens ici, frère, tu te tiens devant nous. Je vais te poser des questions. L'esprit qui est entré c'est passé directement au milieu religieux. Donc c'est du milieu religieux que tu as eu cet esprit-ci. Je veux que tu nous expliques comment tu vas faire. Bon, il y a un souvenir qui me vient en tête. Oui. C'était lorsque je suis venu ici en Allemagne. Oui. Bon, ma maman, elle a eu à souffrir un semblant de maladie que moi aussi j'avais dans l'enfant. Bon, les esprits quoi. Oui. Et après, elle s'est mise à soigner les gens. Et quand je suis venu ici, elle m'avait dit que plus tard oui. dans ma vie, oui. il y a quelque chose qui va se passer. Oui. Et quand je suis venu, j'avais des problèmes, des difficultés financières. Mon frère m'a parlé de Christ. J'ai donné ma vie à Christ. Oui. Et le pasteur là où on était. Je veux que vous compreniez très attentivement, c'est parce qu'il va expliquer quelque chose. Et le pasteur là où on était, ensemble, il avait appelé un pasteur des États-Unis. Écoutez très attentivement. Un ministère en fait. Et c'est d'où pour la première fois. Bon, quand j'étais petit, j'avais vécu un peu les délivrances dans les milieux protestants. Mais le jour là, ça s'est manifesté un peu comme ici hier. J'étais perdu que, mais ça, c'est encore quoi ça? Et presque vers la fin du culte, bon, je dis ça parce que c'est ce qui me vient en fait en tête. Il nous a dit, les gens qui étaient dans la salle, que ceux qui veulent recevoir, je crois, le Saint-Esprit. Écoutez très attentivement. Qu'ils viennent. Ok, non, ça va t'asseoir, frère. Vous devez mesurer qui est devant vous portant cette Bible-ci. Avec la croix ou bien les chaises, ou bien n'importe quoi, ou bien habillé n'importe comment, vous administrez la parole. Parce que la parole est esprit. Et si vous prêchez la parole, si, sans l'esprit de Dieu, un autre esprit doit accompagner. Donc c'est un esprit religieux. Et le plus dangereux de ce style d'esprit, quand ça se manifeste, c'est quand vous-même vous connaissez les Écritures. Quand vous connaissez les Écritures, cet esprit profite de cela pour vous manipuler. Il peut vous prescrire les jeûnes. Il peut vous dire de vous prosterner devant lui pour adorer. Et Dieu, lui, ne fonctionne pas comme ça. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Quand le Saint-Esprit m'a dit, hier, touche-le, il est touché. L'esprit s'est métamorphosé en lui. J'ai observé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il en est? L'esprit a voulu se jouer de moi. Il a fait se prosterner. Et il a commencé à parler comme si c'était le Dieu. Le Saint-Esprit dit, ne l'écoute pas. Et vous avez entendu dire que tu n'es pas de l'Esprit de Dieu. Mais c'est quand même terrible que quelqu'un ait le Saint-Esprit. Avec ton Saint-Esprit, tu veux chasser son Saint-Esprit. Tu n'es pas l'Esprit de Dieu. Il a souffert avec ceci. Et si ça a duré dans sa vie, justement du fait qu'il a été trompé et que... Il a admis à un moment donné que c'était l'Esprit de Dieu qu'il avait reçu. C'est pour cela que ça a duré, ça a perduré dans son esprit. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible nous déclare d'éprouver tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et l'une des choses, je crois que lorsque nous travaillons ici, on a lu 1 Jean chapitre 4, on a lu ces versets-là. Et on dit donc que c'est quoi donc éprouver les esprits qui confessent, qui convenaient à l'entendre. Parce que si vous voulez vérifier, cet esprit-là confesse, il parle le nom de Jésus, il parle le nom d'Adonai. De Yahweh. Pas vrai? Ici, il faut le discernement du Saint-Esprit. S'il est dans une autre assemblée, on va lui dire qu'il est prophète. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? On va dire qu'il est prophète. Et il pourra donner même des prophéties qui sont vraies. Écoutez très attentivement. Si vous avez eu à faire face au marabout, au cercle ésotérique, vous avez même seulement visité leur site internet dès le départ, vous dites que vous êtes converti, votre âme est connectée avec le diable. Et le plus grave, c'est que ceci vient d'un pasteur. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui accompagne un pasteur qui a donné ceci. Il avait son esprit tranquille, son esprit familial tranquille, qui ne dérangeait pas sa vie jusqu'à ce qu'il entre au milieu de la délivrance, au lieu de le délivrer. Et vous voyez ces choses à chaque fois. On prie ça, les gens tombent, on crie partout, les animaux crient partout. Après, on dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, tu as un problème, tu viens, tu prends 7. Alors, priez le Seigneur chaque fois qu'il vous guide. Je crois que maintenant, vous avez commencé du bon pied. Donc, ces choses-ci doivent vous enseigner à prendre votre vie spirituelle au sérieux. Vous avez la Bible avec vous. Lisez la Bible et ne donnez pas, n'ajoutez pas foi à toute personne qui va vous dire n'importe quoi sous prétexte que je suis un serviteur de Dieu. Tu dois croire ce que je suis en train de dire. Non. Vérifiez que ce qu'on vous enseigne est scripturel. Et donc, c'est pour cela que l'une des choses que vous allez rechercher de façon ardente jusqu'à ce que vous l'obteniez, c'est le baptême dans le Saint-Esprit authentique. Parce que quand le Saint-Esprit est sur vous, il va vous conduire dans toute la vérité. Si vous n'avez pas ça, n'arrêtez pas votre prière jusqu'à ce que ce soit ainsi. Si vous n'avez pas ça, ne continuez pas. Si vous n'avez pas, vous allez tourner en rond, on va vous tromper. Parce que ceux qui ont l'esprit démoniaque, ils peuvent faire des choses dans la salle, vous ne savez même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont des bagues, ils ont des choses, des savons qu'ils ont sur eux. Ils viennent, ils vous enveloppent. Si cette soirée-là, c'est le savon des finances qu'il a mis sur lui, quand il va se placer là-bas devant, un être rouge va se placer devant de lui. Quand il va ouvrir la bouche, cette tête-là, c'est rentré de vous parler. Quand il parle, il convainc votre esprit, vous sortez l'argent que vous donnez. C'est dehors que vous vous rendez compte que vous avez donné l'argent. Maman. la seule et unique façon de le faire pour discerner ces choses, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, même si vous dites que je suis intelligent, la preuve, j'ai parlé tout à l'heure du mot baptême, n'est-ce pas? Voir les intelligents, les esprits les plus lucides du monde que l'Église catholique trompe. Ils ne font pas d'efforts, ils n'ont pas d'âme, ils ne forcent personne. Ils vous trompent bien. Donc faisons attention. C'est ça, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, vous posez. Sinon, j'avance. Maintenant que vous avez été délivré, ça montre que le Seigneur... Et souvenez-vous, vous qui étiez dans la salle, vous ne pouvez pas sortir indemne. Donc, quelqu'un vous a touché, même si vous n'avez pas senti quoi que ce soit. Il dit bien, quelqu'un vous a touché, même si vous n'avez pas senti quelque chose. Si vous avez assisté à ce lieu-là, parce qu'il a dit que toute chaîne et tout ce que Satan a utilisé contre vous, que ça soit brisé. Il a dit ça. N'est-ce pas, frère? Ok, maintenant, ça veut dire que vous allez aller maintenant libre. Maintenant, quand j'ai dit, ok, maintenant que vous êtes délivré, si Dieu vient et qu'il vous délivre, quand Dieu vient et vous délivre, qu'est-ce que ceci implique pour vous? Ça implique pour vous maintenant, c'est que maintenant nous avons un nouvel style, nous marcherons en nouveauté de vie. Nous devons marcher maintenant conformément à la volonté de celui-là qui nous a délivré. N'est-ce pas? Ça veut dire que vous avez une responsabilité claire au devant de lui. D'accord? Prenez les Bibles, prenez un peu ou bien. Prenez vous maintenant là. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, voyant ces choses-ci, et que, d'après le témoignage de notre frère, que les démons sont pleins au devant de nous, partout où nous passons, sachez donc qu'il n'y a nulle part où cacher. Quand vous péchez en secret, vous péchez à côté d'eux. Donc, quand vous arrêtez au portail pour voir le film pornographique, sachez qu'il y a une population derrière vous qui dit que, yes, le gars, il voit la pornographie. Donc, quand tu guettes comme ça pour regarder qu'il n'y a personne ici, tu as un monde derrière toi, vous voyez ensemble. Dis à ton voisin, quand tu as ton portable, dis à ton voisin, quand tu as ton portable, tu ne vois pas ça seul. Voilà. Vous avez entendu, n'est-ce pas, frère? Alors, le Seigneur voit partout. Vous avez ouvert les portables, vous avez ouvert les Bibles. Prenez la décision d'effacer toutes ces choses et de rompre. Vous avez la possibilité de le faire. À compter d'aujourd'hui, vous allez le faire. Vous devez le faire et vous pouvez le faire. Dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 12, la Bible déclare que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises pour en satisfaire ses désirs. D'accord? La Bible déclare que vous pouvez, ça ne doit plus régner. Parce que votre corps désormais appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous devez le glorifier donc, avec ce corps-là. Donc, ça veut dire que quand vous pouvez, devant Dieu, vous pouvez vous dire que non, j'ai cette faiblesse de péché, c'est parce que je ne pêche plus. Quand vous êtes en Christ, la Bible déclare que la puissance du péché a été détruite et anéantie. Et donc là, c'est vous. Vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est avec à Dieu ce qui sera de votre part inculte de raisonnement. Maintenant, commençons. Notez Esaïe au chapitre 25, 26. Vous y êtes, vous avez noté? Esaïe chapitre 25 et 26. On va y revenir. Tout ce que vous avez dit, on va tourner tout autour là-bas. Si vous avez noté Esaïe chapitre 25, 26, notez le chapitre 35. Esaïe aussi. À la maison, dans vos méditations, lisez le chapitre 25 doucement. On va voir le chapitre 36 et le chapitre 26 là. Et le chapitre 35 pour voir ce que le Seigneur a nous donné. Et pour voir ce que nous en avons aujourd'hui. Donc, Esaïe chapitre 25, le chapitre 26, puis le chapitre 35. J'en viens. Vous avez noté? Notez Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Notez, je vais vous donner. Si vous avez seulement ouvrir la Bible, ça ne va pas vous laisser. Notez. Après, maintenant, je vais commencer. Si vous avez noté Josué chapitre 24, notez Luc chapitre 13, verset 17 et suivant. On va y aller. Luc chapitre 13, verset 17 et suivant. Notez Hébreux chapitre 3. On va y venir. Notez Matthieu chapitre 7, Apocalypse 21. Au fur et à mesure, donc, je crois que le passage devrait venir. Notez le livre de 1 Pierre. Le livre de 1 Pierre. Le livre de 1 Pierre. Notre livre de 1 roi au chapitre 18. 1 roi au chapitre 18. Ok, maintenant on peut commencer. Plaise à Dieu maintenant qu'il ajoute d'autres passages, d'accord? Vérifiez que vos téléphones ne doivent pas perturber pour, afin qu'on travaille doucement et tranquillement. Vérifiez. L'Allemagne est bénie. Vous qui avez été visité par le Seigneur, gardez votre délivrance. Gardez-la de façon précieuse. Sachez que vous avez une responsabilité devant le Seigneur. Cette responsabilité, c'est garder votre vie dans la sainteté, principalement. Et pour cela, vous devez vous entretenir avec la parole. Vous devez vous entretenir avec la parole. Si vous vous isolez, Satan va vous cribler. Alors maintenant, on va commencer dans le livre de 1 roi, chapitre 18. Dans le livre de 1 roi, au chapitre 18. 1 roi. Si quelqu'un ne sait pas ouvrir la Bible, aidez cette personne pour qu'on ait suivi aussi le temps pour que je vous laisse aussi assez tôt aujourd'hui. Un roi, chapitre 18. L'histoire dans le livre de un roi, c'est l'histoire du prophète Élie, la confrontation avec le prophète de Baal. Ça commence au chapitre 17. Quand vous aurez le temps, lisez l'histoire qui se passe là-bas. Jusqu'à ce qu'il vienne prophétiser. Dans le chapitre 17, à partir du verset 1, où il vient prophétiser qu'il ne doit pas tomber de la pluie parce qu'Israël s'était livré à l'idolâtrie. D'accord? Voilà. Dans le chapitre 18, donc, Dieu va dire à Élie d'aller se présenter devant le roi d'Israël parce qu'il va faire tomber de la pluie. Et là, quand Dieu dit à Élie d'aller se présenter à Israël parce qu'il va faire tomber de la pluie, Dieu lui dit que va dire à Acab, et il envoie à Acab d'aller rassembler tous les prophètes de Baal, ceux qui servent à la manche à la table de Baal, qu'il va faire tomber de la pluie. Quand il va faire tomber de la pluie, c'est pour montrer effectivement que Dieu peut faire venir le problème sur la terre et il a encore la solution. Je veux que vous suivez très attentivement. Au chapitre 18, donc, si on prend à partir du verset 20, il y a eu ce rassemblement-là. Israël, qui avait été entraîné dans l'idolâtrie, par le culte introduit par la femme d'Akab, se rassemble là-bas. Les prophètes de ce culte-là se rassemblent là-bas au mont Carmel. Le prophète Élie se tient là-bas seul, avec le roi au devant. Le prophète Élie va dire clairement ce qu'il en est. Verset 20. Regardez. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha. Vous y êtes? Je suis dans 1 Roi, chapitre 18, verset 20. Il commence au verset 20. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Vous avez vu cela? « Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allait après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Je vais parler du sujet. Je vais parler de ce sujet-ci maintenant. La ligne doit être tracée. La ligne doit être tracée. Ou mieux, tu dois choisir ton camp. En fait, c'est même l'histoire de toute la Bible. La Bible, c'est l'histoire du mariage. Et le mariage, c'est une histoire de séparation. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Vous voyez? Elle se sépare d'un côté pour s'attacher d'un autre côté. Vous êtes avec moi? Donc, l'histoire de la Bible aussi, c'est une histoire de séparation. Abraham quitte la maison de ton père et va. Il faut qu'il se sépare. Et son père. Ici, nous nous trouvons donc au niveau de l'acte d'adoration où l'homme doit être cœur à cœur avec le Seigneur. Et là, le Saint-Esprit met au devant d'Israël ses responsabilités. Le prophète Élie se tient là, il lui dit la vérité, ce qu'il faut faire. Ici, par ces paroles, le prophète Élie veut dire clairement que Dieu n'est pas dans le syncrétisme. Dieu n'est pas dans le mélange des cultes. Comment on peut aller? On dit non, tu peux aller à l'église et aller faire ta tradition. Que la tradition et le culte sont compatibles. C'est deux choses et deux mondes différents. Vous êtes frères? Alors, Élie dit ici, dans cette prédication, il se tourne vers le peuple, il leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est-à-dire que vous allez au temple aujourd'hui, vous donnez l'adoration. Et un de ce jour, vous allez savoir, c'est plutôt Baal. Il dit que si c'est Dieu qui est votre père, prenez position pour lui. Si c'est Baal, alors dans ce cas, allez là-bas, on ne force personne. Tourne-toi à quelqu'un que tu dois tracer la ligne de séparation. C'est vrai, on dit que dans ces marches avec le Seigneur, il n'y a pas de mélange possible. Dieu ne veut pas de syncrétisme. Il a été un peu plus clair dans Exode chapitre 20, où il a dit qu'il punit l'iniquité. Il a d'abord dit qu'il est d'abord un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, n'est-ce pas? Qu'il est là, qu'on ne placera pas ou quoi que ce soit à côté de lui pour le lui associer. Parce qu'il est jaloux. Toute personne qui aime sa femme de la bonne façon ne mérite pas qu'un homme, un clochard, commence à tourner tout autour de lui. Tu souris, on a dit, tu dis quoi avec ma femme? C'est normal. Parce que c'est la jalousie. Amen. Donc, c'est normal que je sois jaloux, que ma femme soit jalouse. Amen. Parce que si tu es hein, mon frère. Amen. C'est normal. Parce que nous servons un Dieu jaloux. D'accord? Alors, ça veut dire que si quelqu'un est jaloux, comme Dieu, lui, il est jaloux, il ne mérite pas que tu lui associes quelqu'un. Parce qu'il te veut pour lui-même et pour lui seul. Donc, Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et ici, le culte, c'est que Dieu désirait faire avec le cœur de l'homme. Satan veut faire la même chose. Il croit dans l'un des... Dans l'un des jours, nous avons travaillé, on a lu aussi Esaïe chapitre 14, où il disait dans son cœur, je monterai au sommet des montagnes, je m'asserai sur les étoiles de Dieu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Satan désirait l'adoration des hommes. Il a toujours aimé l'adoration des hommes. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, lui-même est venu se présenter devant le Seigneur Jésus. Il a dit au Seigneur Jésus, prosterne-toi et m'adore. Il a montré la vision à Jésus en disant que je te donnerai tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Car cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Donc, quand tu te prosternes devant Satan, il te donne la gloire des hommes. Vous y êtes? Alors, ça veut dire que Satan veut l'adoration. Il veut tout simplement que tu te prosternes. Oh! Et souvenez-vous, on n'a pas besoin de dire que Satan est Dieu pour le faire. Quand vous dites, on n'a pas besoin de se prosterner pour dire que Satan est Dieu. Il suffit de décaler de l'écriture. Il suffit pour adorer Satan. De décaler de l'écriture, vous êtes de son côté. Quand vous roulez sur la route, il y a les lignes tracées, non? Quand les lignes sont tracées, quand vous mordez une ligne, vous êtes de l'autre côté, non? Ça suppose donc que si on veut pénaliser, on va vous pénaliser parce que vous avez mordé les lignes. Les lignes, c'est les lignes qu'on trace pour ne pas franchir. N'est-ce pas, frère? Pourquoi on trace cette ligne-là, la bande à droite, la bande à gauche, pour que tu restes dans le couloir? C'est que dans ce couloir, tu dois rouler pour avancer là où tu es en train d'avancer. Tu arrives quelque part, ce sont les lignes qu'on a tracées au sol qui t'indiquent que ici, tu n'as pas franchi, n'est-ce pas, frère? Nous devons tracer les lignes maintenant pour marcher dans notre foi. Nous devons tracer des lignes afin de marcher droit dans la marche que Dieu nous a donnée. Colossiens chapitre 2, verset 6, notez. Colossiens, le chapitre 2, le verset 6. Vous avez moi? Mon frère, tu voulais quelque chose là? Tu voulais qu'il te donne quelque chose? Je crois que quelqu'un a mis quelque chose ici. C'est pas ce que c'est ça. Il y a des soulignés, c'est qui en veut là? Tu en veux ça? Oui. Il dit Colossiens chapitre 2, verset 6. Alors, souvenez-vous, il n'est pas demandé que vous ayez noté ce matin. Je vous ai dit qu'on prêche au fur et à mesure du verset, donc comme le dit, je vous en donne. Donc, il dit que lorsque vous conduisez votre voiture, remarquez que vous conduisez des voitures, il y a des marques au sol pour vous indiquer là où il faut franchir, là où il ne faut pas franchir. De la même façon, la vie spirituelle doit être ainsi. Notre vie spirituelle doit être ainsi. Encore pour vous qui venez d'être baptisés aujourd'hui et pour tous ceux qui ont reçu le baptême. Et c'est valable pour chaque personne qui est en Christ. À chaque étape de notre vie, il y a des lignes qu'on ne doit pas franchir. À chaque étape, là, dans ce Colossiens chapitre 2, verset 6, il dit maintenant que vous avez reçu le Christ, marchez en lui. Donc c'est en Christ qu'on doit marcher. Ça veut dire que tout ce qui vient et qui ne contribue pas à l'édification dans la foi en Christ doit être mis de côté. Je dois m'en séparer. Il y a une ligne qu'on ne doit pas franchir. Vous y êtes, frère? Vous y êtes? Esaïe chapitre 35, le verset 8. Esaïe. Vous avez noté aujourd'hui le chapitre 35. Il dit, je veux qu'on aille au verset 8 pour lire ce que ça dit. S'il vous plaît, suivez vraiment l'heure, d'accord? Esaïe. Esaïe, chapitre 35, verset 8. Dans cet Esaïe, chapitre 35, le prophète commence par dire, il parle du temps où le Messie doit venir et comment il va changer au verset 7 sur le verset 7. Il parle de comment le désert va s'échanger en les temps et les sources là. Après, quand il dit quoi? Il veut parler de la période où Dieu va restaurer les choses. Ou partout. Je crois que le frère n'a pas encore trouvé Esaïe, chapitre 35. Aidez quelqu'un à trouver. Lorsque vous avez. Je veux que chacun vérifie qu'on en donne des. Le prophète Isaïe commence à parler de la restauration qui va avoir lieu du temps messianique. Il dit que le désert va s'échanger, il va transformer les étangs en cours d'eau. Et puis au verset 8, il va nous dire quelque chose, qu'il y aura un chemin qui sera tracé. Vous y êtes, hein? Le verset 8 donc, nous dit, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie. Donc voilà notre route, c'est marqué. C'est-à-dire que si vous regardez cette route spirituellement, c'est écrit là-bas, sainteté à l'éternel. Sur cette route-là. Donc, ni marche, enfin, qui finissons le verset. Regardez bien, j'ai fini le verset. Quelques personnes qui ont le péché pourront entrer par là-bas. Vous avez vu ça? Vous avez vu? C'est ça, non? Vous avez entendu? Ça veut dire que sur cette route-là, l'impureté est hors des lignes, n'est-ce pas? Dans cette route, l'impureté est hors des lignes. Parce qu'on a dit qu'il y aura une route qui sera frayée. Dieu va frayer un chemin. Ici, il a parlé de la restauration. Dans ce chapitre 35, il a parlé du temps que le Seigneur Jésus va venir. Et il est effectivement venu. On a dit qu'ils vont sortir, il y aura les boiteux qui vont marcher, ainsi de suite. Et là, il va frayer une route. Le but pour lequel il vient pour faire comme ça, c'est pour restaurer le chemin qui était tortueux. Il va tracer cette route-là. À partir de maintenant, on peut commencer à marcher selon la justice. Vous voyez, n'est-ce pas? Dans la droiture. Parce qu'avant cela, personne ne marchait dans la droiture. C'est uniquement en lui qu'on est justifié. Et qu'on est justifié, on est sanctifié. Il dit qu'il y a une route qui sera tracée, appelée la route. Appelée comment? La route, la voie saine. Donc c'est une route sainte. Et il dit que nul impuni passera. Elle sera pour eux seuls. Pour qui? Pour les racheter. Donc ça veut dire que vous comprenez que si vous êtes intégré dans ce système-ci, dans le plan de Dieu, ça veut dire que vous avez une démarcation à faire, une séparation à faire, une ligne que vous devez tracer. Dans le livre de Josué, chapitre 24, dont je vous ai donné, quand vous aurez le temps de lire, vous avez déjà noté, ça ne notez plus. Vous avez noté, je vous ai donné ça dès le départ. Dans le livre de Josué, chapitre 24, lorsque Dieu fait sortir les peuples d'Égypte par Moïse, arrivé à un moment donné, il va dire que c'est Josué qui va les faire entrer. Lorsque Josué va regarder devant, il va voir ce qui va arriver aux Juifs. Il était sidéré ce jour-là, quand la vision lui était présentée. Un écran de télévision s'était présenté devant lui, il a vu exactement ce qui va arriver à Israël. Il était étonné. Il les a rassemblés. En regardant ce qui était devant lui, il a dit, souvenez-vous quand vous étiez en Égypte, comment Dieu vous a fait marcher et tout le désert par lequel il vous a fait passer. Maintenant, le pays, on est entré là-bas. Vous ne devez pas marcher comme ça, comme vous marchez en Égypte. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, choisissez qui vous voulez servir. Soit votre Dieu, les dieux qu'on peut, vos pères ont servi en Égypte, soit l'Éternel. Si c'est l'Éternel, donc, faites le choix. Si c'est le Dieu d'Égypte, faites le choix. Parce que si vous entrez là-bas, vous faites les bêtises, laver les mélanges là, il ne va pas vous épargner. D'accord, frère? Et justement, quand ils vont entrer, ils vont faire ces mélanges là. Comme le prophète avait dit, il va les frapper de la même façon. Dieu n'aime pas le mélange. Grave encore dans le Nouveau Testament. Grave encore dans le Nouveau Testament. Notez Tite chapitre 2, versets 11 à 13. Grave encore dans le Nouveau Testament. Si vous avez lu la Bible, franchement, si vous avez lu la Bible et que vous avez lu, vous pouvez les fermer comme ça. Je ne sais pas, vous prendre les notes. Pourquoi on fait le temps d'ouvrir comme ça? Enfin, si pas, vous devez savoir que c'est écrit là-dedans. Alors, Josué leur dit, aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, ils ont fait leur choix. Ils ont décidé que leur maison sera l'Éternel. Qu'est-ce qu'il veut dire par leur maison doit servir l'Éternel? Il veut dire la constitution, le fonctionnement, la pensée qui gouverne nous dans notre maison, ça doit être la gouvernance de l'Éternel. Voilà une famille. Mais maintenant, dans le fait, dans le vécu, il y a des chrétiens qui mettent des messages au mur que moi et ma maison, c'est le verset qui vient de citer dans ce livre de Josué, chapitre 24, là, le verset 19 et suivant. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais à l'intérieur, c'est la bagarre. Une autre personne est là-dedans. Notez Luc chapitre 6, verset 40 à 49. Vous avez mon frère. Oui. Alors, lorsque vous mettez au mur, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'église de ce côté-ci. Vous dites que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, ça, je devais penser de l'autre côté. Vous dites, vous mettez de ce côté-ci par, je puis tout par Christ qui me fortifie. Parlez des messages bibliques. Et vous dites ici, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et vous mettez votre télévision. Ça, c'est écrit là-bas. Et puis ici, vous allez voir la pornographie. C'est Christ qui te fortifie. Pourquoi tu fais ça, frère? Or, le Josué dit que moi, je veux que vous compreniez, l'une ligne doit être séparée. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que si vous voulez servir n'importe qui, servir n'importe qui, nous avons tracé une limite. Et Josué veut dire que si vous vivez dans le péché, vous faites n'importe quoi, vous entrez chez moi, sachez que vous allez entrer sur une autre gouvernance. Vous allez entrer de chez moi, il y a une autre décision qui se passe dans cette maison-ci. Notre maison est constituée, fonctionne par la loi du Seigneur. Vous êtes avec moi? Donc Josué avait séparé. Il avait tracé la ligne où il ne doit plus franchir. C'est parce que vous comprenez. Alors ça veut dire que vous de même, vous devez fixer. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, noté. Vous devez fixer des lignes dans vos vies que vous ne devez pas franchir. Vous êtes à l'école, les gens trichent, vous devez fixer les lignes de séparation parce que les tricheurs ne sont pas des chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens tricheurs, il n'y a pas de tricherie sainte. Dans la voie, il a dit nul impur ni passera. Nul impur ni passera. C'est parce que c'est ses frères. Oui, frère, parle. Pour un humain, oui. Le commun du mortel, oui. Le changement du pile au face, oui. Ce n'est pas. C'est pas brut. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est que on peut y aller aussi progressivement. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, par exemple, on dit maintenant qu'il y a le feu qui est déclenché ici. Tu sors doucement. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mm-hmm. Bon. Bref. J'arrive, je comprends ce que tu veux dire, d'accord? Il veut expliquer. Vous pouvez avancer, vous avez noté Luc chapitre 6, verset 46 à 49. Vous avez noté, n'est-ce pas? Alors, regardez très attentivement encore. Lorsque j'ai dit que la fondation doit être fixée, c'est-à-dire que les objectifs, vous devez fixer, vous devez analyser que vous avez le Seigneur. Si vous avez le Seigneur, sachez automatiquement, si vous avez le Seigneur, ceci implique que quand vous l'appelez Seigneur, c'est lui qui doit vous gouverner. Et si c'est lui qui doit vous gouverner, c'est lui qui fixe les règles. Vous ne dites pas au Seigneur ce qui est bon pour vous et ce que vous devez prendre de lui. C'est lui qui fixe votre vie. Règle votre vie. En fait, dans Isaïe chapitre 26, je crois qu'il faut que nous y aillons. Chapitre 26 d'Isaïe. Allons-y là. Prenez le temps de lire là. Hein. Regardez le verset. Oh mon Dieu, quoi que c'est mieux que je. On lit tout le verset. C'est pas long. Donc, nous souvenons que c'est prévu, d'après Esaïe chapitre 35, verset 8, et depuis le verset 1, que quand le Messie viendrait et qu'il va restaurer certaines choses, que la route sera frayée et cette route sera appelée route saine, ou bien la voie saine. La route là s'appelle la voie saine. Et il a précisé que dans la voie saine, parce que c'est dans le chemin de la sainteté qu'on monte dans cette nouvelle Jérusalem dont la Bible parle, dans notre cité céleste. D'accord? Maintenant, il précise en disant que nul impur n'y passera. La question qu'on devait se poser maintenant, c'est que qu'est-ce que lui, le Seigneur, est en train d'appeler par un impur? Comment être impur? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ça doit être répondu. Ça se passe que si c'est dit que j'appartiens à Christ, ça dit que je suis parmi le peuple de la sainteté. Ou bien, c'est ce que la Bible appelle par les rachetés, comme une autre terminologie. Alors, si j'appartiens, je dis que j'appartiens à Christ, je dois me poser la question si oui ou non, je suis sur la voie sainte. Ou mieux, si ma vie est agréable au Seigneur. Et si ce n'est pas agréable au Seigneur, je vérifie devant le Seigneur. Qu'est-ce qui n'est pas agréable au Seigneur dans ma vie? Je dois mettre ça de côté. C'est ça dont je dois en parler. Il dit nul impuni passera. Souvenez-vous de cela, la voix dans la voix sainte. Dans cet Esaïe chapitre 26, à partir du verset 1, c'est le cantique au racheté. C'est le cantique des rachetés. C'est-à-dire que ceux que Christ a rachetés sur la terre, voici ce qui va sortir de leur bouche. Et ils vont se reconnaître effectivement qu'ils sont des rachetés parce qu'une œuvre s'est passée dans leur vie. Verset 1, en ce jour, souvenez-vous que je vous ai donné le chapitre 25. Donc, si vous lisez depuis le chapitre 25, vous allez comprendre ce qu'il en est. Par rapport à l'oppression et l'alliance avec la mort qui nous tenait, la Bible déclare que notre alliance avec la mort sera brisée. Et effectivement, l'alliance avec la mort avait été brisée à la croix. Donc, Dieu avait prophétisé que l'alliance avec la mort avait été brisée parce que l'homme était lié à la mort. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Puisque tu as fait cela, voici, tu mourras. L'homme était lié donc effectivement avec la mort. Et il vient en scène là-bas, il dit votre alliance avec la mort sera brisée. Quand l'alliance avec la mort est brisée par la mort du Seigneur Jésus-Christ, il dit en ce jour, on chantera ces cantiques-ci, à partir du verset 1. En ce jour, on chantera ces cantiques dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et quoi? Et fidèle. Puis Dieu dit à celui qui est ferme. Dans ce sentiment, tu as su quoi? La paix. La paix. Parce qu'il se quoi? Se confie en toi. Dans la voie sainte, on fait confiance au Seigneur. On s'appuie sur lui pour avancer. Vous ne vous avancez pas avec votre propre force. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous confier au Seigneur si vous le désobéissez. S'il dit, c'est pas toi de telles choses, tu te sépares. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, dont je vous ai donné tout à l'heure, vous avez noté, il est écrit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, si c'est qu'en marchant avec telle personne, tu as des langages grossiers, tu as des choses que tu fais qui ne glorifient pas Dieu, ça veut dire que tu n'as pas deux solutions que de te séparer, même si vous êtes intime, n'importe comment. Même si je dis n'importe comment, pour marcher dans la voie sainte, il va falloir te séparer. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Notez. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Vous y êtes? Voilà. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, la justice et l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » La route doit être tracée. Ça doit être tracé. Il y a une frontière donc, que tu n'as plus franchie. Il y a une ligne qu'on doit franchir, qu'on doit tracer pour ne pas franchir entre la sainteté et l'impurité. Dans Lévitique chapitre 10, si vous lisez le livre de Lévitique chapitre 10, lorsqu'il a donné sous la sacrifice, sous le sacerdoce d'Aaronique, il a donné à Nadab, à Abihu et autres là-bas, il a donné aux sacrificateurs de ne point s'approcher de la tente d'assignation en buvant de l'alcool. Il dit qu'il a dit cela pour que quelqu'un ne vient pas là-bas en mourant, qu'il ne dise pas que je ne connaissais pas. Donc dans la sainteté, il y a des choses pures. Et il dit clairement là-bas qu'il a dit ça aux sacrificateurs qu'il ne doit pas boire du vin, de l'alcool, en s'approchant de la tente d'assignation, afin qu'il discerne. Et qu'il enseigne au peuple à discerner ce qui est pur et ce qui est saint. Vous y êtes, frère? Verset suivant, verset 3, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Souvenez-vous que c'est le cantique des rachetés. Donc, c'est eux qui ont été dit. Donc, entre nous, je dois vous dire qu'on se confie en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a baissé, je vais revenir sur ça dans un enseignement un autre jour. Il a baissé la ville superbe, il l'a abaissé jusqu'à terre et lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Donc, Dieu a dit ici que tous ceux qui se confient dans les richesses, ici, là, maintenant, se trouvent dans les misérables et les pauvres, comme Moïse moquait. Et lorsque la situation a changé, c'est eux maintenant qui héritent de tout cela. Ils marchent au devant de tout cela. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsqu'on a dit de marcher, ne vous confiez pas dans les richesses. Donc, il y a une séparation qui va être faite. Continuons ici. Verset suivant, verset 7. Le chemin du juste est la droiture. Vous y êtes? Donc, dans cette route sainte, dans cette voie sainte, cette nouvelle voie qui est inaugurée, point d'injustice là-dedans pour le peuple saint. Il dit, la route, le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Donc, vous décidez de marcher dans cette justice. En vous confiant dans le Seigneur, il aplanit vous-même votre voie. Ça veut dire qu'il vous aide dans cet accompagnement. Ça veut dire quoi? Quel qu'en soit ce qu'il arrive, confiez-vous à Dieu. Donc, Dieu vous invite à avoir une intimité. Dieu nous invite à avoir une intimité avec lui. Parce qu'il faut se confier. Quand il se confie à lui, ça se passe quoi? Vous avez une intimité où, quand il y a quelque chose, vous lui dites. Et la Bible, enfin, là-bas, on va découvrir cela. La Bible dit dans ce même Esaïe que c'est tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Avançons là. Aussi, verset 8. Aussi, nous t'attendons. Vous y êtes? Remarquez très attentivement. Il dit, toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme désire pendant la nuit et mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Quelqu'un qui a constante méditation. Puis il dit, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Écoutez très attentivement. Donc Dieu frappe. Il frappe pas ici. Il frappe à part des jugements. Les habitants de la terre commencent à apprendre. C'est par là qu'on commence la justice. Il veut y revenir. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est pour ça qu'ils peuvent faire le vautour n'importe comment. Ils insultent Dieu. L'Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Donc pour le moment, on ne sait pas que Dieu agit. Mais pour le peuple dont on parle ici, c'est le peuple que Dieu a racheté. Quand il s'est racheté un peuple, on peut nous mépriser sur la terre. Que les chrétiens, ce sont les qui ont dit n'importe quoi de nous. Ils ne voient pas le zèle de Dieu. Mais quelque chose va arriver. Regardez, Éternel, tu nous donnes. Je crois que j'ai sauté là-bas dedans. Oui. Le feu consumera tes ennemis. L'Éternel, verset 12 maintenant. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Donc, c'est par grâce que nous marchons avec lui. Vous y êtes? Qui veut marcher dans ce chemin de sainteté? Vous tous voulez marcher? En fait, vous n'avez pas le choix, sinon vous n'allez pas aller vous mouiller aujourd'hui. Ça veut dire que vous désirez faire quelque chose. Ça veut dire, mais ça veut dire, il faut que je vous dise la vérité, c'est que sur ce chemin-là, se trouve la résignation des désirs et des plaisirs de la chair. Ça veut dire qu'il y a une fonction de dépouillement avant d'avancer. Il y a une fonction de dépouillement. Vous devez vous dépouiller de la vieille nature, de votre façon de vivre. Le langage, le comportement, les regards, les pensées, les paroles doivent changer dans cette marche-là. Vous me suivez? Si votre problème, c'est le perroquet mania. Vous savez le perroquet mania, vous connaissez ça, non? C'est-à-dire quand je dis que A, tu dis A, B, C, D, tu babades trop. Il faut que vous demandiez au Seigneur de vous enlever cela. C'est l'objet de Actes d'Éphésiens, chapitre 4, verset 17 à 26. Ça se trouve là-bas. Vous y êtes? Voilà. Que votre douceur soit reconnue de tous. Que votre douceur soit reconnue de tous. Le Seigneur est proche. Vous avez vu ça dans la Bible? Alors ici, il dit, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, écoutez très attentivement ce que le Saint-Esprit dit ici. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Ça veut dire clairement qu'avant que vous ne soyez sur cette voie-ci, vous serviez des démons sous quelque forme que ce soit, en quelque niveau de la vie. Donc, avant d'être en Christ, vous avez servi consciemment ou inconsciemment le diable. Dans toutes les sphères. Toutes les sphères. C'est ce que le Saint-Esprit dit ici. Il dit, regardez, attendez, Éternel notre Dieu, d'autres au pluriel, maîtres, ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Donc ça veut dire que si Christ, la maison, n'était pas venu vers toi, tu vas être bon sur la terre, croyant que tu en es de servir comme ça, Dieu alors que tu en es allé en enfer. Dieu est venu vers nous pour nous ouvrir des yeux afin que nous croyions en lui. Amen. Maintenant, il dit, ceux qui sont morts ne revivront pas, des hommes ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand, écoutez ça attentivement, verset, vous ferez mieux de noter le verset 8, quoi, le verset 13 et le verset 16, notez-y. Remarquez très attentivement, Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. C'est-à-dire, dans cette voie de sainteté, si vous marchez hors de la face de Dieu, sachez que vous aurez seulement châtiment sur châtiment. Et ce châtiment se fait pour qu'on crie au Dieu pour revenir sur ce chemin-ci. Donc maintenant, Dieu merci, vous avez au moins des choses qui peuvent vous conduire dans ce chemin-là. Qu'est-ce que vous devez faire? Obéissance. Obéissance. Obéissance. Notez Jacques chapitre 1. Obéissance. Obéissance. Obéissance. Obéissance. Verset 22 à 27. Obéissance. Obéissance. Obéissance. Vous devez seulement obéissance. C'est-à-dire, la parole dit vous faites. La parole dit vous faites. D'accord, frère? Voilà. Il n'y a pas plus sourd et plus aveugle que quelqu'un qui lit la parole de Dieu et fait autre chose. C'est encore terrible que d'écouter. La Bible déclare, cesse mon fils d'écouter de la loi si c'est pour t'en éloigner. Donc, si tu lis la Bible pour ne pas aller mettre en pratique, la Bible dit, te conseille de ne pas écouter cela. Donc, Dieu te pose, tu vas en enfer tranquillement. On avance. Puis Dieu dit, c'est quoi verset 17, verset 18 là. Nous avons conçu. Nous avons éprouvé des douleurs et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Donc ça veut dire que Dieu a dit que si nous faisons n'importe où, nous conservons n'importe quel projet, si c'est pas nous-mêmes, ça ne marchera jamais. Et le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Là, il en a parlé de la résurrection qui va arriver. Le prophète s'y dérange. Réveillez-vous et tracez des joies habitants de la poussière. Écoutez. Car ta rosée est une rosée vivifiant et la terre redonnera le jour aux hommes. C'est-à-dire quoi? Ça, il en est parlé de la résurrection clairement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit viendra et appellera de la terre tous ceux qui sont morts dans l'espérance. Mais ici, le Saint-Esprit nous dit que nous avons à notre disposition une rosée vivifiante. Ça veut dire que même si nous sommes en train de nous mourir dans la poussière, le Saint-Esprit peut toujours, qu'on appelle en anglais, quicken, donner de la force, à notre, de la vigueur à notre âme, afin que nous marchions dans le chemin de la sainteté. Vous avez moi? Puis il dit, va mon peuple. Ça, c'est la tribulation, que l'enlèvement va avoir lieu. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Alors, dans ce chemin de sainteté, on marche comme ça dans la sainteté pour aller dans l'enlèvement. On va dans l'enlèvement pour échapper à la tribulation. Sinon, vous y passerez. Qui veut marcher sur la voie droite, sur la voie du Seigneur? Ok. Vous levez la main comme ça, sachez que ce n'est pas à moi que vous levez la main. Quelqu'un se tient ici en train de parler. Quelqu'un se tient ici en train de parler ces choses-ci. Hébreux chapitre 3. Hébreux le chapitre 3. Je vous ai demandé de noter ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Hébreux le chapitre 3, si vous y êtes, je lis. On peut y aller. Donc, il y a à partir du verset 12. Tu n'as pas trouvé, mon garçon? Tu as trouvé Hébreux? Ok. Quoique partout, tout le monde a trouvé. Le verset 12 donne dans la mise en garde. Écoutez très attentivement. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait qu'un mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous voyez ce qu'il dit? Donc, dans cette voie droite, dans le chapitre 12 de ce même livre-ci, à partir du verset 1, il dit qu'on court cette ligne droite-là en ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. D'accord? Notre objectif, c'est Christ. Notre objectif, donc, c'est le royaume. Et par conséquent, lorsqu'on a découru vers le royaume, tout ce qui ne contribue pas et ne met pas en avance pour avancer dans ce royaume-là, doit être mis de côté. Vous avez moi? La séparation, la ligne doit être tracée. On doit en découdre avec ce monde-ci. Jacques, chapitre 4, notez verset 1 jusqu'au verset 8. Jacques, le chapitre 4, verset 1, je n'ai pas demandé que vous notez. Je vous ai dit qu'au fur et à mesure, on prend ici, le verset vient vous en donner. Donc, ici, le Saint-Esprit nous dit que prenez garde, mes frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous entendez ce qu'il dit? Notez Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, on arrive là. C'est quand même terrible. À ce rythme-là, on va citer toute la Bible ici, là, maintenant. Comment? Non, dans Luc, je vous ai donné le premier chapitre 13, verset 17, n'est-ce pas? Alors, dans ce livre, l'apôtre Paul nous dit au chapitre 3 d'Hébreu, il dit, prenez garde, mes frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Il s'adresse à ceux qui croient. Un cœur mauvais. Je pense que c'est un cœur mauvais. Incrédule. Donc je marche à un moment donné, je crois, à un moment donné, je ne crois pas. Parce que ce chemin de la sainteté, ce chemin de la foi. Parce que la Bible déclare là clairement que tout ce qu'on fait, c'est lui qui accomplit pour nous. Nous marchons là-dedans, nous allons dans le chemin de justice parce que c'est lui qui nous y fait accomplir. C'est lui qui nous fait marcher là-dedans. N'est-ce pas, frère? Donc, alors, sur cette route-ci, point de détour. Et c'est ce que le prophète Élie a dit dès le départ, qu'on doit choisir véritablement. On doit tracer, on doit aller ni à gauche ni à droite. Lorsque Dieu va vouloir donner la gratification à Josué, c'est Josué qui a dit dans Josué chapitre 24 là, et à Caleb, il va dire, c'est seulement eux deux qui doivent entrer parce qu'ils ne sont allés ni à gauche ni à droite par rapport au commandement qu'il a donné. Dieu n'aime pas ce qui cloche, qui clignote. Il n'aime pas ce qui clignote. Vous devrez prendre position. Vous me suivez? Vous devrez prendre position. Dans vos activités, souvenez-vous que dans vos activités, vous vous livrez à la fraude, vous êtes du côté du diable. Vous venez d'entrer dans son camp. Parce que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 8, que ce que Dieu veut, après il va dire au verset 3 que ce que Dieu veut c'est votre sanctification et autre là-bas, il dit que c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans des affaires, parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là. Et puis il dit, si quelqu'un rejette ces préceptes comme vous avez annoncé, il n'a pas rejeté un homme, mais Dieu. Donc vous refusez ça, vous venez de rejeter Dieu, donc vous avez quitté la voie droite. Il n'y a pas de ces choses-là comme fraude dans le chemin de la sainteté. C'est-à-dire que vous devez vérifier votre vie, que la parole que vous dites, c'est une parole de sainteté. La respiration que vous faites, la façon dont vous marchez, la façon dont vous pensez, dont vous vous habillez sur ce chemin-là, c'est le chemin de la sainteté. Vous devez vérifier tout ça. Si ce n'est pas comme ça, vous mettez ça de côté. Vous ne pouvez pas vous emballer comme des saucissons comme ça qu'on est en train de charger dans le pain. Avec les fesses, vous tordez ça comme ça, vous dites que vous marchez le semaine saint. Ça ne passe pas dans le royaume là comme ça. Il dit nul impur ni entrera. Vous avez mon frère? Continuons ici. Verset 13. Il dit, mais exhortez-vous les anges. Je vais reprendre encore le verset 12. Il dit, mes frères, mes bien-aimés. Il dit, prenez garde, bien-aimés, ou bien frères, ou bien les croyants, ou bien les chrétiens. Il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, pendant qu'on a démarché, point de détour. D'accord? Je dois vérifier, j'arrive. Je dois vérifier que mon cœur n'est pas mauvais. C'est quoi un cœur mauvais? Qu'est-ce qui veut dire être incrédule? Vous lisez la parole. Si vous ne croyez pas, vous êtes incrédule. C'est pour ça, chaque fois, il m'arrête, il dit que vous croyez que c'est écrit. Vous dites, mec, allez, dans ce cas, que ça se manifeste. Mais cette trésor, il dit, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour. Vous comprenez effectivement que, en tant que chrétien, vous avez une mission entre vous de vous appeler les uns les autres pour partager la parole, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous partageons aujourd'hui? Toto en Israël. Toto a encore fait fort. Toto a dit comme ça à son maître de l'école, le maître de l'école, voilà l'exhortation journalière. C'est les sujets de clowns que nous avons aujourd'hui à partager. Tu envoies un verset biblique, quelqu'un fait tchoum. Tu m'envoies ça pourquoi? Tu me juges pour pourquoi? Directement, si la personne avait un problème qui a travaillé le verset, elle dit que c'est la dernière fois que tu m'envoies des choses comme ça. Pourtant, la Bible nous dit, c'est même normal que s'il voit que tu as un problème, si le Saint-Esprit met un verset de lui, il te donne concernant ton problème. Si tu as vivre dans le péché, si tu as le péché, il dit repentez-vous. Tu vas entendre, il va dire que tu es qui pour me juger. Et après, il écrit tchoum. N'est-ce pas, les frères? Mais la Bible déclare ici, exhortez-vous les uns les autres chaque semaine. Combien? Chaque jour. Donc la Bible nous demande de nous exhorter. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous, ici souvenez-vous, il a parlé des frères, donc il parle des chrétiens, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Saint-Esprit veut dire, dans la marche là, soutenons-nous les uns les autres aussi longtemps que nous le pourrons, chaque jour que nous entendons qu'un autre jour est arrivé, jusqu'à ce que nous arrivons ensemble afin que personne n'ait de traces de péché. C'est-à-dire quoi? Je dois veiller sur vous. Vous devez veiller les uns les autres afin que nous marchions ensemble dans la sainteté. Donc, je suis ton surveillant. Tu es mon surveillant. C'est pas ce qu'il écrit. Verset 15. Verset 14, il croit qu'il se dit. Car nous sommes devenus participants de Christ. Il dit le pourquoi. Pourquoi il dit ça? Parce que nous sommes devenus participants de Christ. C'est-à-dire que nous avons la nature de Christ maintenant. La nature de Christ est séparée du péché. Il dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous y êtes? Chapitre 2, rentre au chapitre 2, c'est difficile. Prenez garde, frère. Marchons dans la voie droite. Éliminons tout ce qui est impur de nos vies. Nettoyons nos mœurs. Changeons nos comportements. C'est-à-dire, vous avez des choix à faire dans cette vie. Si ces choix-là ne glorifient pas Dieu, vous devez mettre ça de côté. D'accord? Dans Hébreux chapitre 2, justement, il dit, verset 1, regardez avec moi. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. La ligne doit être tracée. On ne doit pas dépasser la ligne. Les choses qui nous ont été données, c'est pour nous convenir dans un système de marche du Seigneur. On est dans un couloir où c'est le Seigneur qui nous conduit maintenant. On dit que ces choses-là, on doit prendre garde pour ne pas lâcher les choses qu'on a entendues. Sinon, on sera emporté loin d'elles. C'est-à-dire quoi? Laissez votre Bible. Laissez votre enseignement. Allez, ça vous fermez la Bible directement. Commencez à vous écarter de la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir. Méditez pour agir. Méditez pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors là que tu auras du succès. Donc, sans méditation, sans lecture, vous allez commencer à sortir des mots dans vos bouches. Votre comportement commence à changer. Vous n'allez pas avoir. Alors, le Saint-Esprit dit ici que nous devons d'autant plus nous attacher. Donc, plus le jour en est d'approcher, plus davantage attachez vos écritures. Il dit aux choses que nous avons entendues des personnes. Si vous ne vous attachez pas là-dessus, il dit clairement que nous allons nous éloigner. C'est pas ça? Car si la parole annoncée, verset 2, par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Il faut que la ligne soit tracée. Vous êtes d'accord avec moi? On doit tracer la ligne. C'est-à-dire quoi? Voici, je suis chrétien. Désormais, ma fonction n'est plus ceci. Ma fonction n'est plus ceci. Et ceci, ça doit vous venir par les enseignements et par la lecture de votre Bible. Vous allez découvrir dans les enseignements des choses qui vont vous choquer. Vous dites que, ah, c'est quoi? Éphésiens chapitre 4. Vous allez dire qu'il dérange. Il prêche comme ça, il croit qu'on est au ciel ici. Justement, la prédication, c'est fait pour les gens de la terre. Parce que les gens de la terre doivent entrer dans le ciel. Il ne faut pas que tu entres au ciel. Tu crois que tu vas aller trouver la voiture, là-bas, il n'y a pas de voiture. Donc, on doit te prêcher, c'est pour te dire ce qu'il y a au ciel. Là où tu vas au ciel, comment aller au ciel et quel est le comportement des gens du ciel. D'accord, frère? Amen. Vous avez moi? Notez Matthieu, chapitre 5. Après ce livre d'Éphésiens, nous allons y aller directement. Éphésiens, aidez quelqu'un à trouver pour qu'on avance. Je vais vraiment le laisser aujourd'hui tôt. Je crois que c'est la fin de notre mon séjour en allemand, c'est ça? C'est ça, non? C'est la fin, ça. C'est la dernière prédication, ça, c'est ça, dans votre programme. Il y a encore un jour de prédication. Éphésiens chapitre 4. Donc vendredi alors. Donc rendez-vous vendredi prochain. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Écoutez très attentivement. Éphésiens chapitre 4 verset 17. Regardez. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous avez ça devant vous, frère? Frère, vous avez ça devant vous? Oui. Voilà. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus. Donc, comme vous êtes en Christ, il y a un système de fonctionnement qui change. Ça change, d'accord? Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause quoi? De l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impunité jointe à la cupidité. Puis la Bible déclare, mais vous. Quand il dit vous, il s'adresse à qui là maintenant? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, si du moins vous avez appris. Donc, on doit vous apprendre des choses, que sur la voie droite, il y a des choses que nous ne devons plus avoir. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas normal que vous dites que vous êtes chrétien, vous dites que je vais en boîte de nuit, je m'en vais boire avec les amis en boîte. Ça ne se marche, ce n'est plus comme ça. Vous êtes en Christ, il y a un fonctionnement là-bas. Il dit, voici ce qu'il dit, ce qu'il déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent, parce que la Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Puis il dit ici, verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, vous avez été instruit à vous dépouiller. Donc il y a une instruction de dépouillement, c'est-à-dire une instruction de séparation, de nettoyage. Vous devez nettoyer ce qui est du monde, ça doit rester dans le monde, ce qui est saint, Vous devez l'appréhender, saisir et avancer. La séparation doit être faite. Vous devez tracer la ligne de séparation. Amen. Amen. Dans Tite chapitre 2, verset 11 suivant, la Bible écrit, je n'ai pas besoin que vous ouvrez. Vous avez devenu devant le robot, mon frère. Dans Tite chapitre 2, donc, la Bible parle de la grâce là-bas. Ok. La Bible parle de la grâce là-bas comme la source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée. Puis la Bible dit qu'elle nous enseigne quoi? À... C'est quand même terrible. Donc, personne ne lit la Bible alors ici. Ou bien votre Bible en allemand. Non. Ah, mais dans ce cas, pourquoi vous ne pouvez pas finir? La grâce nous enseigne à fuir quoi? C'est pas ce qui est écrit là-bas. En d'autres termes. En d'autres termes, hein. Dis d'abord le thème qui est écrit, après dis d'autres termes. Non, c'est pas ce qui est écrit. Bon, tu vas sauter. Quand tu as venu, tu vas sauter. Hein? Ok, ouvrez alors, comme vous voulez. Le verset 11 de Tite nous dit, au chapitre 2, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Bon, ouvrez, on n'a pas encore ouvert. Je veux que vous ouvrez cela parce qu'il y a le thème, quand vous dites péché, au-delà là-bas, péché, ce n'est qu'un thème péjoratif. Je veux que vous lisez le mot qui est écrit parce que le mot là est... Le mot là est scandalisant. Tu y es déjà, mon cher? Tu n'as pas encore ouvert Tite? Tite, chapitre 2. Tite, c'est après Timothée. Si tu as vu Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, après tu vas trouver Tite. Si vous avez la Bible classique qui est rangée de la bonne manière, si vous achetez une nouvelle Bible qu'on a transformée en mettant les autres trucs, vous allez vous embrouiller. C'est votre problème. Tite, chapitre 2. Tu y es, mon cher? Tout le monde y est? Ok. Verset 11. La grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à fuir, à les renoncer à la piété et les convoitises quoi? À haute voix, convoitises, convoitises. Voilà. Vous voyez, donc la période de la grâce nous enseigne que sous la grâce, on marche en traçant des lignes qu'on ne doit pas franchir. Les convoitises mondaines doivent être chez les mondains, chez Dieu. Nous allons marcher autrement. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans ses livres d'Éphésiens, chapitre 4 ici. Que si du moins on vous a enseigné la vérité qui se trouve en Christ, c'est en lui que vous avez été instruit. On doit vous instruire. On doit vous instruire. Vous dire que c'est que si vous ne devez plus faire cela. On doit vous instruire cela. Que la mondanité, ce n'est pas pour les chrétiens. Vous entendez, n'est-ce pas, frère? Vous voyez les mondains. Ils marchent avec les. Ils achètent les jeans. Ils font exactement comme les fous. Avant, ce sont les fous qui avaient des habits déchirés. Ils achètent pour eux, ils déchirent. Le chrétien se déchire, après il baisse le pantalon comme ça. Il dit yo, yo, yo, pasteur. Yo. Yo. Le mondain fait comme ça, lui aussi fait comme ça. De mondanité. On avance, frère. On appelle ça maintenant le yo. Que le yo. Donc, après, on va ça maintenant que yo chrétien. Alors, on doit vous dire que ces choses-là, vous ne devez pas être là-dedans parce qu'il y a un esprit derrière. Et il y a des esprits derrière. Enfin, le frère vous a dit là que quand vous passez à la rue, même vous passez pour rien, ils sont derrière vous, non? Comme il faut raison si vous faites ce qu'ils font. Comment comprenez-vous qu'une femme va acheter. Si elle parle, vous allez encore dire encore les femmes. Mais je ne vais que parler, non? Yes. Comment une femme va aller au marché? Elle prend la bière, soulève comme ça. Elle met. Ça couvre bien. Elle dit non, je ne suis pas une grande mère. Elle met, elle prend maintenant. C'est la quantité de sa petite soeur. C'est ça qu'elle porte au compte. Vous pensez que les esprits qui sont derrière lui, là, ont suggéré quoi? Quel est? Près du corps. Quelque chose ne va pas avec elle, n'est-ce pas? Ils disent maintenant que ventre et dos, dehors. Tourne-toi, regarde une femme, dis que ça doit être dedans. D'accord? Vous ne devez pas faire cela. La Bible interdit cela. Vous dites, on est sous la grâce. La Bible dit que la grâce nous enseigne cela. Que nous devons quitter cette convoitise-là. On doit renoncer. Renoncer, ça veut dire qu'on ne s'en sait pas, non, frère? Renoncer. Donc, il y a une ligne qu'on ne doit pas franchir. Vous vous habillez. Vous passez en bois de Boulogne, vous passez à côté d'une boîte, vous voyez une chrétienne avec une mondaine, il n'y a pas de différence. La chrétienne se baisse, ses seins sont dehors comme ça, exposés comme le couscous. Amen. Hein, mon frère. La mondaine est habillée de la même façon. Grave encore au milieu chrétien. Grave encore au milieu chrétien. Il y a la messe des jeunes. Les messes des jeunes. Des jeunes, yo et yo, yo. Où ça? Un jeu de catholique, ok. Va à la messe des jeunes le soir. Oui. Le point de rencontre. Et le prêtre qui dynamise les jeunes n'est jamais un curé de troisième âge. Oui. C'est un jeune prêtre toujours. Donc tu comprends qu'il y a une connotation là-bas. Tu as quoi? C'est clair. Donc c'est le club des rencontres. Le corps de Christ n'est pas un lieu de rencontre, n'est pas un club de rencontre. C'est un cheminement pour aller vers un objectif que Dieu s'est lui-même fixé. Vous saisissez ça, frère? Ouais. Et si on vous a trompé en disant que vous pouvez vivre votre vie comme vous voulez, et Dieu va vous ouvrir le paradis, ça ne se passe pas comme ça. Il y a les règles. Les règles se fixent ici. C'est pour ça qu'il y a les gars, les mises en garde que le Saint-Esprit lui-même a mis dans la vie. Prenez garde à vous-même. Prenez garde, prenez garde. Saignez le règne de votre entendement. Dieu l'a dit cela à plusieurs fois dans la Bible. Donc la Bible déclare qu'on va vous jurer selon la mesure que vous aurez jugée. On y va? Ok, maintenant, regardez ici. Donc, ça veut dire que d'après Éphésiens au chapitre 4, verset 17, on nous a recommandé qu'on doit marcher comme les païens qui marchent d'après la vanité de leurs pensées. D'accord? Donc, la marche chrétienne n'est pas comme la marche païenne. Deux, nous avons lu dans Tite, chapitre 2, verset 11 et à 12 et 13, là. Il dit que, voici ce que je veux dire, il dit que la grâce de Dieu, source des saluts, la source pour le salut, c'est la grâce de Dieu, elle a été manifestée. Donc, c'est venu au milieu des hommes. Donc, cette grâce-là a son style d'enseignement. Donc, ça veut dire la foi a ses lois. D'accord, frère? La loi, la grâce vient par la foi. Et la foi, donc, la vie de foi a ses lois. Voici la loi de la foi. Si tu es délivré par la grâce de Dieu, vis une vie conséquente. Vas-y, voilà la loi. Ok, pour montrer que tu as obtenu la grâce de Dieu, c'est ta vie qui doit témoigner. La Bible déclare dans Romains chapitre 5 et chapitre 6, pécherons-nous donc parce que la grâce a abondé, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment demeurerons-nous dans le péché? Donc, le signe que tu marches vraiment sur la grâce, c'est effectivement que tu as dominé sur le péché. Et que tu ne pêches plus. Et si tu vis donc dans le péché, la Bible déclare que tu es encore sous la loi. C'est ce qu'un Timothée chapitre 1, verset 1 à 5 nous dit. D'accord? Matthieu chapitre 5. Il dit qu'on finirait si on partirait, on finit si on partirait là-bas, non? Oui. J'ai un souci. Oui. Est-ce qu'une femme chrétienne peut s'habiller mettant les seins dehors quand elle est à la maison uniquement avec son mari? C'est le péché ou bien c'est le moment? Mathieu, j'appelle les seins, on arrive. Mathieu, j'appelle les seins d'abord. Quelqu'un dit ces choses, vous riez pourquoi? Elle cherche comment flatter son mari. Amen. C'est une très bonne question, vraiment. Saint-Esprit, aide-nous. Bon, verset 13 du chapitre 5 de Matthieu. Je vais lire le verset 13 jusqu'au verset 16. Souvenez-vous, la ligne doit être tracée. Vous devez choisir quel camp vous servez. Si vous servez le Seigneur Jésus-Christ, sachez que si vous l'éliminez de votre vie maintenant, c'est lui que vous allez rencontrer comme le juge. Il a donné ses paroles, il a donné la parole sur la terre. Il ne discute pas avec quelqu'un. Il ne peut pas venir discuter avec quelqu'un. Il est venu dire, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Vous voulez entrer dans le royaume là, c'est repentance, marcher dans une nouvelle vie. C'est ça que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas? Et par conséquent, dans ce carnaval là, souvenez-vous que ça ne serait pas facile pour vous. Parce que les esprits qui sont pleins de nous usent de tous les moyens par excellence pour pouvoir nous zapper, nous damer le pion. Donc, et nous, donc, nous avons un rôle à jouer. Nous, rester scotchés à Dieu. Afin que dans sa grâce, nous marchions dans cette voie là. Sinon, on va être déchoué. Regarde, verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre. Ici, nulle confession à faire. Nulle confession. N'allez pas prendre le livre, on vous fait lire ou bien écouter le sel. On va vous dire que je récite que je suis le sel de la terre. Ce n'est pas ça dont il est question. Le sel est conséquent lorsqu'il est manifesté dans la nourriture. C'est-à-dire que le sel se fait ressentir. Sa valeur se fait ressentir lorsqu'on le met dans la nourriture. Pas vrai, frère? Le sel, vous avez entendu un jour, le sel au marché, vous avez passé au marché, pas chaud, le sel, ça dit, mais voici, je suis le sel. Vous avez entendu ça, frère? Est-ce que vous avez entendu qu'un sel dit un jour, je suis le sel? Ok, vous avez suivi, alors allez dans les églises, entendre les chrétiens aujourd'hui. Je suis le sel de la terre! Le sel de la terre, c'est quand il crie comme ça. Ah, que Dieu nous pardonne. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Quand on va quitter ici, on va aller dans Luc chapitre 21, dont je vous ai parlé. Donc préparez-vous pour que vous essayez de débrouiller. Foulé aux pieds des hommes. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Il s'adresse à qui, frère? Ok. C'est quoi une lumière? ou mieux, à quoi sert la lumière? Hein? C'est-à-dire que s'il y a l'obscurité, on, quand la lumière éclaire, ça permet que les gens voient, non? Ok. Notez Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 11. Donc, vous avez dit, et c'est ce qui est vrai, que la lumière sert à éclairer. Et le Seigneur Jésus-Christ dit ici que les chrétiens sont dans la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire que le monde, il veut dire que le monde est comment? Vous voyez que vous comprenez la Bible, n'est-ce pas? Voilà donc comment on médite. Si Dieu dit, moi je suis la lumière du monde, alors qu'est-ce qu'il a, il veut par là dire quoi du monde? Si c'est moi qui suis la lumière du monde. Alors, c'est moi qui dois éclairer le monde. Mais le chrétien aujourd'hui dit, je vois le film de Nollywood pour être éclairé sur certains sujets. Je ne sais pas si vous comprenez qu'il y a un paradoxe. Lui, maintenant, entre lui et le monde, qui est en train d'éclairer l'autre? Le film qui l'éclaire. Donc, lui, il est dans les ténèbres. Tourne-toi, pointe quelqu'un. Dis, cesse de te tromper. Voilà. Alors, Jésus dit ici, vous voyez, il fait doucement quand il touche ces points-ci, parce qu'il sait quel mal Satan utilise, même dans les dénominations, pour faire ces choses. Et on fait que les gens récitent que je suis la lumière du monde, mais on ne leur dit pas à quoi cela consiste. Quelqu'un dit, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, il est comme ça, il vit dans le péché. Alors maintenant, quand tu vis dans le péché sexuel et tous les autres péchés que vous pouvez noter, et que le monde est en train de vivre cette chose-là, qui doit l'éclairer, qui peut pécher? Le chrétien, ok, est-ce que tu peux prendre ta Bible, étant fornicateur, pour aller dire à un masturbateur que tu cesses de la masturbation? Vous deux, votre ampoule sont grillées. N'est-ce pas, frère? Pointe encore quelqu'un. Dis, sois vrai envers toi-même. C'est donc cela que le Seigneur Jésus a dit, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Comment peux-tu dire à ton prochain, laisse-moi ôter la paille, enlever la paille qui est dans ton œil, alors que tu as la poutre dans ton propre œil? Et puis il dit, hypocrite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord enlever la poutre. Vous savez qu'on appelle la poutre, frère? Moi, je ne sais pas comment la poutre entre dans l'œil de quelqu'un. Et que c'est Jésus. Jésus veut dire que si tu dis que tu as aidé quelqu'un alors que tu n'es pas encore sorti de la situation, sache que tu n'as pas encore très grave. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Quand tu as donné ta vie à Jésus, votre première responsabilité, c'est d'aller prêcher aux autres. Tu ne sautes pas prêcher quoi? À l'apôtre Pierre, dans Luc chapitre 21, il va dire, quand tu seras converti, affermis ses frères. Quand tu seras converti, là, affermis-les. Comment tu vas aller affermir quelqu'un que toi-même tu n'es pas converti? Faisons attention, d'accord? Il dit ici, vous êtes la lumière du monde. Puis il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luisent ainsi, de cette façon-ci, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc le comportement chrétien doit être exemplaire à leur travail. Le comportement chrétien doit être exemplaire dans la société. Afin que lorsqu'il dit, je suis chrétien dans une situation, qu'on sache que, ok, je comprends pourquoi il se comporte ainsi. Mais, qu'est-ce que le chrétien fait aujourd'hui? Dans l'emploi, on vole l'argent, on partage, il partage aussi, il prend. Le jour qu'on prend, si on condamne les gens qui ont volé cet argent-là, qu'est-ce qu'on va faire de vous, frère? On va faire comment de vous? Vous travaillez dans une salle informatique avec le collègue à l'intérieur. Il y a des façons de taper sur la machine pour détourner dans la comptabilité. Tes collègues détournent et tu sais que c'est comme ça. Quand l'argent tombe, on partage, tu es chrétien. Tu participes à cela, tu prends, tu gardes, tu peux acheter l'argent et tu donnes même la dîme de ça à l'église. Quand tu fais cela, et qu'un de ces jours, on découvre qu'il y a une manipulation dans la comptabilité. On dit, ok, dans ces services-là, on va mettre tout le monde à la poubelle. Quand on met tout le monde à la poubelle, tu sors étant comment? Étant net ou bien étant coupable? La Bible déclare dans le livre des Proverbes que celui qui partage avec le voleur est ennemi de son âme. S'il ne prend pas aussi, pendant qu'il avait les autres, il peut maintenant dire que c'est lui qui a fait. Alors là, maintenant, nous tombons dans la bonne passion de la Bible. La Bible dit que si vous souffrez injustement pour la cause de la justice, vous êtes heureux. Que quelqu'un ne souffre pas comme étant sans. Allons-y là-bas, un pied, c'est toi qui as attaqué. Allons-y, 1 Pierre chapitre 2. Il vous a donné le livre de 1 Pierre aujourd'hui, n'est-ce pas? Celui qui nous a introduit là-bas, il dit qu'on ne peut finir là, Luc chapitre 21. Il nous envoie rapidement la livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, chapitre 2. La ligne doit être tracée. La ligne doit être tracée. Le peuple saint doit marcher dans la sainteté. Point d'hypocrisie. Quand on parle de la sainteté, écoutez très attentivement, ça commence dans le cœur. Le cœur doit être nettoyé. Quand vous allez dire à quelqu'un, frère, je t'aime, il faut que ça sorte de l'expression de votre intérieur. C'est parce que vous saisissez. Sinon, c'est l'hypocrisie. Sinon, vous mentez. Soyez vrai envers vous-même. Soyez vrai envers. Tu voulais parler, frère? Non, pose la question. Bon, par rapport au cœur. Oui. Que parfois, dans le cœur d'une personne, c'est toujours deux fois. Tu veux exprimer quelque chose. Oui. Et toi, tu veux vraiment l'exprimer. Mais il y a toujours une contre-voix, en fait. Oui. Qui fait semblant comme si c'est toi, en fait. Mm-hmm. Comment donc tu vas. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure qu'un cœur me disait que va vers la réunion. Un cœur me disait que. Comme tu as été délivré, maintenant tu n'as plus deux cœurs. Tu as un seul cœur qui t'a été restauré, d'accord? L'amour vrai habite dans ce cœur-là. Dans c'est un seul cœur-là qui reste dedans. Mais dans le chapitre 2, regardez à partir du verset 11. C'est par rapport à la question que le frère Jean-Paul a posée. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyagers sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à qui? Allah. Je ne sais pas si les apôtres sauf. On est plus clair. Vous voyez que littéralement et physiquement, les apôtres de Jésus-Christ sont totalement en déphasage avec les apôtres d'aujourd'hui. N'est-ce pas, frère? Ceux-ci disent qu'on fasse attention pour que la convoitise charnelle ne nous attrape pas et nous détourne de la voie et le but de notre pèlerinage. Qu'on se rappelle qu'on est étranger et qu'on est des voyageurs. Mais qu'est-ce que ceux d'aujourd'hui disent? Ils disent que tu es le roi de la terre. Tu es le père de ce monde, la lumière de ce monde-ci. Ça veut dire que tu dois régner. Quand tu entres dans un bureau, tu prends possession de cela. Va chasser le chef de ce bureau, tu entres, on voit. Va chasser, tu entres. N'est-ce pas, on a dit que tu pars partout, tu commences à rester que partout, je foule au pied. Je prends possession, non? C'est pas ça qu'on nous dit. Ok, va dans l'industrie où il y a un chef, tu prends possession. Donc ça, on lui enlève le bureau. Tu entres là-bas. Ne confesse pas de bêtises. Alors, la Bible déclare ici qu'on s'abstient des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le prédicateur ici prêche plutôt pour favoriser la vie charnelle. Comment, frère? Non. Non, comment? Pour favoriser la vie charnelle. Oui, c'est ce qu'il prêche aujourd'hui. Ouais, tu seras le roi de la terre. Ouais. Tu seras en haut et non en bas. Si ton compte n'est pas rempli, je prophétise que ton compte sera rempli ici deux jours. Continuons toujours comme ça. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. C'est-à-dire quoi concrètement? Si tu fais le faux avec un croyant, avec un non-croyant aujourd'hui, le jour où il est éclairé, il va dire que yes, il y a des gars qui servent Dieu ici dehors. J'étais avec dans mon bureau un gars qui volait et disait qu'il était croyant. C'est maintenant qu'il est venu comprendre que le gars ne servait pas Dieu. N'est-ce pas, frère? Alors maintenant, si vous vous comportez autrement, quand il va te faire comme ça, mais il ne peut même pas comprendre votre comportement parce que vous avez pris position pour Dieu. Vous n'avez plus position pour la sainteté, pour la justice. Ils volent, ils vous donnent, vous ne prenez pas. Vous faites ce que vous ne faites pas. Le jour où Christ les visite, la Bible déclare que ces bons comportements, les bons œuvres que vous faites, ça va l'éclairer. Quand il éclaire, il dit, ok, je comprends maintenant pourquoi celui-ci faisait comme ça. Quel est l'impact? Il va dire, comme celui-là a tenu, moi je vais tenir. Ne soyez pas des pierres d'achoppement pour l'avancement des gens. Soyez plutôt des lumières et des modèles pour que quand les gens prennent référence de vous pour avancer avec le Seigneur. Et l'histoire retiendra aussi que quoi, que tu étais sur la terre, on volait dans la banque, tu participais à cela. Tu es devenu Robin des Bois. Maintenant, continuez ici. Verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme mon souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. N'est-ce pas ce que c'est compris? Vous avez saisi ça, frère? C'est-à-dire là où les gens sont pervers. Vous vivez dans la sainteté. Là où il mente, quel qu'en soit le cas, tu dis la vérité. Même si ça doit te coûter ton poste. Même si ça doit te coûter ton poste. Si on t'enlève de ton poste parce que tu as dit la vérité, c'est la chose la plus grande. Même si vous souffrez, c'est momentané. Même si vous demeurez pour toujours dans le chômage, c'est momentané parce que vous n'aurez aucune crise de conscience parce que vous avez fait quelque chose de mauvais. Mais si vous avez fait quelque chose, en fait, c'est écrit, continuons. Verset 16. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme serviteur de Dieu. Vous avez vu ça, frère? Ça veut dire, vous êtes n'importe où, sachez que vous êtes serviteur. Ça veut dire, n'importe où vous travaillez, vous êtes les serviteurs. Donc, comme vous êtes là-bas, sachez que vous êtes les serviteurs de Dieu, ce n'est pas celui qui prêche la parole, ce n'est pas seulement lui. On dit que agissant comme serviteur de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Maintenant, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. La Bible a tout réglé, n'est-ce pas, frère? Vous savez, moi. Hein? Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Je crois que c'est on est plus clair là maintenant, n'est-ce pas? Donc, tu dis, je suis dans un bureau, comme j'ai pris cet exemple-là, vous êtes trois dans le bureau, deux païens, ils font la fraude, ils font la comptabilité, et tu es le seul chrétien. Tu dis, ok, qu'est-ce qu'il veut faire? S'il ne prend pas, et qu'on découvre ça, de toute façon, on va nous balayer. Oui, qu'on vous balaye et que tu n'aies pas participé. Parce que c'est normal. On peut, si Dieu les touche, eux-mêmes, les deux vont dire que non, lui, il n'était pas là. Et peut-être même, c'est même toi qu'on va mettre dans un chef de service là-bas. Vous comprenez cela? La ligne de séparation doit être tracée entre l'impur et le pur, entre la chose sainte et l'injuste. Vous devez vivre dans la justice, dans tout ce que vous faites, tout ce que vous faites. D'accord? Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, vous devez tout faire au nom du Seigneur Jésus. D'accord, frère? Puis la Bible déclare, continuons verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Par exemple, tu as suivi ça? C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Donc si on vous chasse dans le bureau, on chasse ceux-là aussi, eux ils t'accusent que tu étais là-bas, ils savent dans le conscience que tu n'as pas touché. Tu sais dans ta conscience que tu n'as pas touché. Bien plus, Dieu connaît la vraie vérité. Le monsieur qui donne la sentence pour vous mettre dehors, il peut être douté parce qu'il peut ne pas être clair par rapport au jugement. Mais tu sais au moins que tu n'as pas participé. La Bible déclare donc que si tu souffres ainsi, c'est une grâce devant Dieu. Puis il dit, et c'est à cela que vous avez été appelé. Donc le chrétien a été appelé à quel qu'en soit le cas, quel qu'en soit l'endroit, il vit dans la justice même s'il doit souffrir pour cette justice-là. Il vit dans la droiture, même si la conséquence sera l'élimination dans son lieu de service, parce qu'il a décidé de vivre ainsi. Il y a des chrétiens qui vont dans un lieu de service. On leur dit que, ok, ici, vous devez être en mini-jupe ou bien en pantalon. Et exposer vos seins dehors parce que c'est pour l'accueil. Donc, on utilise vos seins comme marchandise, comme tactique pour attirer les clients. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas, frère? Vous pouvez être propre en étant décent. Nous sommes d'accord. Alors, lorsqu'on commence à imposer que vous devez mettre votre sein, vous devez mettre le style, on donne le style que existe. Et que la Bible vous interdit que c'est interdit pour les femmes d'emporter le pantalon, vous voyez effectivement que vous avez une ligne à tracer. Si vous aimez Dieu, vous allez prendre position pour Dieu et dire, Seigneur, j'attends le travail que tu vas me donner. Si vous n'aimez pas Dieu, vous allez philosopher en disant que non, frère Junior, je peux porter mon pantalon au travail et je rentre pour faire. Dieu n'a pas donné ce cas-là. Il n'a pas dit cas 1. Si on vous met la pression au travail, porte le pantalon. Il a dit, lui, que c'est une abomination pour une femme d'emporter les vêtements d'hommes et pour les hommes d'apporter les vêtements des femmes. Donc, si tu portes, tu es en abondance à Dieu, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où. Amen. Alors, lorsque tu montes tes seins dehors, je pose la question, dans la chambre ou lorsqu'il y a les étrangers, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes tes seins. Donc, tu les exposes à tout moment, quoi? Comment ça fait? Tu m'as posé la question tout à l'heure. Est-ce que si j'expose mes seins à mon mari à la maison, est-ce qu'il y a un problème? J'ai dit, dans la maison, vous ne serez pas toujours deux. Les gens vont visiter à la maison. Quand vous êtes deux à la maison, là tu exposes, tu fais un peu le défilé du monde. Est-ce que tu vois chérie? Est-ce que tu vois chérie, c'est ça? Dis-nous la vérité une fois, c'est ce que tu fais. Bon, expose ça, ces choses, expose-les lui, d'accord? Mais il n'y a pas plus grave qu'un à cap 2 pour un homme d'aller là-bas au marché acheter ces choses à sa femme en disant que sors comme ça, j'aime que c'est comme ça. Quand vous aimez, vous regardez comme ça, les hommes regardent comme ça, ta femme est adultère, vous êtes divorcé devant Dieu. Oui, mon frère. Oui. À partir d'où, dans le corps, la nudité de la femme commence. Quelle nudité? Autrement posé, oui. Quelle est la longueur de la jupe que la femme n'a pas? Toi, tu es une femme, frère. C'est par rapport à la vie des pauvres. Par rapport à la vie des pauvres. Que quoi? Par rapport à la vie des pauvres. Que quoi? Bon, comme elle a posé la question. Oui. Ça me vient l'idée de... Oui. Donc dis-lui directement alors que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ok, maintenant, on continue. Donc la Bible déclare que quel qu'en soit ce qu'on doit faire, on doit faire tout pour la gloire de Dieu et rien ne doit nous faire obstacle en cela pour que quand les païens viennent, il y a des enseignements là-dessus pour les femmes, les bombes atomiques et autres, le type des enseignements et autres. Donc nous devons savoir ainsi, on fait un stop, on avance. Si nous sommes croyants, la Bible nous dit nous sommes les seuls de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et Jésus, notre Seigneur, nous a dit dans Matthieu chapitre 5, là, le verset 14 et 15, que cette lumière doit luire. On n'allume pas les lampes pour les mettre sous le boisseau, mais on les met sur le chandelier pour que ça éclaire ceux qui viennent. C'est-à-dire que si nous sommes chrétiens, nous sommes censés éclairer tous ceux qui sont de notre entourage par notre propre vie. Et donc, par conséquent, ça veut dire que la façon dont vous vivez, c'est une éducation et un éclairage pour le monde qui est dans le ténèbre. Vous êtes avec moi. Amen. Ça veut dire que la façon dont nous vivons, vous êtes quelque part dans une maison. Vous sortez chaque fois, vous dites, il m'avait chez le frère, il était pour prier. À Roche, à Rouge, à Haï, vous n'aimez pas ou quoi. Alors vous prenez la Bible, on vous voit sortir avec la Bible. Vous êtes seul. Quand vous entrez avec la Bible, on vous voit entrer avec une femme. Deuxième fois, on entre avec notre femme. Même le blanc lui-même dit que j'avais bien dit que la religion, si c'est le pion du peuple. Pas vrai? À cause de qui a-t-il dit cela? À cause de qui, frère? Parce que tu arrêtes la Bible, tu fais autre chose. Romains chapitre 2 dit que toi qui t'es fait office de docteur, tu condamnes Dieu ou bien tu, par ta propre vie, tu souilles Dieu. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets les adultères. C'est parce qu'il écrit et la Bible déclare qu'à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Ne sois pas des blasphémateurs, d'accord? Que votre vie ne soit pas de handicap pour quelqu'un. Soyez la lumière pour ceux-là. Il commence encore, soyez la lumière pour le monde. Ah, vous ne voulez pas, frère? Amen. Amen, que quoi que vous ne voulez pas? Soyez donc la lumière pour le peuple. Amen. En fait, c'est ce que la Bible déclare que vous êtes. Vous n'êtes pas la lumière du monde en marchant alors que je suis la lumière du monde. Ce n'est pas le fait que vous soyez frais. Vous êtes en lumière blanc, vous n'êtes pas la lumière du monde. Parce que vous voulez être frais, il y a plus frais dans le monde. Ce n'est pas ça dont il est question. Il ne parle pas de l'habillement extravagant ou quoi que ce soit. Il parle par le style de vie. Le comportement en société doit refléter l'image du ciel. Luc 21. Je vais lire cela, je vais m'arrêter là-bas, parce que si je continue là, je vais vous garder ici pour longtemps. Comme ça, s'il y a les casses croûtes, maintenant, on casse ça bien, avant de croûter. Luc chapitre 21. Vous y êtes? Après, donc, là, si vous avez des questions à poser sur Jean-Baptiste, sur Malachi, sur les dîmes, n'importe quoi que vous avez à poser, posez. Alors, verset 34 de Luc, chapitre 21. Regarde encore, ce mot-ci, c'est un groupe de mots, on l'a rencontré. On a rencontré cela dans Hébreux, chapitre 3, le verset 14 qu'on a commencé à lire aujourd'hui. Vous savez que Luc, vous pensez à cette double celle-là, va trouver Luc aujourd'hui, là. On n'a fini pas de trouver. Prenez garde à vous-même. Vous avez vu? Cette parole est indiquée à moi qui suis en train de lire maintenant le verset, d'accord? Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et de boire. C'est Jésus qui parle. Et par les soucis de la vie et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Vous voyez que les soucis de ce siècle-ci peuvent être un obstacle dans cette voie-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous êtes tellement soucieux au point où vous n'avez plus le regard pour Jésus. Les soucis qui sont sur votre cœur, c'est le souci de réussite. Comment il va faire avec mon enfant? Comment il va faire pour qu'il grandisse? Comment il va faire pour les épargner? Comment il va faire pour des choses? Ou qu'il vous quitte le donateur de toutes les grâces excellentes. On se focalise sur comment résoudre ces problèmes. Comment résoudre ces problèmes? Voici la voix droite du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit que va laisser des ressources pour les enfants. Au lieu de faire comme ça, tu dis que hey, on a dit que l'enfant, si l'enfant conduit comme ça, vous voici ici. Et vous dites que vous êtes chrétien. La ligne droite n'est pas là-bas. Ligne droite est tracée. Jésus dit, prenez garde à vous-même de peur que votre cœur ne s'apaisante pas des excès de manger et de boire. Donc, ça veut dire que Dieu ne veut dire pas ici là que oubliez les festivités à outrance. Vous passez le temps dans la semaine, ou même une petite chose, la fête, même une petite chose, la fête. Passez le temps dans les jeunes et dans la prière. C'est par cette voie-là où ça se trouve. Vous y avez moi? Imposez-vous des disciplines de vie. Vous vivez, quelqu'un fait 4 mois, il ne jeûne même pas une fois. Il dit que j'attends que le Saint-Esprit me convainc. Quand tu manges, il te convainc. Quand vous mangez, il vous convainc. Pourquoi quand il faut jeûner, vous attendez qu'il vous convainc. Donc vous mangez, il ne vous convainc pas. Quand vous jeûnez maintenant, il dit que j'attends la conviction du Saint-Esprit. Parce que là, ça détruit la chair. Que Dieu vous bénisse. J'attends des questions. Frère, j'ai une question. Oui. On discutait avec quelqu'un sur le travail que peut exercer une femme dans la vie. Oui. Est-ce qu'il est normal, bien sûr, par rapport à la parole de Dieu, oui, de laisser la femme aller travailler? Oui. C'est la question principale. Allons lire le livre de Tite d'abord pour voir cela. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour cette question. Préparez-vous si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez poser. Le peuple d'Allemagne est béni. Et je suis béni avec le peuple d'Allemagne. Non, Tite. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 3. À 7. Dans ce livre de Tite, tout à l'heure, nous avons visité Tite, nous avons lu au verset 11, au chapitre 2, nous avons lu le verset 11 à 13. Maintenant, nous allons revenir plus haut. Verset 13, verset... partie du verset 3. On y va, on lit ensemble. Tout le monde y est. On y va. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, le verset dit clairement que les femmes doivent bien s'habiller à l'extérieur, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères? Oui. N'est-ce pas, les femmes? Amen. Bon. Mais le pasteur du voile plutôt ça que dit que les femmes doivent s'habiller sexy. Il dit, si vous ne vous appelez pas sexy, comment le mari va vous voir? Donc, l'homme marche, il cherche plutôt votre fesse et votre sein dehors. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques. Bon, c'est le Nouveau Testament ça. Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous y êtes? Ok. Verset 6. Exhorte de même les jeunes à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire. A dit de nous. Le verset 1, et pour ceux qui ont, vous avez le titre de ce verset-ci, chez moi c'est écrit comment Tite doit exhorter les vieillards, les femmes, les jeunes hommes, les serviteurs et quel exemple il doit donner lui-même. Maintenant, le verset 1 du chapitre 12, de ce chapitre 2 dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est ce que le verset 1 dit. D'accord? Puis il dit, dis. Il commence par le vieillard. Verset 3, il dit, pour le verset 3, il dit, dis aussi que les femmes âgées doivent aussi avoir. Donc il dit, ces choses sont conformes à la sainte doctrine. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu que ça se passe ainsi. Et puis dans le verset 3, dans ce verset 4, il dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer le mari, à être occupées, occupées aux soins domestiques. Elles doivent prendre soin de leur maison. Puis il dit, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la première orientation d'une femme qui est mariée, c'est dans son foyer. On est d'accord? Il dit d'après ce qu'on a de lit ici. Mais maintenant, ça veut dire que si une femme est en train d'exercer n'importe quel travail extérieur, si son foyer est menacé, la Bible déclare que la parole de Dieu sera blasphème. Donc si une femme exerce un travail au point où elle ne s'occupe pas elle-même de ses enfants. Écoutez-moi très attentivement. Je vous en ai parlé. On a dit qu'on dit cela, c'est la sainte doctrine. Je vais encore lire verset 4. Verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, Puis on dit, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Si ces choses ne sont pas données dans une jeune famille, la parole de Dieu sera blasphémée. Vous y êtes? Ça veut dire qu'une personne, ou bien un foyer, où la femme sort pour travailler, elle sort du matin, elle rentre tard le soir et que les enfants sont livrés à elle-même, la parole est blasphémée automatiquement. Parce que cette famille-là est sous une autre autorité. Il y a une sous-question. Voilà. La question relève un peu de cette considération. Amen. Maintenant, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, oui. Quelles sont les études que vous conseillerez aux femmes, ou aux mamans qu'on les appelle généralement chez nous, oui. Pour ne pas sombrer dans certaines occupations qui généraient, la Bible, la parole de Dieu? Oui. Comme par exemple, comme étude, n'est-ce pas, hein? La plus grande étude qu'on peut les éloigner de là, c'est l'étude féministe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les éloigne d'abord l'étude féministe. Quand une femme est dans le mouvement de la femme, comment valoriser la femme? Ce n'est pas ça le problème. Mm-hmm. Une femme de la maison, allons-y dans le Proverbe chapitre 4. Proverbe le chapitre 1. Mm-hmm. Après, on va lire le chapitre 14 aussi. Je crois que si le Seigneur permet vendredi, si vous avez des questions, planifiez vos questions. Si vous en avez en plus, on prend le temps vendredi pour bien répondre. Dans Proverbe chapitre 1, regardons ce que le verset 8 dit. Regardez. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement. Vous avez moi, frère. Vous allez lire les mêmes choses que j'ai lues. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Ici, la sagesse est en train de crier en disant à l'enfant de ne pas rejeter les instructions de son père et de ne pas rejeter l'enseignement de sa mère. Ça veut dire que sa mère doit lui, si cette instruction est dite à cet enfant, c'est le conseil de nos fils de garder cet enseignement qui vient de sa maman. Ça suppose que la sagesse a repéré que c'était les bons enseignements. Vous avez moi, n'est-ce pas? Chapitre 14 maintenant, allons-y. Dès qu'on finit ici maintenant, merci Père. Dès qu'on finit ici, on va au chapitre 5 de 1 Timothée. Dès qu'on finit là, on va au chapitre 5 de 1 Timothée. Tout le monde est dans chapitre 14 des proverbes. La femme sage, mais l'insensé de ses propres mains. Donc une femme sage fait la maintenance, la construction de son foyer. La femme sage bâtira toujours sa maison. Alors maintenant, comment bâtit-elle sa maison? Souvenez-vous de la question qu'il a posée. Quels sont les enseignements? En dehors, c'est l'enseignement biblique qu'on va faire. C'est-à-dire qu'une femme va amener à la contribution dans le foyer, tout ce qui va constituer à l'épanouissement de tout le personnel de la maison. Nous sommes d'accord ici, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que c'est l'étude, parce que l'étude, le grand étude n'amène pas ces choses à la maison. Ça veut dire que hors de la Bible, comme j'ai la Bible entre les mains, ok, vous dites, dans l'enseignement, qu'est-ce que la femme peut avoir comme enseignement? L'enfant, la vraie femme qui veut avoir un bon foyer, hors de la Bible, doit être au pied du Seigneur. Amen. C'est ça. Ah, si une femme peut faire cela, si plus elle est là-bas, écoutez, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Merci Père. Si vous lisez dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, vous allez remarquer que Dieu va repérer là un foyer dit bispirituel. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui ne croit pas et une femme qui croit. Et Dieu donne la solution à cette femme-là que quand ton mari ne croit pas, dans ce livre de 1 Pierre chapitre 3, il dit que la solution c'est pas de lui monter le sein chaque jour à la maison, lui monter le sein, lui monter le sein. C'est ce qu'il dit là-bas. Que c'est pas ça, c'est pas ce qui est écrit là-bas, frère. Que ne soit pas, que ne vous montez pas, ne montez pas le sein, ne montez pas le sein. Mais ce que tu vas faire avec le mari qui ne croit pas, en faisant ça, quand tu montes le sein, quand il est fatigué de ça, il va découvrir un autre style de sein d'ailleurs. La Bible déclare donc que maintenant, voici comment on fait pour le gagner. Il dit, il sera gagné sans parole en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez donc comment? Il dit, pas cette parure extérieure. Donc, ne montre pas les... Il ne montre pas ça. Il dit que, mais la parure intérieure est cachée. La pureté d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, si le mari, pour prendre ce cas d'étude, si le mari d'une femme a le désordre dans sa vie et dans le foyer, la Bible, là, par ce verset-là, dit que les femmes doivent avoir ceci. Or, pour avoir ceci, pour que le foyer soit restauré, il n'y a nulle part, aucune bibliothèque dans le monde qui puisse construire ces choses à l'intérieur. Donc, c'est plutôt vers Dieu que Dieu déconstruit et met dans la vie de la femme la simplicité, la douceur. C'est au pied du Seigneur que ça se passe. La douceur, la retenue. Pour que son mari ne passe pas, n'est pas par un et elle parle 7. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Parce que le caractère est transmis par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'une femme qui veut bâtir son foyer hors de la Bible, quand tu fermes ta Bible, tu vas devant le grand maître, le Seigneur Jésus. Tu pries là-bas que le Saint-Esprit te donne douceur. C'est ça qui bâtit le foyer plus que toute autre chose. Vous y êtes? Amen. Il dit qu'après, le problème, on devait aller où? Où ça? Donc, vous êtes comment en alerte? 1 Timothée chapitre 5. Vous allez donc remarquer dans le Proverbe au chapitre 31, la femme vertueuse. Vous voyez effectivement que la femme vertueuse mettait de l'ordre dans sa maison. Vous voyez, la femme vertueuse mettait de l'ordre dans sa maison. Ça veut dire qu'elle organisait sa maison pour que sa maison. Quand vous lisez, voilà le type même là-bas. Ça veut dire que c'est une femme qui sort hors de la maison pour chercher quelque chose. Elle fait des choses, mais elle rentre à la maison. Elle a le contrôle sur sa maison. On dit qu'à la porte, donc, on la loue. Parce qu'une femme peut être à la maison, rester à la maison, c'est du matin, midi, soir. Elle est plus dangereuse que le serpent du père. Comment? Comme qui? Et là, maintenant, tu parles seul. 1 Timothée, chapitre 5. Regardez ici. 1 Timothée, chapitre 5. Quoi qu'il est presque 18h20-25 là-bas. Regardez verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves, parce qu'on sait ce qu'il y a des parenthèses veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils, les petits-enfants, apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Donc, tel que vous élevez vos enfants aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils vont vous recaser. Car cela est agréable au Seigneur. Donc, vous voyez effectivement qu'il y a une bonté que la famille soit bien devant le Seigneur. On dit ici que les enfants et les petits-enfants doivent s'occuper des veuves, des veuves âgées, tout cela, et ils doivent rendre ainsi ce que ceux-là ont fait. Donc, ça dit que devant les petits-enfants, la façon dont ils ont fait grandir les enfants, ils ont transmis une certaine façon de vivre. Et maintenant, comme ils sont fatigués, ceux-ci doivent être leurs bras. Ça veut dire que dès le départ, si tu étais une femme, tu disais que les enfants s'y dérangent, ils sont des casse-têtes, tu trouves qu'il y a une garderie, il y a une garderie, écoutez même le mot, il y a une garderie pas proche de là, pas loin de la maison. Quand vous allez là-bas, qu'est-ce que vous dites, monsieur? Comment on fait pour garder les enfants ici? Mon enfant est turbulent. À qui allez-vous donner comme ça votre enfant pour qu'on enlève la turbulence, frère? Les zones de turbulence, c'est... Bon, vous m'entendez, frère? Amen. Ok. Vous dites que je suis venu garder mon enfant ici dans votre garderie. Parce que si je ne garde pas ici, elle va me déranger dans mon emploi le temps que je rentre le soir. Gardez-le là-bas pour que je rentre le soir. L'enfant grandit avec la turbulence. Il grandit avec la turbulence. Là-bas, on le discipline avec les méthodes qu'ils ont choisies. On le discipline avec les méthodes qu'ils ont adoptées. Si c'est les méthodes païennes, sataniques, ils ont ces méthodes qu'ils donnent. Écoutez très attentivement. J'arrive là maintenant. Et lorsqu'il grandit, il devient rebelle à leurs parents, comme la prophétie biblique dit dans 1 Timothée. Rebelle à leurs parents. Et cet enfant, s'il te donne tout, qu'est-ce qu'il va faire? Tu lui as donné tout, mais tu l'as enfermé dans la garderie. Quand il va grandir, que tu seras vieux, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit tout naturellement. Que les enfants retournent à leur père ce qu'ils ont reçu. Maintenant, pour les parents, on n'appelle pas ça garderie. On appelle ça quoi quand ils sont vieux? Maison de retraite. Lui cherche à côté de sa maison aussi, une maison pas loin. Il dit, chez vous, ici, vous faites quoi? On dit qu'on garde des personnes. Je dis, garde-les là-bas, ils dérangent. Ce n'est que partir et remise. Continuons ici. Verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu. Vous avez vu cela? met son espérance. Normalement, on dirait que non, il faut qu'elle encore jeune, qu'elle se marie. On dit, met son espérance en Dieu. Regardez tout ce là où le Saint-Esprit est d'orienter une femme qui est veuve. Met son espérance en Dieu. Et on dit, ah, c'est terrible ceci. Regardez, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. On n'a pas dit qu'elle passe à enregistrer sur l'association des anciens veuves retraités, les veuves joyeuses. Non, on dit que qui est véritablement veuve, elle persévère, celle qui est restée dans l'isolement. L'isolement, ça veut dire que quand son mari est mort, un homme n'est plus venu vers elle. On dit que cette femme-ci, elle est véritablement veuve, elle doit rester dans la prière, dans la situation devant Dieu. Quel est le but de ceci? Puis la Bible déclare, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, sont mortes, quoique vivantes. Vous voyez ce que le Saint-Esprit dit? Ah, quand mon mari, mon ménage, je suis libre de faire de ma vie ce que je veux. Waouh, la Bible déclare que tu vis dans les plaisirs. Tu es mort, même si tu es en train de marcher. Pourtant, on est en train de s'adresser aux chrétiens. Donc, il faut qu'on enseigne même aux chrétiens le veuvage. On les enseigne l'après-veuvage. On les enseigne la vie dans le foyer. On leur enseigne la vie après le veuvage, la vie avec le mari. Comment, si tu veux t'engager encore dans le mariage, comment la Bible dit qu'on doit faire? Et avançons dans la lecture. On dit, verset 7, déclare-leur ces choses afin qu'elles, ici on parle des femmes particulièrement, afin qu'elles soient irréprochables. Donc en réalité, si on veut chercher quelque chose devant Dieu par rapport aux femmes, par rapport aux enseignements de la femme, c'est dans la Bible qu'on doit faire. Et ici, l'apôtre Paul dit à Timothée de déclarer ça aux femmes pour qu'elles puissent être irréprochables. Ça veut dire que si on ne leur dit pas la vérité, elles seront comment? Réprochables. Vous avez mon frère? Amen. Je sais, Jacques, il y a des casse-coudes. Il y a ça, non? Donc rassurez-vous, il y a des casse-coudes. Donc ne soyez pas timide. On va avancer. Verset, regardez, déclare-les ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des gens, des siens et principalement ceux de sa maison, de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. C'est terrible. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Soyez bien concentrés. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Occuper la fonction de directrice dans une entreprise. Être capitaine de l'équipe nationale de football, première division. Non. Verset 11. Mais refuse les jeunes veuves. Mais tu as la Bible, comment tu me demandes que c'est écrit? Il faut lui vérifier ce qu'on a écrit. Il arrête la Bible comme ça, il demande à son mosaïque, mais c'est écrit dans la Bible comme ça. Enfin. Selon les conditions qu'on a dit là, qu'on dit afin que les femmes soient irréprochables. Vous avez une condition de travail, une condition qu'elle ait exercé un travail? Non. Non, parce que ce n'est pas une condition d'après Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Il n'y a pas de conditions de travail. C'est dans les conditions requises par Dieu pour que quelqu'un puisse être inscrit sur le rôle de veuve de l'église. Bon, maintenant, continuons. Mais refuse les jeunes veuves, car je prends ceci particulièrement parce que ce sont les femmes. Et cette femme-ci a eu un vécu avant que son mari meure. Donc, elle était dans la fonction de la maison. Elle est mature maintenant. Son mari n'est plus là. Donc, on veut voir comment elle a vécu sa vie. Le Saint-Esprit dit qu'il faut qu'on sonde sa vie. On voit dans sa vie la façon dont elle a vécu pour voir ce qu'il en est. Après, on peut savoir quelle est la place et le rôle de la femme, c'est qu'elle doit faire pendant durant sa vie. On dit qu'on dit ça pour qu'elle soit irréprochable. Amen. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Ah, mon mari est mort. Mon mari est mort, c'est terminé. Je ne veux plus me marier. Vraiment, ma soeur dit oui. Comme je suis fini, c'est parce qu'il y a deuil. Attends 3 ou 4 jours. L'ami de ton mari vient dire que mince maman, moi je ne savais pas que tu priais comme ça. Tu dis ah bon, donc je passe encore au marché. Là maintenant tu vas savoir qu'en fait ton corps se réveille. Il dit il refuse les jeunes veuves. On dit là sur la volupté, les détache de Christ, elles veulent se marier. Et on dit par conséquent, il dit et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Vous avez suivi? Avec cela, étant oisif, elles apprennent. Donc voici leur école. Elles apprennent à aller de maison en maison. Elles quittent la chère Jackie, après chez la fait Alvin. Écoutez bien. Et non seulement elles sont oisives, mais causeuses et intrigant, disant ce qu'il ne faut pas dire. Il suffit de lui servir un peu le gratin suisse là-bas sur la table. Et te dire que maman, on m'avait dit que tu étais chiche. Et qui t'a dit ça? C'est l'autre là, nous allons chez Jacques, il dit que tu es chiche. Et, hein? On dit causeuse et intrigueuse, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes, vous y êtes là, hein? Vous qui avez la Bible, lui, second là, mettez le doigt là-bas, le pic là-bas, vous ajoutez veuve là-bas, après jeune. Ajoutez ça. Ce que vous venez de lire là, vous ajoutez jeune. Donc, dans le verset où je me trouve, c'est le verset 14. On dit, je veux donc que les jeunes se marient. Après, je ne mettais veuve, parce que c'est de veuve que la preuve qu'on a parlé. Il y a un mot qu'on a oublié là-bas. Jeune veuve. On ajoute. Oui, ajoutez. Le gars ouvre sa bouche et me dit que Marsa. Donc, j'ajoute dans la Bible aussi. Mon frère. Vous avez affaire. Alors donc, ce que la preuve qu'on a dit ici, il dit, je veux donc les jeunes. C'est une conséquence de ce qu'il y a en haut. Il a dit que les jeunes, il dit qu'on refuse le rôle des veuves aux jeunes femmes. Mais on dit donc, comment est-ce qu'on va faire? Il dit qu'il veut donc que les jeunes veuves se marient. Vous voyez, regardez bien. Je veux donc que les jeunes veuves se marient. Quelles? Les femmes qui sont jeunes. Qu'elles aient des enfants. Qu'elles dirigent leur maison. Qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Vous avez suivi ça? Donc, une femme qui est mariée doit se poser la question 1. Est-ce que ce travail-ci est un obstacle pour l'éducation? Parce que, souvenez-vous, Dieu ne demanderait pas les réponses ou bien les réponses de l'éducation de l'enfant au maître de l'école séculière. Il ne demandera pas à l'université ou pourquoi on l'a perverti. Il va vous demander, parce que on dit que les enfants, les fruits des entrailles sont une quoi? Un don de Dieu. Dieu va demander le don que je te donne. Qu'as-tu fait de cela? Vous suivez, frère? Alors, il dit qu'il faut que cette femme se comporte ainsi afin que l'adversaire n'ait rien à redire. Une femme qui est au pied du Seigneur regardera effectivement ce qu'elle en est par rapport à la prière pour ses enfants. Que ses enfants soient préservés des autres enfants du monde. Que ses enfants soient, que son mari soit préservé lorsqu'il sort, lorsqu'il va. Elle va savoir qu'elle n'a pas assez de temps pour faire cela. Maintenant, on a seulement fait, on a notre prière maintenant. Seigneur, garde-nous garde-nous ce matin comme nous sortons. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Le soir, Seigneur, merci de nous avoir gardés aujourd'hui. On ne veut pas s'asseoir au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, quel est mon rôle, ma responsabilité en tant que femme dans ce foyer? Qu'est-ce que je dois corriger dans ce foyer? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ces choses-là. Prenez le temps là-dessus pour vous allez me dire ce qu'il en est. Puis il dit ici, vous y êtes. Verset 15. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre qui? C'est l'apôtre Paul qui en a parlé comme ça. Quand l'apôtre parle comme ça, celles qui sont détournées pour suivre Satan, elles sont au courant. La question c'est, comment se sont-elles détachées? Donc, quand leur mari est mort, ils se sont levés maintenant, ils ont cru que c'est le libertinage. Ils peuvent sortir maintenant, n'importe comment, que non, le type là, j'étais sous le joug du type là. J'étais dans la mondanité. J'étais enfermé dans la prison. Maintenant, ils peuvent même vivre comme ça. Quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. Satan n'est pas sorti dans la rue pour dire que, venez, mais... Oui, mon cher. Oui. À partir du verset 11 à 12. Oui. Mais refusez les jeunes veuves, car lorsque la volonté les détache du Christ, elles veulent se remarier, se rendant coupable en ce qu'elles violent leur premier engagement. Oui. J'aimerais faire une présidence sur le premier engagement. Pour moi, je me suis dit c'est le mariage. Et je me suis également... Non, ça ne peut pas être le mariage parce que l'engagement a été rompu. Donc c'est une jeune veuve ici qui a dit désormais qu'elle a dit qu'elle va rester veuve comme son mari est mort. Et puis quand la volupté l'arrête, elle veut maintenant encore se remarier. Parce que c'est l'engagement pour ne plus se marier qu'elle a pris. Voilà, donc c'est ça les questions. Verset 15, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves, qu'ils les assistent et que l'église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Amen. Donc en fait, dans l'église du Seigneur Jésus, dans le corps de Christ, sont suffisants les enseignements pour pouvoir garder la femme à la place que Dieu leur a accordée. Normalement, on doit enseigner ces choses et les dire comme l'apôtre Paul l'a dit ici. Mais le vrai problème se situe au niveau de notre intellect et notre infection, notre incursion dans le camp et dans le champ du monde. On est venu du monde avec certains concepts ne sachant pas qu'en venant avec ce concept-là, Dieu a déjà mis et établi des choses, des règles pour ces choses-là. Vous avez moi, hein? Par conséquent, il va falloir qu'on ait la réforme de pensée, qu'on admette que si notre foyer est vulnérable parce que la femme sort, il faut que la femme rentre pour que la foule ne soit plus vulnérable. D'accord, mon frère? Que Dieu vous bénisse. Les quelques-uns dans la Bible prévoient pour un frère marié qui aime, parce qu'il y a une révélation qui est sortie de la Suisse, il y a une révélation qui est sortie de la Suisse et de France, mais de l'Allemagne. Mm-hmm. Qu'est-ce que la Bible a prévu pour un frère marié qui aime une sœur mariée? Il lui faut la délivrance. Ce n'est pas la Bible qui prévoit. C'est une pensée, c'est un désir un peu. Ça ne peut pas être purifié, ça ne peut pas venir de Dieu. Il faut le délivrer de cette puissance-là. Oui, autre question. Je n'ai pas terminé. Oui. Bon, puisque la révélation a ressorti que les deux personnes sont dans la maison. Y a-t-il des questions d'ordre biblique? Tu en es tourné autour de la révélation. La révélation dit clairement que je connais les personnes. C'est même pas seulement qu'ils sont dans la maison, que je les connais. Dans ce temps-là, ça devait arrêter toute question. Le seul fait qu'il connaît les personnes, c'est règle le problème déjà. Y a-t-il des questions? Donc si vous n'êtes pas marié dans ce sens, ça ne vous concerne pas déjà. Si on veut se marier, on est déjà. Si tu veux se marier, comment? Si tu te maries et que tu brûles, là c'est un autre problème. C'est ton cas de délivrance au passé. Ce que j'en ai dit, c'est que j'ai vu les personnes, j'ai vu la chose qu'il en est. D'accord? D'autres choses? Ce n'est pas des questions. Je vous recommande sous sa grâce. Oui. En fait, à haute voix, frère. Dans le livre de Malachi. Oui. À partir du verset 4. Malachi chapitre combien? Malachi 4. Oui. Malachi 4, verset 4. Oui, lis, mon frère. Si je vous enverrai le livre de prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, un jour grand et redoutable. Ça, c'est au chapitre 4 de Malachi. Oui. Vas-y, quelle est la question? La question, c'est par rapport à cette prophétie. C'est une prophétie qui s'est déjà accomplie. C'est une prophétie qui va être accomplie. Lisons encore, je peux mettre permets-moi des listes là. Dans le livre de Malachi, dans le chapitre 4. À partir du verset 1 déjà, il dit « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme des chaumes. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur restera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds. » Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Mais dans verset 4 de l'Écriture, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Oui, c'est ça, non? Quelle est la question? Vous me répondez la question. Non. Est-ce qu'on Vous savez, la façon qu'il répondait à la question, il ne s'attendait pas à cela. Voici pourquoi, quand vous posez la question, j'explique, je suis obligé d'expliquer pour la compréhension. Quand il pose maintenant la question, il dit seulement non. Parce que la question c'est est-ce que c'est déjà accompli? Il dit non, il reste tranquille, ça le trouble encore. Parce que normalement il s'attendrait à ce que je donne des explications, le pourquoi il dit non. Maintenant ça, c'est l'embarras, il ne sait pas comment poser la question. Parce que je sais arrêter la pensée qui est derrière sa question. Comment frère? C'est une question que j'ai souvent suivi chez les brahmistes. Oui. Parce qu'ils disent que c'est Branham que Dieu a destiné à venir en ce temps, pour justement apporter une consolation. Lisons cela. Quand vous lisez le verset, je sais pas ça, vous pensez que c'est quoi? Quand vous lisez ces malachis, toi tu as lu, quand tu as lu, tu as pensé à quoi? Non, moi j'ai pensé C'est moissonneur. Mais ici, c'est au singulier. Là, Christ a dit qu'il va envoyer les moissonneurs, c'est autre chose. Ici, la prophétie parle au singulier. Regardez bien, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Puis on dit, verset 15, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. On a décidé qui on doit envoyer. Il dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc on doit l'envoyer. J'arrive. Maintenant, ça n'a rien à voir avec les moissonneurs. J'attends toujours que la bonne question sorte ici pour que je parle. Quand vous lisez ça, vous pensez que c'était qui? Est-ce que c'était comme ça des Jean-Baptiste? Ça ne peut pas être de façon au chapitre 3, on en a parlé de lui. C'est là où je vous attendais. Au chapitre 3, c'est écrit, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Avant que l'Esprit, Dieu, le Père, qu'on cherche, n'entre dans un corps humain pour manifester Emmanuel. Quelqu'un doit marcher devant lui. C'est ce qui est écrit là. C'est pas ce qui est écrit là. Il dit, j'enverrai mon message devant ma face. Il préparera le chemin avant que le Seigneur entre dans son temple. Donc, le Seigneur, Dieu, entre dans un corps humain pour venir sur la terre. Un message doit être devant lui. Il s'agit de qui? Puis il dit, dans le livre des Isaïe, on parle de lui comme c'est la voix qui crie dans les déserts. Maintenant, écoutez. J'ai lu le verset 5 de Malachie 4, si je me suis arrêté, exactement là où tu t'es arrêté. Mais en bas, il y a une prophétie concernant ce que Élie est censé faire. Verset 5. Verset 6, on dit qu'il amènera le cœur des pères à leurs enfants. Oui. Et le cœur des enfants à leurs pères. Oui. De peur que je ne vienne frapper le pays d'intérêt. Ah ah. Donc on dit qu'il est censé faire quoi, Élie là? Donc, il y a un problème, non? Il y a un problème, n'est-ce pas, frère? Bon, vous ne connaissez pas folie la Bible. Il y a un cœur des enfants, le père et les enfants. Non, c'est de rapprocher la famille. Vous savez, le langage biblique et le langage des prophètes, c'est différent. Vous savez, il dit qu'il y a un problème ici. Ouvrez le livre de Luc ou le livre de Marc où la venue de Jean-Baptiste est prophétisée. Mais prenons, je crois qu'on prend Luc chapitre 1, le verset 17, je crois que c'est écrit là-bas. Donc, dans Luc au chapitre 1, il est question de la naissance de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? On va voir quelque chose qui est amusant. C'est pour ça que souvent, vous lisez la Bible, vous croyez qu'il y a une erreur quelque part, alors que le Saint-Esprit va faire l'erreur, jusqu'à ce que vous sachiez exactement ce qu'il en est de parler. Et vous voyez donc les parallèles, les gens mettent donc des parallèles à la Bible. Vous savez, il y a des gens qui parlent qu'on met le parallèle. C'est pour ça que ces choses ici ne sont pas faites pour les théologiens. Parce que pour les théologiens, vous allez voir alpha quelque part, vous allez courir mettre alpha là-bas. De alpha là, il ne veut pas dire l'autre alpha là. Même si alpha, c'est alpha. Alors maintenant, regardons ici au chapitre 17, prenons à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et pour plusieurs, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car, écoutez très attentivement, la personne qui en a de parler, ce n'est pas l'évangéliste Luc qui en a de faire des recherches pour écrire. Il a cité ce que Gabriel a dit à Zacharie, d'accord? Donc, c'est un ange venu du ciel qui a de transmettre ce message-ci. Ce n'est pas un être humain qui a fait une recherche. Donc, il a décidé comme ça ce que l'ange a dit. Car il sera grand devant le Seigneur. C'est ça? Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. On avance? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ah, j'aime ces paroles. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Maintenant, si vous regardez le parallèle dans votre livre, vous allez voir que on a pris et renvoyé dans ce Malachie chapitre 4, verset 6. N'est-ce pas? Mais Malachie chapitre 4, verset 6 dit deux choses différentes dans ce même verset. Il dit, Malachie chapitre 4, verset 6, ce que vous avez lu là-bas, dit deux choses et Jean-Baptiste respecte une condition sans respecter encore l'autre. Je ne sais pas si vous saisissez. Comment vous regardez? Regardez ici. L'ange dit ici que cette personne va marcher avec la puissance d'Élie. Parce que Jésus même lui-même a dit que c'était Élie qui devait venir. D'accord, frère? Alors ici, dit, il marchera devant Dieu avec, verset 17 là, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour le but pour lequel la puissance d'Élie est sur lui. C'est pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Lève-toi, frère. Lève-toi. C'est toujours toi. Lève-toi. Frère, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Non, tenez-vous là-bas. Je veux que vous voyez quelque chose ici. On dit que lorsque Jean-Baptiste vient, il marche avec la puissance et l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? Il dit le but pour lequel il a cette puissance-là, c'est pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants. D'abord, cette expression, qu'est-ce que l'on dit déjà avant qu'il nous montre cet exemple-ci? Vous pensez qu'est-ce que l'on dit parler? C'est ramener les cœurs des pères vers leurs enfants, ça veut dire quoi? Attends, il y a un français qui s'en est lié, non? Restaurant, là? Les enfants. Qu'ils ont fait quoi, alors, le problème? Non, pour la rébellion, on a dit ici devant que les rebelles à la sagesse des justes. Dans le verset, le verset souvent dit et les rebelles à la sagesse des gens vont toucher ce volet-là. Et vous allez voir effectivement que c'est ce que Jean-Baptiste va faire. Suivez seulement la prédication de Jean-Baptiste, c'est exactement ce qu'il va faire là-bas. Vous ne savez pas ce que cette expression veut dire? Ok. Maintenant, Jean-Baptiste vient pourquoi? Parce que la loi a été bafouée. Il n'y a pas de prophète. N'est-ce pas? Voici pourquoi Dieu l'envoie pour aller préparer le chemin maintenant pour que tout ce qui était dit, parce qu'il ne marche même pas marcher dans la justice, dans la parole du Seigneur. Dieu a donné les alliances au Père. Dieu a donné ses oracles au Père. D'accord? Qui devait aller tout enseigner aux enfants jusqu'à toutes les générations que Dieu aura voulu. Donc on dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Romains chapitre 11 nous dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Mais pour ce qui est des élections, ils sont aimés à cause de leur père. Vous y êtes? Oui. Alors qu'est-ce qui arrive? On dit que Jean-Baptiste est censé faire que la foi de leur père, c'est-à-dire que l'obéissance, la vie de l'obéissance, qui, dont le père avait originellement, que ça puisse être préparé dans ce cœur-ci, pour qu'il puisse recevoir la parole de Dieu. C'est ce qu'on a dit, là. Regardez ce qu'il dit. On dit, avec la puissance et l'esprit d'Élie, il va faire quoi? Il dit, pour ramener. Comment pourquoi il ramène? Parce que ça, les gens ont quitté la loi. Ils ont quitté une autre, ils ont observé la loi. C'est le principal but même de Malachie. C'est pas ça, frère? Alors non, la foi des pères, les autres pères, les pères de la foi, obéissaient à la marche avec Dieu. Ils ont quitté l'évangile, chacun faisait un peu quoi. Les pharisiens étaient en plein, on avait mélangé toutes choses. Jean-Baptiste vient au milieu. Pour faire sortir les gens là-bas pour qu'ils marchent dans la foi originelle. C'est pour ça que dans la chapelle de Caïla, il a commencé par dire souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc, chaque fois qu'il vient, il souvenez-vous. Donc, on a marché selon cette loi-là. Alors, il vient donc faire que ces enfants-ci, qui sont dans le temps de Jean-Baptiste, les enfants d'Israël, ce sont ceux qui sont à la naissance de Jean-Baptiste. Personne ne marche comme la loi de Dieu veut. Ils viennent faire donc pour qu'ils retournent à ce que Dieu avait voulu pour les pères. Vous savez, moi? Puis maintenant, vous pouvez vous asseoir maintenant. Regardez, mais vous remarquez qu'il n'a pas touché celui-ci. Vous remarquez que je n'ai pas touché, n'est-ce pas? Oui. Donc, voici Abraham qui a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré les 12. Les 12 ont engendré jusqu'à voici le peuple d'Israël. Ici se trouve donc, entre eux, se trouvait les sacrificatures de Moïse que Moïse a donné pour pouvoir ordonner les choses comme Dieu a dit. À un moment donné, dans les pharisiens, en déception, il y a une division, il y a un mélange terrible au point où les gens ne savent plus qui est qui. C'est dans ce milieu-là que Jean-Baptiste vient pour amener les choses à l'ordre. Vous y êtes? Alors il ramène le cœur des pères, le cœur, le lieu de la foi originelle des patriarches vers les enfants d'Israël. C'est son but. Maintenant, lorsqu'il le fait, on dit que l'autre but maintenant, ce sera de ramener les rebelles à quoi? deuxième volet. À la sagesse des justes. Maintenant, si vous regardez la prédication de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, vous voyez effectivement comment tout le monde va aller venir commencer à se baptiser pour la repentance. N'est-ce pas? Pour la repentance. Les soldats vont venir vers lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Contentez-vous de votre solde. Qu'est-ce que je dois faire? Que celui qui a une tunique, donne-en une à lui, celui qui n'en a pas. Il n'apporte rien de nouveau. Si vous êtes dans la loi, vous allez voir effectivement ce qui était prescrit. Vous y êtes? On a parlé de Pharisiens, on va envoyer maintenant les villes de haut de là-bas pour aller vers lui, pour lui demander que, qui es-tu? Pourquoi baptises-tu? Es-tu le Christ? Il dit, je ne suis point. Dans ce cas, pourquoi tu baptises? C'est, moi, je vous baptise d'eau, mais quelqu'un se marche devant de vous. Il arrive. Jésus n'est que celui qui crie dans le désert. Mais maintenant, regardez Malachie chapitre 4. Je crois que je vais m'arrêter là-bas parce que je crois que vous comprenez la vie là. Ça n'arrête dans la prophétie. Gardez le doigt dans Luc 6 et Malachie. Donc on lit en parallèle. Regardez Malachie chapitre 4 encore, verset 6. Alors regardez, on dit, voici, je vous enverrai. Verset 5 d'abord dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Vous savez qu'on parle du jour du jugement ici. N'est-ce pas, frère? Donc, avant que le jour du jugement n'arrive, il faut que Élie vienne. Nous sommes d'accord? Or, le jour du jugement, regardez bien, si vous tracez dans la chronologie de Dieu, il y a la loi qui est donnée. Et regardez ici, voilà. Il y a la loi qui est donnée. La loi doit fonctionner jusqu'à ce que la grâce vienne. Il y a la loi qui est donnée au peuple. Le peuple vit dans la loi ici, jusqu'à ce que la loi doit être là, jusqu'à ce que la grâce vienne, n'est-ce pas? Après la période de la grâce, la période de la grâce arrive jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a la grande tribulation et autres, avec toutes les autres choses qui sont là, le jugement. Et puis il y a maintenant le jugement dernier. Donc quand la loi est donnée, depuis la loi, on dit qu'avant le jour du jugement, Élie est censé venir. Or, entre le moment de la grâce d'Élie et cela, il y a en plein grâce là-dedans. Donc Jésus est censé venir dans le cadre de la grâce. Et on en a parlé depuis la limite d'Élie, si c'est le jugement. Avant le jour grand et redoutable. Donc, avant le jugement dernier, Élie est censé venir pour ramener cela. Maintenant, on va lire ce qu'il est censé faire. Mais le problème, c'est que le jugement est loin par rapport à la grâce. Christ vient pour la période de grâce, non? Et ici, loin d'Élie, on est en train de dire qu'avant le jour du jugement dernier, Élie est censé venir. Mais avant cela, avant que la grâce ne soit inaugurée, il y a un autre verset qui introduit que même avant la grâce, quelqu'un doit l'introduire. Et on dit donc que celui-ci avait la puissance d'Élie sur lui. Donc, ça n'a rien à voir avec celui-là qui va venir avant le jugement. Parce que le but avant le jugement, c'est qu'avant le jugement, il faut qu'il respecte la loi de Moïse, pour qu'il se souvienne de la loi de Moïse. Parce que maintenant, personne ne respecte cela là-bas. On arrive. Maintenant, regardez maintenant. Mettez les doigts dans ce Luc chapitre 1, verset 7. Et on va lire en parallèle donc, avec Malachie 4. Il veut quand même finir de lire, il dit ce qu'il a dit. Quoi qu'il ait parlé de ceci dans les enseignements. Maintenant, regardez. Regardez. Malachie chapitre 4, verset 6. Il, c'est-à-dire Élie qui va venir, il veut que vous suivez vraiment bien. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ici, frère, il dit, regardez dans votre Bible. On dit il, Élie qui vient de venir, ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Vous regardez le deuxième volet. Et le cœur des enfants à leurs pères. Vous avez vu ça? Donc, ce n'est pas normal. Vous voyez que le premier volet concerne Jean-Baptiste, le deuxième volet ne le concerne plus. Regardez dans votre Bible, regardez. Le deuxième volet, il n'est pas dit dans la prophétie de Jean-Baptiste qu'il doit ramener le cœur des enfants au père. Mais c'est le père des enfants qui va remettre. Lève encore toi, frère. Ici, tout le monde a vu que quand l'ange parlait, l'ange a dit que quand celui qui vient avec la puissance de vie, il ramènera le cœur des pères vers les enfants. N'est-ce pas? C'est ce que le premier volet de ce verset dit effectivement. Mais le deuxième volet dit et le cœur des enfants à leur père, supposé. Voici père, non? Voici enfant. On dit qu'il est censé ramener le cœur des pères vers les enfants. Ça veut dire que c'est le père qui sont la référence. C'est eux qui ont l'authenticité de la foi. D'accord? On veut faire que les enfants retournent à la foi originelle de leur père. Puis on dit que les pères des enfants à leur père. Donc, ce n'est plus la même chose. Il a dit autre chose dans ses volets. Ça veut dire qu'il y a une autre personne en dehors de Jean-Baptiste qui est censé venir. C'est ce que le Saint-Esprit parle là. Mais t'asseoir, frère. Donc, le deuxième volet concerne une autre personne avec la même puissance de lui qui est censé venir. C'est ce que ça dit. C'est ce que le Père dit, frère. Ouvrez Luc chapitre 4. Je vais vous expliquer ces choses dans la Bible. Oui, Haya. Bon, prévoyez aussi Matthieu. Vous y êtes? Ok, regardez. Je vais vous montrer ce qu'il y a de choses. Si c'est compliqué, avec ce qui est facile, je vais vous montrer ce qu'il en est. Même si vous ne comprenez pas les prophéties là, je vais aller dans d'autres deux domaines pour vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez. Avec ceci. Donc, ouvrez Luc chapitre 4, Ésaïe chapitre 60. Ouvrez les deux, on va lire en parallèle. Donc, Luc chapitre 4, vous avez ouvert. Ésaïe chapitre 61, pardon. Maintenant, ouvrez Matthieu chapitre 26. Quand vous avez ouvert les trois là, gardez les passages comme ça. On va commencer par Ésaïe chapitre 61. Dès que vous finissez avec cette question, si je vais vous laisser, je vais vous recommander sous sa grâce. Et que vous commencez une bonne semaine avec lui. Regardez chapitre 61 d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Vous y êtes? Il n'est pas encore ouvert. Aidez quelqu'un chaque fois à ouvrir la Bible pour qu'on avance vite. Vous ouvrez, vous avez la même Bible. Donne-lui seulement la page. Et tu cherchais autre chose là, mon frère. Tu as dit tout à l'heure là, que quand elle est en France, parce que tu es dans seulement un endroit où vous partez ensemble. Maintenant, elle trouve la page, elle te dit, tu ne veux pas. J'insiste que vous voyez cela pour que vous voyez comment la Bible est. En fait, la Bible n'est pas compliquée. Quand tu comprends le langage du Seigneur, ce n'est pas compliqué. Quand vous commencez à comprendre le langage du Père, la Bible commence à être intéressante. Vous commencez à désirer davantage pour sonder, pour qu'il vous dise quelque chose. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 61, le verset 2 dit, « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Amen. Vous avez suivi la façon que c'est lu. Maintenant, allons au chapitre 4 de Luc, au verset 16. À partir de là. Chapitre 4 de Luc. Ne fermez pas Ésaïe. Vous avez, si vous avez vous me dites, je commence. Chapitre 4, verset 16 dit, il se rendit à Nazareth. S'il vous plaît, je vais que vous lisez. Si vous ne lisez pas, vous allez entendre ma voix. Quand il va quitter, vous ne pouvez pas savoir ce que je suis montré dans la Bible. Vérifiez dans la Bible. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc on vient de lire son livre là, n'est-ce pas? Mais c'est incroyable. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». On vient de lire ça, non? Oui. Donc, ce qu'on a lu là, Jésus a dit la même chose. « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Remarquez comment la phrase finit ici. On finit par quoi? Seigneur. Et après, il y a un point. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Il y a un problème là maintenant. Quel est le problème? Remarquez très bien comment Jésus-Christ finit au verset 19. Il dit toutes les choses que l'Esprit est sur lui pour faire. Vous y avez moi? Puis, il arrive au verset 19, il dit que l'une de ces choses-là, c'est pour publier une année de grâce. Quand on dit une année, ça ne veut pas dire une année comme 12 mois. Et année ici, dans le langage biblique, ça veut dire une période. Pour inaugurer une période de grâce. Vous avez moi? Maintenant, rentrons dans Isaïe encore, vérifier quelque chose quand il a lu là. Donc, ce verset 19-ci correspond donc au verset 2. N'est-ce pas? Ok, regardez ce qui est écrit au chapitre 61 d'Isaïe, verset 2. Pour publier une année de grâce des... Mais le verset ne se termine pas là-bas. Ça continue en disant quoi? Donc, normalement, le verset 2 commence par « pour » et se termine par « Dieu ». Nous sommes d'accord. En fait, ça ne s'arrête pas. Il y a un point virgule là-bas. Et vous remarquez donc ici, Jésus notre Seigneur a cité et s'est arrêté là où il y a la virgule. Vous y êtes? Il a cité Isaïe 61. S'arrêter là où il y a la virgule. En plein milieu d'une phrase, il s'est arrêté. Et il a laissé une année et un jour de vengeance. Pourquoi? Parce que dans la période de Dieu, il a deux choses à faire durant sa venue. Il y a d'abord un, il vient faire quelque chose pour la grâce. Et une autre chose, il viendra encore cette fois-ci pour juger. Et dans la même phrase, sont contenues la prophétie de la venue pour la grâce et la venue pour le jugement. Et là, il ne peut pas citer que je suis venu pour la grâce et pour le jugement. Parce que pour le moment, il est venu pour la grâce. Il s'arrête là où la grâce s'arrête. Il ne dit pas que je suis venu pour le jugement, parce qu'il n'est pas venu pour le jugement. C'est ce que je le dis. Donc dans Malachie chapitre 6, on voit effectivement qu'une phrase est dite qu'il ramène à ceci et ceci. Mais une partie, elle concerne une personne, une première partie concerne une personne. C'est pas ce que vous saisissez. Ok. Donc Jésus ne pouvait pas dire, on dit quand la luce là, il s'est arrêté. Là où il y a un virgule, il s'arrête. Or, tous ces versets là le concernent. Parce que c'est toujours lui qui va venir pour juger. Mais la première fois qu'il est venu, là, il n'est pas venu pour juger. Il n'a pas cité dans le verset pour le concernant pour le jugement. Vous avez vu cela? Matthieu, dans chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. C'est quoi cette histoire? Matthieu, chapitre 6. Matthieu, le chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est amené devant le Sanhédrin. Puis par la suite, on va l'amener comme ça devant le principal qui s'appelle Caïphe. Vous y êtes? On peut entrer dans le prétoire. On peut aller là-bas, suivre son jugement. Vous pouvez faire dire que ça soit le relâche. Vous pouvez le défendre que ça soit le relâche. Non. Tu partais d'abord où? Vous voyez comment je parle? Il dit qu'on peut partir, il dit oui. Il dit qu'on peut faire le relâche. Il dit qui? Tu partais où? Bon, verset 57 et suivant. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenaient chez le souverain sacrificateur Caïphe où les scribes et les anciens étaient assemblés. Tout le monde y est, n'est-ce pas? Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dit: celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et l'œuvre bâtie en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien, qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, maintenant écoutez très attentivement ce que Jésus dit sort de sa bouche. Tu l'as dit. Donc, celui-ci vient de déclarer que Jésus est quoi? Christ, le Fils de Dieu. Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit, comme tu as déclaré comme ça, je le suis. Maintenant écoutez très attentivement. Jésus va nous dire, de plus, c'est-à-dire, ajoutez à cela, ajoutez au fait que je suis le Christ et le Fils de Dieu vivant. Écoutez très attentivement maintenant, ça sera important. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et, vous avez vu cela, venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Que ça, c'est le comble du blasphème. Mais vous avez vu ce que Jésus a dit? Vous avez vu ce qu'il a dit, frère? Ok. Est-il le Christ? Est-il le Fils de Dieu? Mais il a dit, ajoutez à cela, comme celui-ci a dit, comme vous avez dit, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Un, premier volet. Deuxième volet, et venant sur les nuées du ciel. Je vous pose la question. Jésus est déjà venu sur les nuées du ciel? Non. Est-il déjà venu sur les nuées du ciel? Mais il dit à ceux qui l'ont posé, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous dites? Alors, il dit, il a ajouté au fait qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant, le fait qu'ils doivent le voir assis à la droite de la puissance divine. La Bible nous fait état de quelqu'un qui l'a vu assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? C'est qui? 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, c'est une personne qui n'était même pas dans ces salariés là, qui dit, voici, je vois le ciel ouvert et Jésus assis à la droite de Dieu, de la droite des dieux, n'est-ce pas? Or, il avait dit à Caïphe et aux gens qui étaient là-bas, désormais vous verrez. Mais 30 ans plus tard, celui-ci voit. Maintenant, dans une même prophétie, dans une même parole, se trouve contenu une prophétie qui s'est accomplie 30 ans plus tard et l'autre qui n'est même pas encore accomplie. Parce que depuis ces 30 ans, nous sommes en 2017, la deuxième n'est pas encore accomplie dans une phrase qu'il a dite. Vous y êtes avec moi, frère? Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nez. C'est pour ça que si vous commencez à analyser la Bible comme une phrase que, et conjonction des coordinations introduisant la proposition subordonnée conjonctive, c'est que la conjonctive va vous arrêter. Je vous le dis. Alors, il faut faire quoi? Il faut le langage de Dieu pour pénétrer ici. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette ligne droite que tu as dit à tes enfants de tracer afin de ne plus franchir et incliner leur part ça et là, le pied gauche dans le monde, le pied droit dans la vie chrétienne. Tu veux que nous soyons une nation sainte, un peuple saint, acquis pour ta gloire afin que nous annoncions la vertu du Seigneur. Merci Père de gloire pour la voie de sainteté que tu as ouverte pour nous, cette carrière que tu as ouverte pour nous une fois pour toutes afin que nous y marchions ayant les regards fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de notre foi. Pour le peuple d'Allemagne, Père de gloire, tu veux qu'il quitte, oh Dieu gloire, l'éthagie et qu'il s'attache à toi, à des valeurs spirituelles, à cet appel qui est l'appel d'en haut, la vocation céleste. Seigneur, très souvent, ils sont alourdis par suite des sacrifices dont le monde et Satan les ont piégés dans ce travail à outrance afin qu'ils n'aient pas de temps pour méditer ta parole. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu disperses certains dans leurs travaux et que tu les ramènes à la maison afin qu'ils crient à toi, comme tu sais le faire. Je recommande leur âme et leur vie entre les mains. Père, qu'ils crient dans le froid ici pour te chercher, jusqu'à ce que tu te révèles à eux. Je prie, Père de gloire, que tu les gardes dans ta souveraine grâce, que tu les gardes dans ton amour et que tu leur donnes de comprendre que nous sommes des pèlerins et des étrangers sur cette terre et que nous n'avons pas bâti n'importe quoi de permanent et notre cœur et de notre trésor sur cette terre, mais nous allons la bâtir dans les cieux d'où la récompense est éternelle. Je prie, au Dieu de gloire, que ta grâce les demeure avec eux et qu'ils marchent toujours dans cette grâce-là, le pied hors des choses souillées de ce monde-ci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse. Oui. Ils se sont trompés, les catholiques se sont trompés. Les prêtres catholiques se sont trompés parce qu'on a dit qu'il y a l'extrême onction qu'on met sur quelqu'un dans ce lit des morts. L'extrême onction ne résout pas le problème. C'est la repentance et la foi en Jésus-Christ. Avec qui? Il s'est confessé, il pourrait se confesser devant Dieu. Ok. Parce qu'il est mort de la tuberculose. Quand c'était fort, non? Quand il était sur son lit d'hôpital, il a déclaré un de ses quatre, je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis et en détestant la superstition. Donc sur le lit, il a fait tout ça? Sur le lit, il a dit ça. Non, il a dit ça, mais il a fait tout ça alors? Bon, je ne sais pas s'il a fait ça, mais quand il a fait ça, il y a un de ses disciples, c'est-à-dire qu'il a eu un peu de force quelques semaines avant sa mort, lui a demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit que c'était sa confession qu'il était en train de faire. Parce que si, à sa mort, il n'y a pas de vie après la mort, il n'aurait rien perdu. C'est-à-dire qu'il aurait bien vécu normalement sur terre. Et si, après la mort, il y a quelque chose de l'autre côté, il aurait tout gagné. Donc tu vois que ce n'est pas la foi de la Bible. La foi de la Bible dit clairement que nous savons. Ce n'est pas la foi de la Bible. Donc il voulait comme ça lancer encore. L'esprit qui était en lui voulait lancer encore le débat dans le camp de philosophie avant qu'il ne parle. On a rien à voir. La Bible déclare que nous savons qu'il y a quelque chose. On ne fait pas le si. Sois béni. Amen.